Bon bah il s'accroche le bougre. Encore une fois, Martin Garrix reste numéro 1 des clubs en Europe une nouvelle fois avec le Animals. En deuxième, Avicii Wake Me Up. Troisième, 4 places de gagner cette semaine pour l'autre titre d'Avicii. Deux Avicii donc dans le top 5 ce soir. Troisième Avicii avec le High Brother. Quatrième plus 1 pour Showtech. Et cinquième, réentrée dans le top 5 de Fede Legrand et Sultan avec No Good. Belle semaine tout le monde. Le classement en intégralité sur funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Passez une belle semaine. On se retrouve donc dimanche prochain avec un nouveau classement. La nouvelle rubrique qui va intégrer dorénavant l'Eurodance 25, le top DJ Mag avec les trois morceaux à ne surtout pas louper pour les 7 jours à venir. Ce soir, on a découvert Merck & Cremont sur le label de Nicky Romero, c'est Zunami, Thomas Gold également avec le Remember sur le label d'Axwell qui est Axton, ou encore Clockwork avec Blitz. Voilà, belle soirée à vous, Party Fun, tout à l'heure dès minuit, histoire de terminer la semaine en beauté. Et là, on va passer la soirée en beauté. Ouais, exactement. Je suis très déçu d'ailleurs. Moi, je pensais que la nouvelle rubrique, c'était Tof qui allait mixer deux titres dans l'Eurodance. Mais ouais, en plus que maintenant, j'ai mon nouveau matériel. Bah ouais, c'est ça, il aura pu quoi. Et bon, on va essayer le week-end prochain, promis. Ah, bah, ne prends pas des engagements que tu ne dois pas tenir. Ah non, mais ok, tu vas mixer les trois derniers disques. Oh, quelle horreur! Oh là là, ça va être une horreur! Oh, mais parfait, ça va être très très bon. Je serai à l'écoute. Mais oui, bah tu seras là aussi. Ça sera du très très lourd. Ah bah bien sûr, je serai là, t'inquiète pas. Bah. Très bien, je suis prêt à faire venir mixer notre cher ami contre une Nintendo 3DS. J'ai rien à voir là-dedans. Ouais, c'est ça, laisse-moi réfléchir. Non. Un coup de pelle, c'est tout ce que tu mérites. Oh, ça va. Bon, par contre, tu peux venir donner des cours à Tof pour mixer si tu veux, ça ouais. Ok, ça marche. Bon, bah ça, parfait. T'as vu, t'auras des cours par Mico C. Ça rigole pas. Exactement. Si j'arrive déjà à enchaîner deux disques, ça sera bien. Si t'arrives déjà surtout à te faire une nouvelle coupe. Là par contre on sera bon là. Là on sera bon. Ça aurait pu être bien pire. Ouais, bon, je vous montrerai la nouvelle coupe de Tof. Il part à l'armée. Ça peut pas être bon, bien. Bon, retour de l'Eurodance la semaine prochaine. Oui, 18h-20h. Et puis bah bonne semaine Mico C. Merci à vous aussi. Et on se retrouve bah nous maintenant là, c'est parti jusqu'à minuit. Bon week-end, bonne semaine. Salut. Ciao. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me casser les couilles longtemps là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 20h01. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment s'est passé votre week-end justement? Et bah si vous avez fait un long week-end, exactement, bah on est là pour vous, même si en plus demain c'est congé, donc bonne nouvelle, vous allez pouvoir nous écouter jusqu'au bout, donc ça c'est plutôt cool. Et comme tous les dimanches, eh ben on est là avec toute l'équipe pour mettre le feu. Moi c'est Mickaël, ce soir on est là, ce soir et tous les autres soirs hein, dans l'absolu, on est là jusqu'à minuit comme tous les dimanches, 20h minuit et du lundi au jeudi de 23h à 2h. Si vous voulez passer à l'antenne, bah, il suffit simplement de faire le 01 42 48 5000 et puis pour la Belgique le 02 851 4x0 et vous nous rejoindrez comme ça, comme Fred qui est avec nous là. Bonsoir Fred. Ouais, salut tout le monde, ça va? Hey, ça va bien et toi Fred? Ouais, tranquille. Bon bah bienvenue à toi Fred. Ouais, merci. Bon, merci. T'as passé un bon week-end même si on est encore Ouais, bah j'ai passé une soirée strip poker samedi. Grosse soirée. Ah sympa. Et puis aujourd'hui j'ai joué au poker en ligne toute la journée. D'accord, mais t'as perdu combien dans cette histoire en deux jours? Ah non, mais c'est pas de l'argent réel. Hein. Ah d'accord, c'est que des fringues. Oui, bon, tu t'es mis à walper combien de fois? Moi, je me suis retrouvé en caleçon. Hein, quoi? En caleçon. Ouais, donc t'as pas très très bien joué dans l'idée. Hein. Bah à la fin j'ai eu que de la poisse, donc après Ouais, c'est le pas de bol. C'est le problème, c'est qui? Donc voilà. Mais tu sais pas quand il faut partir. Exactement, une vraie galère quoi. Bon, sinon dans l'idée le week-end c'est plutôt bien passé quoi. Ouais, bah sinon ça s'est bien passé, tranquille. Bon. Eh bah écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Alors attends, il y a Sandro aussi. Comment ça va le régime? Ça va, j'ai pris un coach, ça y est. Ah, je croyais que t'as pris un kilo. Pris un coach. J'en ai pris 5 donc. Ah, 5 ouais. En un week-end? Un mois et demi, deux mois. Ah, en un mois et demi, deux mois. Ouais, voilà. Mais prends un coach, hein, mais c'est bien aussi. Bon, on parlera régime dans quelques minutes d'ailleurs, tiens. Je crois que j'ai une bonne motivation pour vous. Ah ouais? Ah oui, en termes de régime, je pense qu'on est pas mal. Tof qui est également hein, content de revenir à la radio pour retrouver tous ses amis. Bah, t'es enculé, gros connard. Voilà. Ferme ta gueule. Voilà. Ne perds pas les couilles, m'emmerde pas. Voilà. Ils tellement manqué. Mais oui. Ben, une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. Et le meilleur, bien sûr. Pitoyable, mais pas digne de pitié. C'est vrai. Vous êtes un imbécile. Exactement. Bref, tous ces amis que vous retrouverez tout à l'heure entre 20h et minuit, puisqu'on vous repassera les meilleurs appels de la semaine tout à l'heure. S'il y en a qui vous ont marqué d'ailleurs, n'hésitez pas à nous balancer le message et celui que vous voulez réécouter. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. On se refera également quelques-uns donc de tous ces appels. On se refera le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer ce soir, bien entendu. Il était d'une violence. D'une violence sans nom. Oh et en attendant, là. Un petit peu de détente, évidemment, avec le pipeau. Et Polo qui est revenu avec le bel instrument. Ouais, je l'ai nettoyé. Oui, j'ai astiqué le pipeau. Tout beau, tout propre. Je salue quelques filles comme d'habitude. Comme d'habitude, évidemment. Alors, Elodie. Elodie. Elodie, Shirley. Charline. Charline. Charline Miss Lorraine. Voilà. Elodie. Non, pas Cécile. Non, ça, il l'a traité comme Colline. De la merde. Et maintenant, il dit, ah, elle me parle plus, je comprends pas. Bah oui, c'est normal, bizarre, mec, hein, donc. T'es un connard. Colline, Anne-Marie, une ancienne amie que j'ai retrouvée. Tu racontes ta life, là, ensemble. Et puis Nina, que j'ai vue ce week-end. Voilà, je t'embrasse. Ah, d'accord. Elle okay. est belle, Nina. Ah ouais, oh mais là malheureusement, là. Le problème, c'est que Polo est toujours seul. Bon, oui, on écoutera. Ça. Oui, bah c'est ça, ouais. On écoutera ça, aussi tout à l'heure Jason Derulo sur Fun Radio. Il y a un son que tu kiffes en particulier, Fred ou pas, toi? Tsunami. Tsunami de Dubs, c'est ça? Ouais, le dernier là. Ben oui, bah, c'est le dernier. Bon, on se le mettra tout à l'heure. Tiens, attends, où est-ce que je l'ai foutu celui-là? Il est là, tiens, hop là. Voilà, celui-là, on est d'accord? Ouais, ouais, c'est celui-là. C'est très bien, bah, je te le passerai tout à l'heure sans problème. Okay. Je vous calerai aussi le son de Red Fou. Avec Let's Get Ridiculous. Voilà, je vous calerai aussi le son d'Eminem, hein, que vous avez entendu pour la première fois sur Fun. Énormissime le son d'Eminem et Rihanna avec Monster. Et il y aura peut-être aussi un double fun tout à l'heure. Et ouais, le double fun, évidemment, comme vous avez l'habitude de l'entendre, hein, sur Fun Radio. Si vous entendez ce soir le son de Crewella. Voilà, le son de Crewella, tout le monde connaît, hein. Enchaîné à Basto. Eh ben, il faudra appeler Fun Radio pour choper vos deux places pour venir au Starfloor. Ce sera le 23 novembre, 20h minuit. Le double fun se cachera dans l'émission, je peux vous le dire. Dès que vous entendez les deux titres enchaînés sur Fun Radio, donc Basto et Crewella. Eh ben, faudra envoyer votre message tout simplement au 3228. Faudra appeler le standard de Fun. Et pour la Belgique, faudra envoyer Fun par SMS au 6322. Voilà, j'en dis pas plus. On aura l'occasion d'en reparler évidemment tout à l'heure. Starfloor, t'as déjà fait, Fred ou pas toi? Non, jamais, mais j'aimerais bien. Ce sera l'occasion. Bah, dès que t'entends le double Fun, faudra rester à l'écoute de Fun en fait, tout simplement. Ouais, bah, 20h minuit. Comme d'habitude. Hein. Eh ben voilà, bah, c'est parfait. Ça arrivera avant minuit tout à l'heure. Donc faudra bien rester à l'écoute de Fun. On aura des cadeaux également ce soir avec la colle. Toute la semaine, je vous offre votre Nintendo 3DS XL sur Fun Radio. Donc ça, ce sera quelque part entre 20h et minuit, enfin quelque part, ce sera avec la colle de Pierre dans quelques minutes. Et attention, et là c'est le lourd qui arrive. Je ne parle pas ni de Toff ni de Polo, bien entendu. C'est Polo le plus lourd. Ouais, mais enfin bon, en termes de vanne, je pense que c'est plutôt toi. Il y a les iPhones à gagner ce soir, iPhone 5S ou iPhone 5C. On en a, bah on a les deux, mais dans l'absolu, vous allez choisir l'un ou l'autre. Vous choisirez en direct. Et pour les gagner, eh bien il suffit simplement de venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous êtes tiré au sort tout à l'heure avant minuit, vous repartirez avec votre iPhone, l'iPhone 5S ou l'iPhone 5C. Il suffit d'aller faire un like ou un partage sur la photo où je pose avec bah, les deux iPhones, hein, qui sont dans le studio. Donc voilà, iPhone 5S, iPhone 5C à gagner sur le Facebook de l'émission. Il y a d'ailleurs DJ Block Ops qui dit: j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Comment ça t'as pas eu ton message de bienvenue? Attends, tu vas le voir. Allez me faire foutre. Eh ben voilà, comme ça tu l'as eu, DJ Block Ops, ton message de bienvenue. Il y a le prince là qui dit: la nouvelle coupe de Toff, on veut la voir. Ouais, ouais, bah, c'est pas très utile en même temps. Ah, si, ça si, vaut si, le coup. C'est super important. Non mais il faut que j'explique. T'expliqueras en temps et en heure. Et Clem qui dit bonsoir Mickaël, salut Clem. Et Patoche également qui dit bonne continuation avec toute l'équipe, j'adore écouter l'émission. Je me tape des barres entre les chéris, je peux te faire cocu et les coups de pelle. T'en as mis environ combien tu penses? Oh, je sais pas, on doit être dans le millier là, à mon avis, hein. Ah, en termes de coups de pelle, ouais, je pense qu'on est, on est bien classé là. On est pas mal. Et Angelina aussi qui dit: j'aime, je publie et je partage. Good night to you. C'est pour gagner l'iPhone évidemment. Et Everlast54 qui dit: j'ai liké parce que je veux cet iPhone, offre-le moi s'il te plaît. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tirage au sort avant minuit pour gagner l'iPhone ce soir. Donc vous allez sur le Facebook de l'émission, tout simplement facebook.com/mikaelofficiel. Bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi Fred? Alors, d'un mec chelou qui est arrivé au bahut il y a pas longtemps. Un mec chelou qui est arrivé au bahut, c'est-à-dire? Bah, il fait des trucs bizarres dans les journées en fait. Ouais, c'est-à-dire? Du genre, le premier jour quand on a eu un cours d'histoire, il arrive habillé en tenue de Charlemagne en fait. Ah oui, oui. Du genre avec le béret, avec la plume, des collants aux chaussures longues. Mais c'était une vanne, c'était pour... Non, c'était lui qui habillé comme ça. C'est à chaque cours en fait, il y a des fois, il a sa tenue. Non mais attends, donc, il dit rien parce que normalement t'arrives pour le bahut comme non, ça. Non mais il est arrivé comme ça. Après il va faire les 100 pas dans la cour où il va se mettre avec les mains écartées comme ça en comptant dans sa tête. Ah, si tu veux, si jamais un jour il se déguise en roi, tu nous dis, on enverra Toff, hein, pour le bouffon du roi. Il fera oui. Ah oui, mais ça il l'a pas encore fait. Hein. Ah bah écoute, il devrait le faire. S'il cherche un bouffon, je suis toujours disponible. Totalement disponible. Bon, et donc du coup, tu veux savoir s'il y a d'autres mecs chelous qui avaient eu des choses cheloues, des personnes bizarres qui étaient arrivées. Bon, oui, t'inquiète pas. Oh là là, t'inquiète. Et encore, je t'ai pas tout dit encore. Eh ben, tu nous expliques ça dans quelques minutes, Fred. Reste avec nous. Si vous aussi, vous avez des gens un petit peu chelous dans votre bahut ou même au travail, n'hésitez pas. Bah, Dieu sait qu'on en a ici à la radio. Hein. Oh là là. Oh là là. On a teuf déjà. Bah déjà ouais. Et puis même au bahut on a eu aussi 2-3 trucs là. Je vous expliquerai dans quelques minutes. Et puis nous avons également Pierre avec nous maintenant. Pierre de Meurthe-et-Moselle dans le 54. Ce qui n'est pas son nom. Nous étions à Nancy il y a 15 jours maintenant. Oui je sais. Bah oui je me doute bien hein, tu sais. Je sais. Je suis pas venu là. Eh bah bravo, bravo. Tiens. Ah bah félicitations sur un coup de pelle. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Hein. Deuxième, bon. Alors Pierre, tu vas peut-être repartir avec la Nintendo 3DS XL pour la gagner. Pierre, c'est facile. Il suffit simplement que tu poses une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien c'est toi qui perds et l'auditeur qui gagne. Si personne ne trouve, c'est toi qui gagne. On t'écoute, Pierre, vas-y. Alors, on est 12 dans la famille, je suis le deuxième et le plus petit. Qui suis-je ? Alors, on est 12 dans la famille, je suis le deuxième et le plus petit. Qui suis-je ? C'est ça ? C'est ça. Bon, si c'est vous avez la bonne réponse, vous envoyez MIKL espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vais vous poster dans quelques secondes la colle de ce soir pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de la colle pour ceux qui ont besoin de la lire peut-être. Nous sommes 12 dans la famille, je suis le deuxième mais le plus petit. Qui suis-je ? C'est bien ça ? C'est bien ça. Bon bah écoute, on va te reprendre, on donne la réponse avant 22h30. Donc si vous avez, bah vous avez encore deux bonnes heures pour vous inscrire. Il suffit simplement d'envoyer MIKL et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, ou encore de nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Pierre, on te récupère tout à l'heure, d'accord ? Ok, y'a pas de soucis. Allez, à tout de suite Pierre. T'as des mecs chelous toi dans ton bahut ou pas ? Ou peut-être que tu es un mec chelou, on va savoir. Non, j'en ai pas eu, non. T'en as pas eu ? Bon bah tant pis alors, tu vas pas pouvoir nous aider beaucoup. C'est pas grave, écoute très bien, Pierre, reste avec nous. Retour avec Fred dans quelques minutes, on devrait avoir Vladimir aussi qui voulait réagir. Et puis vous aussi, Vladimir. Appelez-nous. D'où que vous soyez en France, en Belgique, ça fonctionne. 01 42 48 5000 pour la Belgique. Le 02 851 4x0. Il y a Stéphanie qui a envoyé son message, qui dit pas d'émission pour moi ce soir, ma radio est en grève. Bah bravo Stéphanie, tu as coup de pelle. Tout ce que je mérite. Qu'elle vienne au standard squatter. Ouais, sinon on vient dans le standard. Il y a Julien également qui dit j'espère qu'elle envoie son pesant de cacahuètes. La coupe de Toff. Oh bah t'inquiète pas. Et Echo qui dit il y a un type nouveau, je devais l'accueillir et le mec il faisait des bruits trop bizarres. Parfois j'ai trop flippé. Et puis on fera également le top tuto ce soir bien entendu. Hein. Je rappelle aussi que si vous voulez être élu le meilleur auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, eh bien vous tapez tout simplement tous vos messages avec le hashtag MIKL sur Twitter. On fera le top 5 tout à l'heure en fin d'émission. Et alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a un Sud-Africain qui vient de faire la conversation la plus longue du monde. 50 heures. Hein ? 50 heures de conversation. Mais genre, qu'est-ce que tu racontes à un mec pendant 50 heures rien. Donc si vous voulez essayer de faire la plus longue conversation de l'émission, eh ben appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Si vous restez toute l'émission au téléphone avec un de vos potes en train de discuter, on pourra vous prendre à tout moment de l'émission, même parfois pendant la pub, pendant un disque, on sait jamais. Eh bien on vous offre des cadeaux. C'est pas plus compliqué c'est que bon. Ça. Donc allez-y, vous appelez maintenant et on fera le jeu d'ici quelques minutes. Bah, les premiers qui arrivent, on fait le jeu en live. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va se faire le son de Jason Derulo dans un instant sur Fun Radio. Ce sera Dirty Talk, il y aura Jessica Sanchez et vous en direct, bah venez appelez-nous, n'hésitez pas, on est là tous les soirs, les numéros de téléphone c'est ceci. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 20h minuit. Mikael. No limit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio tous les soirs et dans toute la France. 01 42 48 5000. Si vous voulez nous appeler, bah où que vous soyez en France, n'hésitez pas. Le numéro est ouvert, il n'y a pas de problème. Il est 20h14. On est en direct sur Fun Radio. Je vous rappelle également qu'il y a ce soir l'iPhone 5S ou 5C. C'est vous qui choisissez. À gagner sur le Facebook de Fun. Hein. Donc venez nous rejoindre. Le Facebook de l'émission, pardon, facebook.com/MIKL officiel. Vous venez nous rejoindre. Vous faites un like sur la photo où je suis avec les deux téléphones. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort parmi les mecs qui sont sur Facebook et les meufs aussi d'ailleurs, hein, il suffit de faire un like ou un partage, c'est pas plus compliqué que ça. On vous enverra un message privé en vous demandant votre numéro de téléphone, donc répondez bien et guettez vos messages privés bien entendu. On vous demandera votre numéro de téléphone et si vous passez à l'antenne avant minuit, bah, vous gagnez. Voilà, facebook.com/MIKL officiel. Venez nombreux et nombreuses et prévenez vos potes également hein, qui a l'iPhone 5C et ou l'iPhone 5S à gagner ce soir sur Fun Radio. Voilà, bonne chance tout le monde, le message est passé. On va récupérer Fred et Vladimir dans quelques minutes après le son de Jason Derulo. Maintenant c'est Dirty Talk. Un truc à dire. MIKL. Mickaël. Appelez Mickaël. Nos limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Voilà, il suffit de nous appeler hein, si vous voulez passer à l'antenne. N'hésitez pas, il y a Sephora qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit où mon message de bienvenue. Gros bisous à toute l'équipe. Vous êtes les meilleurs. Hein, merci. Petit message de bienvenue, tu en voulais un. Et ben voilà, je t'en mets un. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Voilà, et Boomba Shoot ici qui dit putain, je rentre de ma compète, je dois aller manger, je pourrais pas tweet avant 21h. Ah, oh, c'est pas grave, hein, tu vas rater une heure d'émission, tu prendras un coup de pelle. Rien de bien grave. Julien également qui dit 5 heures de conversation, un truc de fou. Lantier qui dit allez, un peu de muscu avec Mickaël à l'écoute. Bah vas-y, Lantier, continue. Hein, n'hésite pas à lever de la fonte. Et Nikita aussi, coucou l'équipe, pour le canular, jeudi, vous pourriez pas ressortir les fameuses vocalises pour ronfler quand on dort, c'était tellement drôle. Les vocalises, oh putain, il faut que je retrouve ça, t'en bouge pas, je vais essayer de fouiller dans la machine. À Lucie aussi qui dit coucou ça va, je n'ai toujours pas eu mon message de bienvenue, kiss à toute l'équipe. Eh bah attends Lucie, je vais t'en mettre un petit message de bienvenue, hop là. C'est Nictas. Et ben voilà, en toute simplicité, Lucie, Alexis également, un petit coup de pelle, je vais bosser ce soir, pas motivé, mais vous gérez, bah c'est gentil, et puis je te rappelle également que demain, pour la plupart d'entre vous, c'est congé, donc restez à la cool, hein, tout va bien, ça se passe très bien, vous allez pouvoir écouter l'émission jusqu'au bout, donc ça c'est cool, et attention également, l'iPhone 5S ou 5C, choisissez l'un ou l'autre à gagner sur le Facebook de l'émission, et uniquement sur le Facebook ce soir, on va tirer au sort une des personnes, des Facebookiens, on va dire ça comme ça, qui aura fait un like ou un partage sur la photo où je suis avec les deux iPhones. Et puis bah il y en a un qui sera tiré au sort tout à l'heure. Donc le jeu est gratuit, donc profitez-en hein. Faites like et partage, de toute façon ça vous coûte rien. Facebook.com/mickaël officiel. Et puis prévenez vos potes hein. Plus vous êtes nombreux, plus vous avez de chances de gagner bien sûr. Facebook.com/mickaël officiel. Fred, faire ton like toi ou pas d'ailleurs? Ah bah j'ai déjà fait moi, très bien. Ah bah écoute, très bien, tu as déjà fait alors, très bien. Tu veux quoi, le 5C ou le 5S si tu gagnes? 5S, parce que le 5S il est gold, enfin c'est la version or. Je préfère le 5S. Ouais, ah, ça fait un peu meuf, hein, non, le 5S. Non, je sais pas moi. Et puis l'autre il est blanc, donc voilà, à vous de choisir. Hein. Non, parce qu'il y en a qui prennent, ouais, ben moi je veux le 5S mais noir. Non mais, donc c'est le 5S. Ouais. Or, ouais, or après, le 5C blanc. C'est-à-dire qu'il y en a deux, je vais pas les retourner en acheter d'autres juste parce que la couleur vous plaît pas, hein, donc vous mettrez une coque, vous démerderez. Donc voilà, facebook.com/mickaël officiel. Vladimir avec nous de Toulouse également, comment ça va Vladimir? Ça va bien. Bon bah j'ai envie de dire tant mieux, alors sois le bienvenu Vladimir. T'as déjà été faire ton like toi pour tenter de choper l'iPhone ou pas? Non. Eh ben bravo. Ah tu veux pas l'iPhone toi? Non. Ah d'accord, ok. Non mais c'est bien. Moi, tu non, moi j'ai un Nokia. Putain, pas tactile et ça me va très bien. Ouais mais c'est con, j'allais te l'offrir mais t'en veux pas, c'est pas grave. Non mais après voilà, c'est bien. T'as quoi comme téléphone? Un iPhone. Ah bon, comme t'en as un, t'en veux pas un deuxième quoi? Non. Bon, t'as raison. Mais t'as raison. Mais c'est bien parce qu'il y en a après, ils veulent en garder, leur revendre, leur fourguer, etc. Toi au moins t'es honnête, c'est bien. Ça ne t'apportera rien être honnête, mais au moins c'est bien. Bon, alors, tu vois, tu voulais parler aussi des gens chelous comme Fred, toi, c'est ça? Ouais. Bon, alors vas-y, c'est toi qui es chelou, t'as des potes chelous dans le bahut, c'est quoi? Non, c'est mon pote, en fait, il croit que c'est Halloween tous les jours. C'est pourquoi il arrive habillé en citrouille? Ah non, mais par exemple, au début de la rentrée, premier jour, il arrive, il caille à mort, et ouais. Torse nu, tuba. Attends, il vient torse nu au bahut? Ouais, torse, bah il s'est fait recaler, mais tuba, maillot de bain, palme. Ouais, mais ça c'est rigolo, ça, c'est super drôle. Attends, le dernier jour, attends, il vient le premier jour de la rentrée, donc fatalement le dernier jour des vacances, mais qu'il arrive en maillot, tuba et tout, c'est rigolo. Ouais, le problème c'est qu'il y a un de ses potes, il y a un des cahiers du collège qui lui a pris la tête, qui l'a amené dans les chiottes, qui lui a plongé la tête. N'importe quoi, mais quel trou du cul celui-là, il a un peu de choses à foutre. À la mythe, c'est bon, à la mythe que les profs le trouvent ça moyen, pourquoi pas, mais sinon c'est rigolo. Moi j'avais une meuf comme ça, c'était une meuf bizarre en fait, elle était dans ma classe et elle essayait de se taper tous les mecs. Bon, le problème c'est qu'elle a pas le physique pour. Merde, tu me l'as jamais présenté. Non, mais franchement j'aurais peut-être dû. Hein. Et en fait, la meuf elle avait des poils longs, tu vois, jambes, bras et tout. Ah ouais, non, ça je peux pas, les poils je peux pas. Non, et pas de vanne avec les Portugais, Vladimir, je te fous dehors du standard, t'as compris? Excuse-toi, Vladimir. Non, c'est moi qui l'ai faite. Ah, oui, mais encore pire, Fred, excuse-moi. Ah, bah pourquoi? C'est une Portugaise, elle est poilue. Raciste. Allez, excuse-toi. Ah, elles sont poilues. Excuse-toi. Ah, bah non. Il y a une meuf dans le collège, elle a un problème. Du coup, elle a 4 poils sur le menton. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Ouais, mais bon, après, c'est un problème. Elle peut les enlever. Bah, mais elle peut les enlever. Attends, parce que du coup, j'ai pas mis un coup de pelle à Fred pour la vanne sur les Portugais. Oh, ça va. Si, encore un, tiens. Ah, bah, coup de lancement, voilà. Ça, on va cramer tout ça, c'est mieux. Non, mais après, les poils, elle peut les couper. Attends, si elle les laisse pousser volontairement, c'est con. Non mais elle a pas envie, elle trouve ça joli. Ça lui fait un style. Ah ouais, mais si après elle trouve ça joli, tout va bien. Et donc moi la meuf, en fait, elle puait et elle avait une... Non mais elle avait toutes les tares, sans déconner. Elle avait comment elle s'appelait encore? Non, ah, ça se fait pas, pas de nom, pas de nom. Mais, là, non, non, mais je cherchais son prénom, mais j'ai oublié. Piqué. Ah, j'ai oublié. Non, non, je sais plus comment elle s'appelait. Et donc en fait, ouais, elle essayait de se taper tous les mecs, mais bon, elle se faisait recaler à chaque fois, quoi. Alors, j'aurais dû la présenter avec Toff. Je suis sûr qu'il aurait peut-être. Ah bah, ça aurait marché direct. Ah bah, je pense, ouais. En plus, avec la nouvelle coupe de cheveux qu'il a aujourd'hui, je pense que là, ça peut devenir un tombeur. Cette coupe de cheveux est tellement fraîche. Ah bah, ouais, ouais, ouais. Attends, ça peut devenir le plus gros tombeur. Ah, à la Brayden Heights. Ah, il paraît que Brad Pitt veut cette coupe de cheveux. Brad Pitt, j'espère bien. Cristiano Ronaldo. Exactement, il a demandé d'avoir la même coupe de cheveux que Toff. Bah, ça me fait plaisir. Plein d'appels au standard. George Clooney, que je viens d'avoir là pendant la pub, qui voulait la même coupe de cheveux que Toff. Attention, ça se bouscule au standard là. Toutes ces stars qui veulent la même coupe de cheveux. Ça me fait plaisir. Et surtout qui veulent l'adresse du coiffeur de Toff, parce que c'est quand même assez exceptionnel. C'est Sandro. Non, c'est pas Sandro qui a coupé les cheveux de Toff, non, c'est... Un très grand coiffeur. Oh là là, coiffeur de star. C'est bon, écoute, en fait, vous connaissez Tony and Guy, bah toi, tu viens chez Tony and Merde. Voilà, c'est la même chose, mais en pas cher, quoi. C'est, oh bah, si tu savais le prix de la coupe... Combien la coupe? Bah, 3 alors, euros. J'ai hésité à aller, celui qui est juste en bas de chez moi, ici à Paris, qui est à 7 euros. Ouais. Je me suis dit, non, allez, je vais craquer le budget, 10 euros. Quel clochard. Oh putain, quelle horreur. Hey, mais pour 5 euros, je te coupe les cheveux, moi. Bah oui, pour faire cette horreur, attends, franchement, c'était facile. Non, mais au départ, c'était pas ça, mais en fait, je trouvais... Ouais, parce que le coiffeur lui a fait une coupe stylée, tendance. Ouais, non, j'ai pas été jusque là. Mais du coup, c'était un truc que je... T'as fait une coupe à la Quentin Mosiman. Alors attends, voilà. Attends, un truc que je peux pas. Moi, j'habite à côté d'un magasin afro, enfin, qui fait des coupes. Et dès que je regarde par la fenêtre, je vois toujours un balai brosse qui sort du magasin. C'est bien ça. Un quoi? Un balai brosse. Un balai brosse. T'as quoi comme coupe de cheveux, toi, Vladimir, avant de te la ramener? Une coupe espagnole. Ça veut dire quoi, c'est une coupe espagnole? T'es rasé à droite entièrement. En chorizo? Non, ça veut dire quoi une coupe espagnole? Je connais pas la coupe de cheveux là. C'est quand t'es rasé à gauche et à droite et que t'es entier au milieu. Ah, la coupe de bouffon. Oh, bah oui, attends, et on se permet pas Vladimir après de critiquer. Hein. Et toi Fred, t'as quoi comme coupe? Moi tout court sur les côtés, les cheveux en pique. Les cheveux en pétard, d'accord, ok. Bon, ce qui ne ressemble pas à Toff, parce que Toff il est... Bah si, c'est aussi finalement coupé court sur les côtés. Mais sauf que c'est archi trop court sur le haut, quoi. Ah mais ouais, c'est une archi noir. Un crâne de but. Oh là là, c'est dramatique. Bon, enfin bref. Ouais, j'irai pas jusqu'à dramatique, abuse pas non plus. Il y a Patrice qui dit une petite photo pour la coupe. Oui, t'inquiète pas. Ah bah oui, la petite photo. Bah, t'inquiète pas. Arthur qui dit Mickaël, c'est le hashtag quoi pour tweeter quand je mets hashtag M. Il y a des trucs sur le lait. Oui, c'est normal, c'est parce que tu mets milk. M-I-L-K, c'est du lait. C'est pas M-I-L-K, c'est M-I-K-L, Arthur. Non, mais t'es sérieux là quand même? Évidemment que t'as des trucs sur le lait si tu tapes M-I-L-K. Il est con, lui. C'est énorme. Il y a Pierre qui dit qu'il veut voir la coupe de cheveux. Bah, elle va arriver. Il y a Max du 11 et René Y qui dit moi j'ai un Alcatel, mais j'en veux pas. Oui, c'est normal. Et Megan, qui est trop débarrassé en vous écoutant, qui ça toute l'équipe. J'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Bon, comment ça? C'est bizarre. Vous êtes un imbécile? Bah certainement oui, à mon avis, oui. Et Quentin qui dit Mickaël, t'es le meilleur, il est où mon message de bienvenue? Il est là. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà, et puis je suis un licornet qui dit what? Une coupe espagnole. Ouais, oui, je ne connaissais talent, pas. Fred. Ouais, un vrai talent. Bon bah reste là. Attends, il y a aussi Pierre qu'on va récupérer dans quelques minutes pour se refaire un petit coup de la colle, bien entendu. Et puis bah restez là tous les deux, là, Vladimir et Fred, restez avec nous. Ouais. Les autres, si vous avez vous aussi peut-être eu l'occasion d'aller en cours ou même au travail avec des gens un peu chelous, qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial? Eh ben appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis on parlait du régime de Sandro tout à l'heure, hein. Je voulais savoir ce qui te motiverait pour perdre du poids, Sandro, là, avec ton régime. À part un mec, je vois pas. Ah, une crêpe Nutella. Une crêpe Nutella, c'est vrai, ouais, c'est pas que c'est mal, pour que des forces. Bah oui, c'est ça. Franchement, bah, j'ai beau chercher la motivation, je la trouve pas. D'accord. C'est dans la tête, hein, faut le déclic, mais moi je l'ai toujours pas eu. Ok, ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, et si je t'offrais les kilos perdus en or? Ah, faut voir. Ah, voilà. Non, je dis ça en fait parce que du vrai or, hein, 30 000 euros évidemment, attention. Hein. Non, mais en fait, c'est bon, et le problème c'est qu'il faut devenir avoir la nationalité des Émirats à Dubaï, parce que c'est à Dubaï que ça se passe, et comme ils veulent lutter contre l'obésité, eh bien, ils offrent des lingots d'or à ceux qui perdent des kilos. C'est sympa. Hein. Oh, mais j'ai 10 kilos à perdre finalement. Ouais, bah ouais. Mais ça se voit. Salaud. Non, mais à ce prix-là, effectivement, ça peut être sympa, même pour ceux qui n'ont pas... qui n'ont pas forcément de poids à perdre. Et donc je voulais savoir ce que vous, ce qui vous motiverait à perdre du poids, les garçons comme les filles d'ailleurs. Donc appelez-nous 01 42 48 5000. On en parle dans quelques minutes. Et si vous avez des recettes miracles pour le régime, est-ce que vous avez déjà perdu du poids? Si oui, comment? Est-ce que vous avez pris du poids? Si oui, comment? Sandro veut savoir. N'hésitez pas parce qu'elle a un peu de mal à savoir comment prendre du poids. Oui, c'est ça, oui. Voilà, elle a du mal. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On aura le chéri, je peux te faire cocu d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Et donc restez avec nous, Vladimir, Fred. On aura également Stéphanie avec nous. Ça va, Stéphanie? Ça va. Bon, t'as déjà pris du poids ou perdu du poids facilement ou pas? Non. Non, d'accord, ok, très bien. Mais tu pourras pas nous merde. Tu pourras pas nous être d'une grande aide. Et est-ce que t'as déjà été au bahut peut-être ou au boulot avec des mecs un peu chelous et qu'est-ce qu'ils faisaient de bizarre? Oh ouais, bah y en a toujours qui arrivent habillés bizarrement quoi. Ah bah c'est sûr. Ouais. Bon bah Stéphanie, reste avec nous, on en parle après. Le son de Jessica Sanchez maintenant sur Fun Radio avec Tonight. Bienvenue tout le monde, 20h28. Tous les messages que je lis évidemment en direct avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Et les iPhones à gagner sur le facebook.com/Mickaël officiel. Tirage au sort avant minuit sur Fun. Le son de Jessica Sanchez à l'instant sur Fun Radio, c'était Tonight. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit ce soir. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun, 20h32, bienvenue si vous venez de débarquer. De plus en plus nombreux sur la page de l'émission, également sur le Twitter également aussi. Je vous rappelle que si vous me suivez sur Twitter, eh bien je vous suivrai également et avec plaisir. Il suffit simplement de venir faire un petit vous ajoutez tout simplement, vous m'ajoutez Mickaël underscore officiel. Alors underscore c'est quoi? C'est la petite barre en bas, le petit tiret en bas. Donc Mickaël underscore officiel, vous m'ajoutez comme Ali que je viens de suivre également, comme promis, Jacomet également, Florian, il y a Estroix, Estelle que je viens de suivre, Stéphanie, Océane, Al Pacino, oh là là, la star, Roro également, Cass, Lucas, Marie, Geoffrey, Adrien, etc., etc. Donc venez, voilà, vous me suivez, je vous suis également, on se suit mutuellement, merci beaucoup d'avance. Et donc, bah voilà, donc faites gros sur la communauté, sur le Twitter, vous tapez Mickaël underscore officiel pour venir nous joindre et nous suivre. Bon, avant de récupérer Fred dans quelques minutes de Villeurbanne, qui disait qu'il y avait un mec de son internat qui faisait des trucs complètement chelous en fait, notamment il était arrivé en il est arrivé en quoi encore? En tenue de Charlemagne. Ah oui, en tenue de Charlemagne, voilà, c'est ça, ça c'était très fort. Mais est-ce que tu sais qui est Charlemagne en fait? Parce que Charlemagne n'a pas de béret, je voulais te souligner. Ah bon, ce petit fait historique. Ah bah écoute, on se couchera ouais, moins après, ce soir. Je vous remercie. C'est une tenue qui ressemble après. Ah qui ressemble. Charlemagne était roi de France, monsieur. Il était peut-être arrivé. Non, c'était lui qui a inventé l'école. Ouais, aussi, ouais. Alors culé. Enculé. Bon, Fred, reste avec nous. Il y avait Vladimir qui nous avait dit qu'il y avait un mec aussi qui était arrivé en tenue de plongeur avec maillot, tuba, etc. Ouais, Fred. Sinon, je suis tombé sur deux records du monde là sur Internet. Ça t'intéresse? Sans pas les couilles. Non, vas-y. Non, mais c'est des trucs chelous. Alors, il y a le plus long jet de sperme fait en du monde. Il fait 9 mètres. 9 mètres. Ouais. Pas par un humain. La plus grande éjaculation. 9 ouais, mètres. Mais pas par c'est un humain. Ah, si, un humain, un russe. Un russe. Ouais, mais un russe, c'est pas un humain, c'est un russe. Il y a une russe qui a fait le plus grand banque du monde, elle a satisfait 919 partenaires. Ah, c'est ouais, pas mal, bon, ça, à la limite. mais alors, les 9 mètres, quand même, je reste à. Et ça reste à voir. Ah bah tu tapes record sur internet. Ouais, mais on va se renseigner. Attends, bouge pas Fred. On va également prendre Lila et Hervé par rapport au régime. Et bah, Stéphanie qui est toujours avec nous. Tiens, est-ce que t'as écouté cette semaine Fred? Enfin la semaine dernière plutôt. La semaine dernière ouais, j'ai écouté ouais. Parce que et comment ça se passe chez toi au niveau du sexe? C'est épilé, c'est rasé, c'est épilé. C'est épilé, d'accord, ok. Parce qu'on avait appelé avec Toff. Voilà, on avait appelé avec Toff pour voir si les gens s'épilaient, comment ça se passait. Et bah je propose qu'on rappelle maintenant. Allons-y. Ah bah oui. Allez, c'est parti. Ah. C'était les appels de la semaine dernière pour ceux qui ont raté le coche entre 23h et 2h. Et bah ça se passe comme ça sur Fun Radio. On l'avait appelé donc pour l'épilation. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir comment est-ce que vous faisiez l'entretien au niveau de l'entrejambe. Bah allez, c'est bon, ça va. En trois ans, va te faire enculer. J'ai pas compris, monsieur. Ah, il a dit, va te faire enculer, Toff, c'est pas compris. Attends, on le rappelle. On l'avait rappelé, souvenez-vous, hop, c'est reparti. Allô, oui, c'est pourquoi? Bah, excusez-moi, mais je crois que vous avez dû vous tromper, monsieur, parce que... Bah, vous êtes trompé aussi. Mais pas du tout, parce que c'est pas du tout la réponse que j'attendais, monsieur. Bah ouais, mais bon, moi, je vous dis ce que je pense. Bah, oui, mais... Moi, l'entrejambe, vous allez... Je vais... Vous allez... Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Bah, savoir, en fait, ce que vous faites comme... type d'épilation. Mais je fais rien, moi. Mais c'est-à-dire, vous faites rien, monsieur. Vous perdez votre temps. Voilà. Mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Mais non, mais je m'en fous de votre question. Vous n'êtes pas un philosophe et moi non plus. D'accord, mais ça n'a aucun rapport avec ma question. Bah, c'est un rapport. Allez. Mais pas du tout. Non, puis il est tard ce soir. Et j'en ai pas envie. Ça vous va? Bah, pas tellement, monsieur. Bah, moi, je suis en bas. Allez, c'est bon. Ne casse pas les couilles, m'emmerde pas. Bah, je rappelle que la picole est dangereuse, c'est dangereux pour la santé. Hein. Lui, il était loin. Voilà, il faut picoler avec modération. Et on l'avait rappelé encore un coup. Et on était tombé sur madame également, qui était aussi bonne que lui. Allô, bonjour. Oui, monsieur, je comprends pas parce que je vous pose une question simple, mais vous avez énormément. Non, mais il n'y a pas de question, monsieur. Laissez-moi tranquille, vous allez vous faire une bonne patrouille et tout ira bien. Une bonne patrouille? Ça vous va? C'est quoi une patrouille, monsieur? Ben, une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. C'est déjà bien. Et je parle poliment. Ah oui. J'ai pas envie qu'on me pose des questions et voilà. D'accord, mais quand vous parlez vulgairement, c'est comment, monsieur? Eh ben, vulgairement, c'est ce que je vous ai annoncé. Ah oui, donc en fait, quand vous êtes vulgaire... Il faut pas m'emmerder. Vulgaire et poli, pour vous, c'est la même chose, en fait. Ah, mais la politesse, moi, j'en ai pas de politesse. Ah oui, d'accord. Ça fait peu partie de... Laissez-nous tranquille. Voilà, va te faire enculer et puis ça ira bien. C'est ce qu'a dit ma copine, elle a bien raison. Ça vous va? Oui, ça va, je vais faire avec. Bon, on fait avec, hein. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Ah oui, on va faire avec. Bonne soirée. Oui, au revoir. Allez, à la revoyure, hein, à la revoyure. Bon, c'était pas facile. Ouais. Ah non, c'était pas facile. On l'appelle tous les soirs, hein, de 23h à 2h du mat pour des conneries de questions. Donc si vous avez des idées à la con qu'on pourrait poser aux gens, n'hésitez pas, bien entendu, hein, toph@funradio.fr. Et surtout, si vous avez des numéros de personnes debout entre 23h et 2h et qui sont plutôt du style tendu, énervé, n'hésitez pas également à donner les numéros de téléphone à Tof, on les appellera dès demain. toph@funradio.fr. Il y a Cédric qui, moi si tu veux Sandro, je veux bien te motiver pour perdre du poids, tu seras ma motivation. Bravo à votre pour votre émission, je vous kiffe. Un message de bienvenue s'il te plaît. Bah oui, le message de bienvenue avec plaisir. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà. Et alors écoute aussi Memphis qui dit je vous adore mais je n'ai pas eu mon message de bienvenue. Bah toi non plus décidément. Hop là. C'est là où là t'es là. Ah oui merde, attends, il est pourri celui-là. Attends, il faut l'enlever celui-là. Je dis ça mais je pensais pas vraiment. Ouais, bah celui-là aussi tiens. Comment je fais pour dormir la nuit sans toi? Ah oh, bah c'est ça la question qu'on peut se poser. Ariel également qui dit moi j'allais en cours en uniforme d'écolière. Ah c'est sympa. C'est sexy ça. Oui ça peut être sexy. Bah ça dépend de l'uniforme après faut voir. Et Amélia qui dit moi j'ai pris du poids en bouffant n'importe quoi et maintenant j'ai peur qu'on se foute de moi à la piscine. Bah ouais mais c'est pas manger entre les repas. Hein, éviter de faire comme Toff avec du chocolat et de la merde et du Red Bull et du chocolat. Ouais mais je compense à côté. Ouais il compense, il va se couper les cheveux. Voilà tu vois du coup j'ai perdu un kilo. Cali Cruz il dit aussi j'ai juste 30 minutes de retard mais je suis là. Bah c'est le principal Cali Cruz. Et enfin Kep. Oui. Un russe ou une russe mais je suis incapable de lire Kepem et puis une lettre que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ako, voilà. Bon bref, Mickaël, j'ai un bon conseil pour perdre du poids. Travail 70 heures par semaine. J'ai perdu 8 kilos en 2 semaines et demie sans même m'en rendre compte. Ah, c'est pas mal aussi ça. Mais bon, c'est pour son nom, hein. 70 heures par semaine, deux fois plus que ce que tu te fais. De sport? Non, de travail. De travail. Et après, travail. Tu fais encore un peu de sport. Travaille beaucoup. Ouais, hein. Oui, je travaille énormément par rapport à avant. Si je travaille énormément. Oui. Et Stéphanie qui dit ouf, je suis sauvé, je suis au standard. Bah oui, Stéphanie qui avait une panne de radio. Stéphanie, comment ça se fait? Ben parce qu'en fait j'écoute avec ma box et je sais pas, ça veut pas marcher. Ah la box est en panne. Voilà. Très ça bien. Va, bon. Vous avez, je vais vous raconter un secret, Stéphanie a peur de moi. Ah bon? Ah ouais. Comment ça se fait Stéphanie que t'as peur? Parce que Stéphanie qui est sur Twitter et qui est déjà passé nous voir dans les studios et comment ça se fait que t'as peur de lui? Mais je sais pas, c'est sa tête qui. Je sais pas. Ah c'est sa tête. Oui ça arrive. Ça arrive. Mais souvent, attends, hein. Et t'as pas peur de Toff? Ah non, pas top. Merci écoute, Stéphanie. Ce qui est assez surréaliste, Stéphanie. Hein, parce moi que aussi, dans, je t'aime, Stéphanie. Dans le style sale tête de con, on est quand même pas mal. Hein. Surtout avec sa nouvelle coupe. Alors, tu vas le voir. Au-delà de la merde. Ouais, je peux voir, ça. Et ben, elle va arriver sur le Facebook de l'émission dans quelques minutes. Il y a même le mec de la technique qui est derrière la mic qui est venu voir. La gueule de Toff tellement il a une coupe de merde. Il a une coupe de merde et maintenant, voilà. C'est ça, voilà. Allez, il entend pas. Attends, bah, viens. Attends, on va demander au monsieur de la technique là. Attends. Je crois qu'il a surtout envie de partir en courant. Demande-lui ce qu'il pense de Toff. Voilà. Bonjour monsieur de la technique. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle coupe de cheveux de Toff? Approchez-vous. Comment? Ah non, il faut être franc. Il est beau ou pas? Oui. On a déjà dit, on a déjà dit qu'il avait une tête de merde, donc ça c'est déjà dit quoi. Ah, t'es beaucoup plus loin. Ouais. Donc en vrai. Bah non mais c'est un pote. Non mais même, mais justement, raison de plus pour être franc. Non, puis bon, voilà, c'est ça. J'ai toujours été gentil avec lui. Bah justement, et nous pas, aussi. Il y a des copines sympas. Bon alors on arrête. Voilà. Si c'est un pote, c'est un pote. Ouais, voilà, donc, ça se respecte. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc on remarque. Bon, j'y m'en vais pas son coiffeur, mais. Voilà, tu vois Stéphanie, hein, comme quoi on ne ment pas. Hein, il a vraiment une sale gueule. Et Stéphanie, tu as mauvais goût. Oui, complètement, oui. Mais tu as le droit d'avoir mauvais goût. Hein. Ah si, si, complètement. Bon, il y a un peu pour tous les goûts. Ah bah oui, même pour les mauvais. Il n'y a pas de problème, voilà. Stéphanie. Bon, Stéphanie, bah, reste avec nous puisque toi tu ne demandais pas mieux que d'être et de rester au standard. Je rappelle également qu'il y a toujours l'iPhone 5C ou 5S à gagner sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Tirage au sort tout à l'heure avant minuit uniquement pour ceux qui sont dans le. Sur le Facebook, donc facebook.com/MIKL officiel. Il suffit de faire un like ou un partage sur la photo où je pose avec les iPhones, c'est pas plus compliqué que ça. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben je vous offre au choix l'iPhone 5C ou l'iPhone 5S. C'est vous qui choisirez dans quelques minutes. Il y a Steph qui lui envoie un message, s'il te plaît. Jamais des animateurs radio m'a répondu. Oui, tu essaieras mon répondu, hein, Steph, mais oui, avec plaisir pour le message. Attends, je vais t'en mettre un, tiens, voilà. Voilà, bon message de bienvenue. Et Sabrina également. Moi je fais que de manger à longueur de journée, je grossis pas, c'est pratique. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Ariel qui dit faible taux de glucides et de lipides et beaucoup de protéines par jour, le meilleur moyen de sécher la graisse. Et enfin, nous allons prendre Lila avec nous de Grenoble. Comment ça va Lila? Ça va bien. En forme? En forme. Bon. C'est une sacrée journée. Ah écoute, comme nous alors, hein. comme nous. Bon Lila, alors tu nous appelais par rapport au régime toi? Non pas du tout, elle voulait d'abord nous dire combien elle mesure. Ah oui pardon. Non, si, moi en fait en ce moment. Attends, mesure, tu as éludé la question. Vous êtes en état d'arrestation, mademoiselle, ouais, veuillez nous donner vos mensurations. Voilà. Vite, on y va. Donc Lila, combien mesures-tu? 1m63. Combien pèses-tu? Actuellement 50 kilos. Quel est ton manger maintenant hein. Comment? Il faut manger maintenant. Non, je suis en progrès. Ouais, très bien, et la suite? Donc quel est ton tour de poitrine? 95B. Ah, D comme Denise. Oui. Oui, c'est énorme. Mais c'est les tiens ou on te les a fournis? Non, c'est les miens. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? La quoi? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ah oui. Ah effectivement Lila, bon alors reste avec nous puisque t'es effectivement plutôt pas mal, on va te garder encore un petit peu dans le standard là, reste là, on va se mettre le son de Redfoo dans quelques minutes sur Fun Radio avec Let's Get Ridiculous, et Redfoo qui sera avec nous d'ailleurs, hein. Ce sera le 23 novembre à Paris-Bercy pour le Starfloor et place à gagner avec le double fun tout à l'heure, restez avec nous, ça arrivera avant minuit sur Fun. Prenez le contrôle, envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Ouais, sur Fun Radio, on est en direct avec tous vos messages. Il est 20h48, c'est dimanche soir. Demain, c'est férié. Ouais. Donc profitez-en bien. Vous allez pouvoir écouter l'émission jusqu'au bout. Donc ça, c'est cool. Il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu. Restez bien là, ça va débarquer. Il y a Kidzi qui dit je vais m'empêcher de faire caca ce soir. Je veux battre le record du monde de celui qui se retient le plus longtemps. Et Charline qui dit je mange H24 et je prends pas un gramme. Bah, profites-en. Et peut-être un jour où, paf, ça va venir comme ça. Tu vas voir, tu vas prendre cher d'un coup. Donc, méfie-toi. Ouais, méfie-toi, exactement. On sait jamais. Bon, allez, tous vos messages arrivent, n'hésitez pas. On va remettre un petit post en quelques minutes là pour que vous puissiez choper l'iPhone 5S ou 5C. Il est à gagner ce soir sur Fun Radio. Je dis il y en a deux, mais il est à gagner parce qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Voilà, c'est le 5S ou le 5C. Au choix, c'est un 5S or ou un 5C blanc. Voilà, donc il y a la photo où je suis avec les deux téléphones. Donc si vous voulez gagner l'un ou l'autre, faites un like et un partage sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio, facebook.com/MIKL officiel. On reparlera de la colle dans quelques minutes également. Le chéri, je peux te faire cocu aussi. Tout ça juste après le son de Redfoo maintenant sur Fun Radio. Redfoo qui sera avec nous au Starfloor le 23 novembre. C'est Let's Get Ridiculous sur Fun Radio. Yeah! C'est Fun Radio avec le son de Redfoo à l'instant, Let's Get Ridiculous. Et puis attention, hein, je vous rappelle que si vous entendez le son de Basto et de Crewella enchaîné sur Fun Radio, eh ben il faut tout simplement nous appeler au 3228 par téléphone, donc 3228. Et pour la Belgique, vous envoyez là par contre un SMS au 6322 en débutant le message par Fun FUN pour choper vos places pour aller direction Starfloor. Voilà, donc ça c'est uniquement quand vous entendrez Crewella et Basto enchaîné, ou Basto et Crewella, bon peu importe. Donc bonne chance, ce sera donc le double fun. Et il y a Mickaël qui dit: je suis conducteur de bus, je viens de finir ma journée de travail et je vais enfin pouvoir rentrer chez moi et manger. Bonne soirée toute l'équipe. Bah merci Mickaël, et puis bonne soirée à toi. Il y a Steph qui dit: Fun, la meilleure des radios. Bah merci Steph. Et puis le prince Nadia: le problème c'est que les conneries, les chocolats, les gâteaux, les chips, les bonbons, c'est trop bon mais trop calorique. Oui, t'as remarqué aussi, mais c'est pour ça que c'est bon, hein, t'as remarqué. Et Sacha qui dit: Sandro, franchement, si tu veux perdre du poids, le sport comme moi, ouais. 16 kilos en 4 mois, sinon vu comment t'es mignonne, le sexe. Ouais, oui. Ce sera le sport pour l'instant. Ouais, bah c'est ça, ouais. Il vaudra mieux faire un petit coup de sport, je pense, effectivement. Ouais. Bon, on a également Mathieu avec nous là. Salut Matt. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va tranquille. Mathieu, 19 ans de Melun, toi, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, tout à fait. Et toi, tu veux participer au concours, puisqu'ils avaient fait ça... C'est en quel pays encore, j'ai oublié? C'est en Inde. En Inde, où ils avaient fait la conversation la plus longue. Non, pardon, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, voilà. Ils ont des bons jeux. Ah bah ouais, 50 heures de conversation. Et donc, du coup, Mathieu, tu veux participer jusqu'à la fin de l'émission, tu vas discuter avec qui? Avec Chélim, donc qui est un ami à moi, et avec qui souvent le soir je vais fumer ma cigarette avec lui, parce que c'est mon meilleur pote qui habite dans le sud. D'accord. Et donc du coup souvent on fume notre clope ensemble, sauf que la clope va durer à peu près 3 heures là. Ah ouais, bah c'est ça, voilà, très bien. Et donc là il est où là? Là il est à Périgueux, donc je vais essayer le joindre maintenant. Ouais, bah essaye de le joindre maintenant, et puis dès que tu l'as, on te reprend l'antenne. Et on démarrera le chrono. Le défi. Le voilà. Chrono. Parfait. Okay. Bon, à tout de suite Mathieu, à tout de suite. On va récupérer aussi Lila dans quelques minutes avec Hervé. T'es là Lila? Oui, je suis là. Bon, est-ce que t'as écouté le chéri, je peux te faire cocu cette semaine? Non, du tout. Non, bah attends, justement, je vais te le remettre, là, attends une seconde. Journée trop chargée. Eh bah ouais, justement, mais c'est pour ça qu'on est là le dimanche aussi, on vous met les meilleurs moments en plus de l'émission. Donc bah pour ceux qui n'avaient pas écouté, le chéri, je peux te faire cocu, c'est tous les lundis soirs sur Fun Radio, entre 23h et 2h du mat, cette semaine et la semaine prochaine et la semaine d'après, on vous offrira des skateboards électriques. On l'a testé d'ailleurs ce week-end, on va vous mettre la vidéo sur le Facebook dans quelques minutes. Le chéri, je peux te faire cocu, pour ceux qui veulent jouer, ça ressemble à ça. Allô? Ouais, bébé. Oui. Ça va? Oui, toi? Ah oui. Je tapais en fait, vu que je suis en déplacement là. Oui. J'étais chez une cliente là aujourd'hui. Ouais. Et le truc c'est que elle a eu un peu quelques soucis d'argent et tout ça, du coup elle m'a, on va dire, proposé de me payer en nature. Pardon? Non, mais on m'a proposé ça, non, c'est pas un truc qui va... C'est pas comme si je t'ai trompé, c'est juste payé. Non mais c'est une blague. Bah non. Pour que je déconnerais avec toi, c'est juste un petit plan cul vite fait, un soir. Non mais à ce moment-là, moi aussi, je peux aller faire des trucs chez les gens et me faire payer en nature. Hein. Ah ben voilà, bah non, Michel va débarquer. Non, je peux pas savoir ce que ça peut faire après. Ok, bref. Mais non, c'est bon, c'est juste c'est une dame, elle a chargé. Oui. C'est qui derrière? C'est elle justement, elle est passée me voir là, à l'hôtel où j'ai... Non mais tu te fous de ma gueule là. Et tu vas dire à ta putain de salope derrière qu'elle va fermer sa gueule, parce que moi je vais débarquer et je vais l'encastrer. Hein. Mais non, arrête, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, arrête de me dire c'est bon tout le temps, c'est pas bon. Mais tu te fous de ma gueule, hein. Qu'est-ce que ça fait? Bon chérie, c'est bon, elle est d'accord. Qu'est-ce que ça fait? Toi, tu me demandes ce que ça fait? Elle est d'accord? Oh, c'est cool. Hein. Non mais non, je suis pas d'accord, je crois pas, non. Attends, passe-moi. J'entends pas, tu me parles vite fait. Attends deux secondes. Quoi? Allô? Non mais toi tu vas fermer ta gueule et tu vas sortir de cette putain de chambre d'hôtel, sinon je te jure que j'arrive et je t'encastre. Ouh là là, quel accueil! Tu mets pas de virgule dans tes phrases. Non mais ferme ta gueule, j'en ai rien à foutre de mon accueil. Non mais calme-toi, faut pas s'énerver comme ça. Non mais toi, calme-toi, ça fait quoi? Ça t'amuse de vouloir briser des couples et de payer les gens en nature quand on a pas de fric, on fait pas de travaux et on ferme ta gueule, c'est tout. Au pire, va te prostituer, fais-toi du fric et fais les travaux après, mais viens pas me casser les couilles. C'est vrai, tu n'as pas tort, mais voilà. Alors va faire le trottoir ailleurs plutôt qu'avec mon mec, d'accord? Bah oui, mais moi ça me dépanne là, j'ai pas besoin de payer. Bah ouais, mais non, je suis désolée, il va pas te dépanner, non. Bah moi, il m'a dit que tu serais opérationnel, que pour dépanner quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu pourrais accepter. D'accord, bah il t'a dit ça, bah tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis que si jamais il fait ça, dès qu'il revient, je lui arrache les couilles avec les dents, d'accord? Chérie, faut faire attention à tes couilles, hein. Ouais, j'ai entendu. Je vais les utiliser moi une fois, mais après, je suis pas sûre qu'elles fonctionnent.

tu sais où tu vas aller récupérer tes affaires en bas, sur le trottoir. Tu rentres même pas dans la salle. Non, arrête là, arrête un peu. Franchement, il y aura tous tes petits bijoux, tous tes petits bijoux, tu passes ton temps par terre. Allô? Quoi encore? C'est Michel. Non mais putain, mais ferme ta gueule toi, j'ai pas envie de te parler tout à l'heure, t'as pas compris? Daniel, quelle taille elle fait comme soutien-gorge? Elle a des gros seins ou pas? Ouais, ça va, ouais. Bah plus ou moins C ou B ou D ou quelle lettre? C. C, oh et parfait. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est parfait. On peut faire une branlette espagnole, j'adore. Qu'est-ce que... Mais putain, mais ferme ta gueule, va faire une branlette espagnole avec ta femme. Oh Daniel, t'es d'accord, hein? Juste un soir. Bah écoute, hein, vu que j'ai pris ta femme, pourquoi pas, hein. Ah bah merci, ça t'es un pote, mais il mec, a traqué lui aussi, t'es mais un il pote, mec, vas-y, toi t'es cool. Eh vas-y, prends un verre, hein. Prends un verre à mes frais, là. Attends, je vais demander à Véro, là. Non mais... Eh Véro, hey, c'est pas bientôt fini, votre putain de délire, là. Va chercher à boire pour les hommes. J'en ai marre, là. Va chercher à boire. Viens, ton putain de Michel, de Jean, de je sais pas trop qui ferme ta putain de grande gueule, ok? Oh! Tu veux boire quoi? Eh! Eh, fermez vos gueules. Tu mets avec la glace, tu demandes à Daniel ce qu'il veut, là. Ouais, mais avec la glace, un petit non. Sky, moi, je veux. Un petit Sky, un petit Sky, bah tu me mets pareil. Oh putain, et je vais vraiment péter un plomb, fermez vos putains de gueules. Daniel. Ouais. Ah, doit pas être facile tous les jours. Ah, non, mais ferme ta gueule, toi, tu me connais pas, sérieux, ferme ta gueule. C'est pas facile tous les jours, hein. Attends, je ferme la porte parce qu'on avait laissé la porte de la chambre ouverte. Bon, Emeline. Quoi? Eh, hey, tu vas arrêter. Est-ce que tu peux t'excuser de toutes les grossièretés que tu m'as dites? Non mais pourquoi je devrais m'excuser déjà? Vous allez craquer ou quoi? Et si je te mets une belle musique d'amour, tu sais, est-ce que tu serais d'accord éventuellement qu'on couche ensemble une fois? Que je te casse les pattes arrière juste un soir? Non mais peu importe ce que tu crois, je coucherai jamais avec toi. Regarde, je te mets une belle musique d'amour. Ouais, génial, du coup. Non mais attention, c'est moi qui joue de la guitare, hein. Ah ouais? Regarde, bah écoute, c'est peut-être au moins un truc que tu sais faire dans ta vie. Attends, donc, je vais chanter pour toi. Je chante pour toi. Attends une seconde. 3, okay, 4. Ouais. Et tu crois vraiment que je vais y croire? Non, mais tu c'est bien, non conne, hein. Attends une seconde, j'ai encore un petit peu à faire. Vas-y. Tu m'as pris pour une putain de grosse conne. Et franchement, avec la musique de merde, là. Attends, je le referai, attention, je te le fais pour toi. Non mais je m'en fous, j'ai même pas joué tout le temps. Eh, hey, garde ta putain de musique pourrie là, tu me casses les couilles, sérieux. Oh dis donc, ah bon mais d'accord, mais j'arrête alors, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est aigrie alors? Eh, hey, je t'emmerde. Tu veux que je te chante une autre chanson? Ah non, non, je crois pas, non, parce que plus tu vas chanter, plus je vais avoir envie de raccrocher, tu vois. Ah non, pourquoi tu veux raccrocher? Ah, si. Non mais repasse mon copain là déjà s'il te plaît, enfin ce qui me servait autrefois de copain. Bon Daniel. Ouais, bah oui, je te repasse, je te repasse. Eh hey, ma chérie, tiens, je te repasse Daniel. D'accord. Et quoi? T'es en direct sur Fun Radio. Oh là là, ça va Emeline? Emeline? C'est sérieux? C'est bah le chéri, oui. Je peux te faire cocu. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce qu'elle est relou alors? C'est vraiment une grosse bande de bâtards. Moi, tu nous vivais avec, hein. Ah ouais, on est une grande bande, une grosse bande de bâtards, effectivement. Voilà le chéri, je peux te faire cocu que vous avez raté lundi dernier. On en fait un nouveau demain soir. Et bah, si vous voulez gagner votre skateboard électrique, c'est une tuerie, hein. C'est-à-dire qu'on l'a testé. Oh, c'est énorme. Il y a juste Sandro et Toff qui, Sandro et Polo qui sont mis en mode, enfin, vous verrez sur la vidéo. Ouais. Facebook.com/MIKL officiel, je vous ai mis la vidéo du skateboard électrique, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Alors c'est vrai que skateboard électrique ça a pas l'air sexy comme ça, mais c'est juste énorme. Juste une tuerie. Ah ouais, c'est juste super drôle. Donc si vous voulez, demain il y aura une vidéo demain avec une autre toi vidéo. Et moi. Oui, demain une autre vidéo, vous verrez. Donc facebook.com/MIKL officiel, on vous en offre un demain dans le chéri, je peux te faire cocu. Thomas également qui dit énorme le canular. Il y a Ariel qui dit c'est parfait pour plonger. Ah oui, c'est vrai. Julien également qui dit ils sont toujours magiques les chéris, je peux te faire cocu. Thomas également énorme le canular. Yaku aussi, Zachary qui dit j'ai pas bien compris, faut juste liker ou partager pour tenter de gagner un des iPhones. C'est exactement ça. Tu vas sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, et puis bah tu fais un like et un partage. Voilà, tu fais les deux comme ça t'es tranquille. Sur la photo où je suis avec les deux iPhones, voilà, on tirera quelqu'un au sort tout à l'heure parmi ceux qui auront fait un like et un partage. Et donc pour vous expliquer en deux mots, on envoie un message privé à certains d'entre vous pour leur demander les numéros de téléphone. Donc guettez bien les messages privés, le premier qui répond repart avec l'iPhone. Voilà, parce qu'on l'appelle appellera en direct. Donc si vous voyez un message de nous, de Toff ou de moi qui vous demande votre numéro de téléphone, bah filez-le, parce que sinon forcément on peut pas vous appeler. Et aujourd'hui, parce que demain c'est perdu. Ouais, demain c'est mort, hein. Donc ce soir avant minuit. Sabrina qui dit c'était énorme le canular. Mathieu qui dit c'était quoi le titre de la musique du dans le chéri, je peux te faire cocu. C'était moi qui chantais, hein. C'était 74-75. Voilà. Tu chantes trop bien, Mickaël. Voilà, c'est Mickaël featuring The Connells. Et pas les connasses. Ouais. Non, The Connells. Et Sabrina qui dit le bruit de la porte qui s'ouvre, c'est trop dément. Oui, c'était une grosse porte. Là, le mec, il a, et la meuf, elle a rien capté. Et enfin, Peter T qui dit énorme le chéri, je peux te faire cocu. Trop délire comme d'habitude, c'est nade. Et Romain qui dit ça me fait trop rire quand Mickaël, yes, Michel hurle dans le chéri, je peux te faire cocu. En même temps, il hurle tout le temps et partout. Hein, donc, de ce côté-là, on est tranquille. Et enfin, Nicolas, putain, à chaque fois, le chéri, je peux te faire cocu, me fait taper des barres. Mais c'est le principal, on en remet un autre demain. Demain, dès 23h, on sera en direct avec notamment un nouveau chéri, je peux te faire cocu. Donc, si vous voulez participer pour gagner votre skateboard électrique qui est juste aussi une tuerie, ça marche évidemment sur pile et c'est juste énorme parce que ça va quand même relativement vite. Hein. Ah ouais, gros, c'est ce que. Hein. Ah, c'est chambé. Voilà, si tu le mets, tomber là. Si tu le mets à fond, il y a moyen de se faire bien mal. Il y a moyen de se faire bien mal et il y a moyen de bien délirer également. Allez, tous vos messages en direct au 01 42 48 5000. Et puis on va prendre. Pierre Je suis là, vous m'entendez? Bah oui, on t'entend très bien. T'es enchanté surtout. Hein. Ah, oui. Qu'est-ce que tu fous là? Non, non, il y a un peu dire, je suis quand même dehors pour avoir du réseau, hein, je le dis quand même. Hein. Ah d'accord, mais en même temps c'est pour que tu gagnes un cadeau, donc au final c'est normal. Oui, bah. Ah oui, bah oui. Tout ce que j'aurais gagné, c'est la crève. Eh ben peut-être, mais peut-être que tu repartiras aussi avec la 3DS XL, on va savoir. Peut-être. Bon, alors pour ça, je rappelle Pierre que tu dois poser une colle, tu l'as faite depuis 20h. Oui. On prendra le ou la gagnante avant 22h30 et quand je dis le ou la, c'est une personne qui se sera inscrite en envoyant la réponse par SMS, en envoyant Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique ou même depuis le Facebook si vous voulez voir la colle, c'est possible aussi facebook.com/mickaël officiel. Donc je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse à ta colle Pierre et qu'il tire au oui. sort et qu'il passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Pierre. On y va, vas-y, répète la colle. Alors, nous sommes 12 dans la famille, je suis le deuxième, mais le plus petit. Ici. Voilà, bon, très bien. Nous sommes 12 dans la famille, je suis le deuxième, mais le plus petit. Qui suis-je, c'est ça? C'est ça. Oui, je rappelle que nous sommes au mois de novembre, voilà. Bon, eh ben merci et puis, Pierre. On puis, donne, pour revenir, hein. Je veux dire un petit truc, hein. Ouais. Pour Sandro, hein. Je tiens à dire, moi, j'ai perdu 10 kilos en un mois. 10 non, kilos en un mois? Ah ouais, c'est pas mal, ça. 10 kilos en un mois. Mais... Ah ouais. Et, oui. Et comment? Bah, il a pas mangé pendant un mois. En fait, j'ai vu, vu que j'étais au lycée, j'étais interne. Sur un coup de tête, ça m'a pris de plus manger, de la semaine, de plus manger beaucoup. Ouais, mais c'est super mauvais, ça, Pierre. Faut pas le faire. Parce que, oui, je sais. Non seulement c'est mauvais, mais en plus, tu reprends tout dès que tu commences à bouffer de nouveau. Donc, au final, c'est. Ouais, t'es content parce que là, pendant un mois, t'as perdu du poids. Oui. Et après, quand t'as remangé normalement, paf, t'as tout repris. Le corps stocke. Je pesais 105 kilos avant et maintenant, j'en fais 90. Ouais non mais toi c'est parce que t'étais vraiment en excès de poids. Alors évidemment quand t'es quand t'es en super excès de poids, dès que tu fais une petite modification, tu peux perdre facilement. Mais ceux qui ont juste 2-3 kilos à perdre, c'est là que tu galères parce que c'est compliqué quoi. Mais effectivement quand on a beaucoup à perdre, les premiers sont toujours plus simples à perdre. Bah écoute Pierre, reste avec nous donc pour la colle. Allez-y, il y a la Nintendo 3DS XL à gagner. Donc vous pouvez répondre à la colle de Pierre. Donc nous sommes 12 dans la famille, je suis le deuxième mais le plus petit. Qui suis-je? Vous envoyez Mickaël espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et également rencard sur le Facebook de l'émission facebook.com/mickaël officiel. Retour avec Lila pour le régime là de Grenoble. Ça va Lila? Oui, ça va. Très bien. Lila, donc Toff qui avait fait un chiffre et les lettres, hein, quel très très bon pédigré, 1m63, pédigré. 50 kg, 95D et 38 pour le dernier pantalon. Ah, B comme B, Bénédicte. Ah, le pédigré est moins bon. Hein, ah oui, coup. Bah alors rends-nous la musique. Non, je plaisante. Bon, alors Lila, donc toi tu nous appelais pour les régimes, puisqu'on oui. s'est rendu compte qu'à Dubaï, il donnait un lingot d'or par kilo perdu pour lutter contre l'obésité. C'est ça quand t'es blindé, t'en branles. Bah oui, t'en branles, ouais. C'est clair, un lingot d'or ça vaut plus ou moins 30 000, hein, comme ça vous ouais. savez. Grosso modo, hein, je suis pas dans le détail évidemment du prix de l'or. Hein. Oui, on va pas chipoter pour 1 000 euros. Et voilà. Bon, alors du coup, Lila, toi t'as fait un régime, tu vas en faire un, dis-nous. Non, je suis en plein dedans. Ah t'es en plein dedans, alors pourquoi? Mais tu veux perdre quoi là? Rappelle, 1m60 combien? 3 en pour fait, 50 kilos. Mais de en quel fait, régime c'est... tu veux faire? Bah oui, 1m63 pour 50 kilos, t'es pas gros du ouf. C'est folle. En fait c'est pour sculpter mon corps parce que je suis stripteaseuse et j'ai eu un enfant Mais c'est de la muscu qu'il faut faire, c'est pas un régime. Bah si. Mais y a des clubs de strip à Grenoble? Ah mais je fais ça enterrement de vie de garçon, anniversaire. Ah parce que justement on voulait enterrer nos vies de garçon. Enfin, on voulait enterrer Toff directement parce qu'on va le tuer bientôt. Oui, on va enterrer Toff. Est-ce que tu peux venir? On va enterrer un garçon, donc est-ce que tu pourrais éventuellement venir fêter ça? On va danser sur son cadavre. Ça va être la classe. Hein? Pas de soucis. Ah bah nickel, bah écoute, parfait. Attention, je suis le spécialiste mondial de la stripteaseuse. Ah bah oui, un grand spécialiste. D'ailleurs, il va bientôt sortir son guide. Hein. Exactement, oui. Polo on tour. Polo on tour, exactement. Bon, et donc du coup, mais oui, effectivement, il faut que tu fasses un peu de sport. C'est pas en faisant du. Bah, oui. C'est pas en perdant du poids. C'est quoi ton problème? C'est que t'as quoi? T'as des poignées d'amour? T'as un peu de bite? C'est quoi ton problème? Ouais, j'ai un petit peu de ventre, ouais. Ton petit, faut un petit peu. Mais voilà. Eh ben, raffermir, c'est pas en faisant régime et en bouffant du pain sec et de l'eau que tu vas y arriver. Hein. Faut faire des abdos, faut courir, faut. Tu vois. Ah, mais j'ai mon régime plus 4 heures de sport par jour. Ah ouais, putain. Parce que si tu veux courir sans que ça te coûte un rond, tu demandes à Toff de venir, comme ça il va te faire peur, il va courir après toi et toi tu vas essayer de l'éviter, tu vas courir devant quoi. Non, mais voilà, mais c'est un régime comme un autre. Ça au moins marcher. C'est gratuit. Et au moins c'est gratuit, voilà, tout simplement. Ouais, bon, ça marche bien. Bah ouais, il y a Hervé aussi. Y a Hervé qui est avec nous, salut Hervé. Oui, salut. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Bon, ben bienvenue à toi Hervé. Alors, toi t'appelles du Val d'Oise, d'Hermont pour être précis, toi aussi t'as un plan régime là pour Sandro éventuellement? Ouais, un super plan régime. Alors vas-y. Avec des amis, le 14 juillet, après une bonne bouffe devant le feu d'artifice, on s'est lancé sur un diet contest, un petit pari entre nous, entre un les diet amis. Qu'est-ce que c'est que ce diet contest? Ben on en a fait un Ouais. Le diet contest, bah, c'est le pari, on a mis chacun 20 euros dans un pot. Ouais. Les règles, c'est très simple. Chacun 20 euros dans un pot, donc ça faisait un pot à 120 euros. Le perdant paye sa bouteille de champagne. Attention, du bon champagne. Hein. Ouais. C'est bien après un régime. Ouais. Faut bien fléter, hein. C'est ça. Par contre, celui qui a, au bout des deux mois, qui a grossi, paye une bouteille de champagne à chacun. Donc ça revient à une manne financière assez conséquente pour le perdant. Ah oui, c'est clair. Et donc, du coup, vous en êtes où, là? Bah, du coup, ça a duré du 15 juillet, on va dire, jusqu'au 15 septembre, deux mois, en plein pendant les vacances. Vacances d'été, donc assez bien lourd. Et puis, surtout qu'il a fait bien chaud, donc ouais, c'est bien galère. Ouais, exactement. Et puis, bah, ça s'est terminé par ma victoire. En fait, on raisonnait en pourcentage de masse. Ouais. Donc, moi, j'ai réussi à perdre à peu près 11% de ma masse corporelle. D'accord. Je suis passé de 88 kilos à presque 78 kilos, quoi. Ah oui, pas mal. Et alors, mais t'as gagné ou pas? Ouais, j'ai gagné. Ah, pas mal. Et quand est-ce que tu viens ouvrir la bouteille de champagne à la radio? Ouais, bah, la bouteille de champagne, tiens, je vais passer la dédicace. Mathieu, on attend toujours notre bouteille de champagne. Parce ah ouais, que d'accord. Ah bah, c'est un enculé. C'est des faux potes, quoi. Ah ouais. Ah bah, il a payé son rhum. Ouais, bon, enfin c'est déjà ça, parce que moi aussi j'ai fait un pari un jour avec un enculé, je vais pas le nommer, enfin si je peux le nommer. Ouais, c'est Toff. Non, il est à ma gauche. À ma gauche. Ah, Apollo, pardon. Voilà, pour vous expliquer, en fait on avait fait un pari aussi au niveau poids. Le premier qui perdait devait offrir un iPhone à l'autre. J'ai perdu de pas grand chose. Ah oui, je c'est lui vrai. Ai offert. Tu lui avais offert toi. Bien sûr. Et après, un an après, on a refait le pari. Ah. En disant le premier qui perd le poids offre un voyage à New York à l'autre. Et il a pas j'ai fait. Gagné, je lui ai dit bon vas-y, parce que, bon il gagnait moins, donc je lui dis vas-y bah écoute, laisse tomber, c'est bon. Et je m'attendais à ce qu'il me dise non mais écoute, attends, je suis dans Paris, je dis, ok merci. Ah oui. Voilà, et générosité. Ah ouais, c'est ça. Et je l'ai bien profondément là. Polo ne refuse jamais la générosité. Jamais. Fais attention aux belles phrases. Oui, c'est jamais. Ça. Mais, tu sais, je me dis, je vais pas lui soutirer le truc. Le gars, il gagne déjà moins. Donc, mais voilà. Tu sais. Ah, voilà. Dalle, enculé, ouais. Enfin bon, et donc félicitations Hervé pour la victoire là. Ouais, en plus, mais la chose un peu drôle, c'est qu'avec des amis, donc ce qu'on faisait, c'est que toutes les semaines, on s'envoyait des photos par SMS ou WhatsApp. Ouais, WhatsApp. Et ouais, par WhatsApp. Ouais, par WhatsApp, ouais. WhatsApp. Ah, WhatsApp, je croyais WhatsApp. Non, WhatsApp. D'accord. Et ce qui se passait, c'est que pour déstabiliser les autres, je me pesais avec des gros bouquins de droit ou de fisca. Bah oui. En mince, j'ai pris 3 kilos. Oh putain, c'est clair. Alors que je suis déjà à moins 4, moins 5. Ouais, c'est un bon plan. Ah ouais, non mais c'est bon, alors faut bien manger avant de se peser, tu sais, tu te pèses le soir et après tu te repèses le jour de la finale, tu te pèses mais le matin à jeun évidemment, et là tu peux facilement perdre 1 ou 2 kilos tranquille. C'est ce qu'on avait fait, on s'était tous pesés chez un ami, on avait bu et mangé, mais comment il s'appelle le mec qui a perdu? Mathieu, n'offre pas la bouteille de champagne parce qu'il a triché en fait. Donc voilà Mathieu, t'as menti. C'est de la déstabilisation. Non, non, c'est de la triche, escroc. De la t'es un escroc, Hervé. T'es un escroc. Déstabilisation. Bah, tu sais quoi, je veux faire comptable. Non, mais t'es, bah, justement, bah, c'est le pire. Bah, tu peux aller boire un verre avec Polo, tiens, entre escrocs, vous allez vous entendre. Voilà. Et ça passera. Je lui donner pas mal de conseils s'il veut. Oui, ça passera crème. Bon, bah, merci en tout cas, Hervé, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ouais, je peux passer une petite dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne. À une seule personne, choisis la bonne. Je choisis la bonne, je dédicace à Alex Duy, futur expert comptable, il va tout réussir. Très bien, ben message passé, pas de problème. Bon ben salut Hervé. Salut, bonne soirée les gens. À bientôt, ciao. Lila, tu voulais encore ajouter un truc, ma petite stripteaseuse préférée? Oh, c'est mignon. Oh. Ah bah maintenant qu'elle est stripteaseuse, tu vois, bah, tu lui parles plus de la même manière. Peut-être donner le régime pour ceux qui veulent perdre mon du poids. Bah vas-y, dis-moi. Sandro, note. Note, Sandro. J'ai pris un stylo. Alors, 100 grammes de muesli le matin. Oh putain, on va faire le truc de... Acheter un pèse-aliment. Ouais, c'est ça, ouais. Une pomme granny à 10h. Oh. Après, 200 grammes de viande blanche, viande rouge ou poisson à midi avec 200 grammes de légumes verts et que des légumes verts. Ouais. Avec un avocat. Oh. Après, 4h, une pomme granny. Et le soir, 200 grammes de viande blanche ou de poisson avec 200 grammes de légumes verts. Attends, je mets deux doigts, là. Oh, classe. Et deux petits suisses avec deux petits fromages. Ah bah ça va, si on a droit à deux petits suisses. Ah putain, si on a droit à deux petits suisses, c'est la belle c'est vie. Super hein. Bon ah ouais, non, là c'est bien, là, c'est bien. Et bon, sucre. Ça fonctionne, ça fonctionne. Eh bah très bien, bah Sandro va commencer dès ce soir avec un quick. Ok, ça marche. Un bon. Quick sans sauce, ça passe. Bien hein. Sûr, évidemment, bah oui, voilà. C'est ça. Light prends pas sur la de ketchup sauce. Quoi. Mais il y a de la salade dans le burger. Hein. Bah, je tu sais. Prends un Giant, t'as de la salade. Hein. Ouais, ouais. C'est régime, c'est pain, un complet surtout. Hein. Bah, bien sûr. Et puis tu sais, tu prends puis la viande, bah, c'est du bœuf, c'est bien. C'est, mais c'est, oui. C'est un peu grillé dans l'huile. Et oui, bah voilà, c'est ça. Mais il n'y en a pas dans le Giant, donc t'es tranquille, Lila. Bon, bah merci pour les conseils là. Bah, de rien. Bon, et puis donc, on va enterrer Toff, on t'appellera. Ok, ça marche. Parfait. Bon, merci beaucoup. Allez, salut à toi, Lila. Bien. Salut, ciao. Ciao, bye. Retour avec Stéphanie dans quelques minutes. Sarah qui voulait réagir à Fred par rapport au mec de son internat qui fait plein de trucs chelous. Et puis, bah, vous en direct, hein, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus. On va également parler des particularités physiques parce que j'ai vu une info sur un Indien qui est devenu dactylo grâce à ses 12 doigts. Pratique c'est quand même. Bon, hein. Ah ouais, ouais. Alors il arrive à écrire plus de 100 mots à la minute. Donc venez nous dire ce que vous avez comme particularité. Genre 3 tétons, 12 orteils, 54 dents, je sais pas moi, des trucs en particulier. Qu'est-ce quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec 12 doigts? Bah je sais pas, écoute, bah, il tape déjà plus vite que toi a priori. Ah bah c'est sûr, c'est encore plus, c'est encore mieux. Complètement. Donc allez-y, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 pour la Belgique. On va encore se faire des appels de Toff dans quelques minutes. Ah bah j'espère bien. Ah bah oui, on va les faire, t'inquiète, ouais. On va donc parler des particularités dans quelques minutes. Et puis bah Fred, Sarah et plein de monde également avec nous en direct dans le standard sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Global DJ sur Fun Radio avec Kids sur Fun. Venez foutre le bordel le dimanche soir. Tu me dégoûtes. No limit. Fun Radio. Nickel, no limit. Fun Radio. Et on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio avec un message de Véronique qui dit je peux avoir un petit message de bienvenue s'il vous plaît, ça m'éclaterait. Eh bien écoute avec grand plaisir. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu comprends? Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, le message est passé hein, avec plaisir, Véronique. Il y a Florian qui dit est-ce que je suis invité à l'enterrement de Toff? Bon, bien sûr, tout le monde est invité. Et Let's Be Friends qui dit ouais, c'est n'importe quoi son régime, même pas de féculents, idéal pour crever la dalle. Cali Cruz qui dit v'là le régime, tu vis plus. Non mais c'est ça, après il faut faire un régime mais il faut pas non plus ne plus vivre. Lily qui dit Mickaël, malgré tout, Sandro n'a pas besoin de régime, je la trouve parfaite. Mais oui. Bah si, 5, comment ça? Bah oui, 5. Et Fafan aussi qui dit grave, déjà commencer par manger équilibré sans rien entre les repas, c'est déjà pas mal. Et Max du 11 qui dit Pierre t'es un escroc, mais non je suis expert comptable. Oui c'est ce qu'il avait dit, c'est vrai en plus. Hein. Et Lily qui dit j'étais grosse au collège, ma classe se moquait de moi. Post-bac j'ai tout perdu, je me suis vengé des mecs qui se foutaient de moi. Et Christy qui dit salut à tous, pour la perte de poids j'ai un complément alimentaire vraiment efficace. C'est fabriqué en Suisse. Lila peut me contacter si elle veut vraiment perdre les 2-3 kilos, oui, les 2-3 kilos en trop. Mais pervers. Oui c'est ça. Mais pervers. Mais qu'elle me contacte. Et Echo qui dit quel enculé ce polo, c'était énorme. Et alors qui est généreux Mickaël? C'est Sabrina. Mais oui, trop généreux. Et Julien qui dit pour faire régime, déjà il faut arrêter de bouffer trop de merde. Ça c'est une certitude. Et enfin Nikita, moi pour maigrir je fais pas exprès, la bouffe à mon internat est juste affreuse, sinon Sandro n'a pas besoin de faire de régime. Voilà. Bon, on vous mettra Sandro en bikini pour que vous jugiez alors bah, là, pour juger si oui ou non il y a besoin ou pas d'un régime. Non, quand j'aurai fait un peu de muscu. Ouais, bah jamais quoi. Mais si je commence début décembre, je vais à la salle et tout. Hein. Ouais, début décembre. Très bien. Mais si c'est vrai. Début décembre. Ça, c'est une bonne vanne. Mais comment en mai? Bah oui, début mai, c'est mais bien. Non, début mai, t'es bien. Non, parce que je dois commencer d'abord une phase de je sais pas quoi avant de préparer mon corps. Mais c'est une bonne phase, ouais. T'as raison, il faut éliminer les toxines. Et non, mais elle a raison. Qu'est-ce que dit Rocco Siffreditoff? Bah oui, il faut toujours bien la préparer en anal. Toujours. Que ça glisse bien la voilà. Terre. Voilà, voilà. Bah, c'est pareil. Eh bah, très bien. Il bah, oui, faut bien préparer. Oui, c'est pareil. Bon, Mathieu est avec nous là. Salut, Matt. Enfin, re-salut, Matt. Je suis là. Bon, bah, Mathieu qui voulait faire le défi ce soir pour faire comme le mec en Afrique du Sud qui a battu le record de 50 heures de discussion. Dialogue assez improbable et donc du coup bah nous on a décidé de faire pareil jusqu'à minuit. Faut que tu discutes avec ton pote. Il est là. Très bien. Salut le pote. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute tranquille. Comment tu t'appelles le pote? Je m'appelle Chélim. Comment? Chélim. Chélim. Très bien. Bon bah Chélim et Mathieu, eh bah commencez à parler. On vous prendra comme ça de temps en temps, hop, sans prévenir, en plein milieu de d'un blabla, en plein milieu d'un disque, en plein milieu de la pub, pour voir si vous parlez toujours bien. Et puis bah si ça tient jusqu'à minuit, vous repartez avec des cadeaux. Nickel. Allez-y. Allez. Bien, on va se fumer une petite clope, Chélim. Allez, je tombe bien parce que j'allais le faire. Allez. Vas-y. Ah, attends, je mange ça. Oh, c'est nul. Bah, parle. Non, mais il parle. Ah. On est là. On va aller se fumer une clope comme tous les soirs et on va aller discuter. Voilà, c'est dangereux pour la santé. On va discuter, oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, le paquet de clubs va augmenter, bien fait. Voilà. Bastien qui dit aussi, vive les gâteaux. Mais oui, vive les gâteaux. Il y a également Pierre qui dit un peu de sport de chambre et en trois jours, elle sera toute fine. Et enfin Julien qui dit, la pire coupe, c'est celle d'un pote qui s'était rasé, qui s'était fait raser pour avoir ses initiales. C'est espagnol ça. Ah ouais, ouais, ouais, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Je vais vous mettre la photo de Toff. C'est vrai qu'on l'a pas encore mise là sur le Facebook dans quelques minutes. Il y a également l'iPhone 5S et 5C à gagner au choix. Il suffit de choisir l'un ou l'autre. Vous allez sur le Facebook maintenant de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre si vous n'avez pas encore liké la page. Et puis faites un like et un partage de la photo. On est le même et on fera un tirage au sort tout à l'heure parmi les likers et les partageurs. C'est aussi simple que ça pour gagner l'iPhone 5S ou 5C. Vous venez maintenant donc facebook.com/mikaelofficiel. Quel officiel. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va prendre Christophe maintenant de Metz. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bon, très bien. Alors Christophe, de quoi on va parler dans quelques minutes avec toi? Bah en fait, c'est que je suis sorti avec une copine et j'ai couché avec ma meilleure amie et que je l'ai mis enceinte. Bravo! Bravo! Attends, mais bravo. C'est le festival là, cette semaine là. C'est bravo les gars. Fou. Et oui, la capote a augmenté a priori. Bah oui, apparemment, ouais. Putain, mais comment t'as fait pour la mettre enceinte? Bah, Attends, parce qu'on fait pas deux émissions simultanées, hein. Et comme elle est au standard et qu'elle hurle. Non, mais parce que je suis avec Yannick au téléphone et je comprends pas pourquoi il veut passer à l'antenne, donc. D'accord, bah comme ça, c'est parfait. Bah voilà, oui, bah c'est une bonne idée, tiens. Bon, donc Christophe. Bon, donc du coup, tu l'as mise enceinte, c'est ça? Oui. Bon, d'accord, ok. Bah écoute, très bien. Bravo. Bah oui, bravo, ouais. Allez, vous me cassez les couilles. Voilà, c'est l'avis de Philippe, qui a un autre avis d'ailleurs, hein, qui pourrait d'ailleurs, plutôt que d'aller baiser toutes les meufs, tu devrais plutôt tenter ça. La branlette, c'est sûr. Ouais, au moins, tu vois, bah, avec ça, au moins, t'es tranquille, tu risques pas d'avoir de mettre ta copine enceinte, par exemple. Hein. Mm. Bah ouais, et alors, si vraiment t'es emmerdé, tu peux... Les doigts dans ta chatte et tu sens ton cul. Voilà, ça aussi, c'est une idée comme une autre. Hein, ouais, c'est... Les doigts dans la chatte et tu voilà. Sens ton cul. Hein, c'est pas mal, non? Ouais. Non, tu es fan, c'est mon préféré, je crois, celui-là. Bah oui, c'est il est énorme. J'ai besoin de me faire bourrer. Bah oui. Non, c'est pas vrai. Bah attends, il vient de le dire et après il veut dire l'inverse, c'est un truc de fou. Enfin bon. Bon, Christophe, bah reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Si vous avez des conseils à filer à Christophe, eh bien ils sont les bienvenus également. Vous envoyez, vous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Avant de récupérer Fred et Sarah, il y a Yannick avec nous là. Bah, c'est Yannick qui était avec Sandro au standard là pendant qu'elle gueulait. Ouais, et... bonjour. Ah oui, je comprends. Ouais. Oh là là là. Ça va Yannick? Bon courage. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe Yannick? Non, c'est pas vrai. Yannick? Quoi, tu disais? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à chaque fois que je vois... Bah, déjà, il faut... Yannick! Yannick! Ouais. Déjà, il faut que tu t'achètes des meubles. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est ça résonne un peu. Ah ouais, là, tu m'entends là? Ah oui, là c'est mieux, là, j'ai acheté des meubles entre temps, là, donc c'est vachement mieux. Ah oui, c'est le haut-parleur, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi alors? Mais ça alors, déjà quoi, une connerie. Tu expliques tout? Faut parler, là. Ouais, on t'écoute, hein, vas-y, hein. Vas-y, ouais, en fait, je... Bah, je suis d'accord. Déjà une de recherche une copine. Oui, mais ça, à mon avis, on peut rien pour toi. Ouais, ouais, ah, t'arrives pas à trouver de copine? Non, tout le monde dit que je suis moche. C'est pas vrai. C'est vrai. Je sais ce que c'est, t'inquiète. Ouais, bah oui, t'as le même problème. Tout le monde dit que moi, je suis un peu gros. Ouais, bah ouais, ça arrive aussi, hein, Yannick. Hein. Mais tu dois travailler le charme. Oui, voilà, c'est ça, il faut travailler sur le charme. Sur l'humour, tu vas compter sur voilà. Tout ça. Essaye, ouais, de voir sur... Essaye de voir sur le charme. Ouais, mais il y en a plein qui me plaisent. J'en avais une, là, quand j'étais dans mon lycée. C'est parfait. Bon, Yannick. Le pire, c'est quand il démarre et qu'il part tout seul. Attends, Yannick, attends, on va demander si tu veux qu'on te fasse rencontrer une meuf. Stéphanie. Ouais, là. Je viens. Attends, j'ai Stéphanie qui est avec nous, là. Salut Stéphanie. Allez Stéphanie. Essaye de voir un peu pour lui donner quelques conseils. Ouais. Yannick, je te présente Stéphanie. Ouais. Elle est là, elle est disponible. C'est mieux, oui, enlève le haut-parleur. Voilà, mais voilà, bah, petite conversation avec Stéphanie pour voir comment tu fais et après on fera un débrief. Elle a quel âge, elle? Elle a le bon âge, t'inquiète pas. Vas-y, dis-moi. Elle a comme toi, elle a 17 ans, comme ouais, toi. Et voilà, demi. C'est pareil. Elle est d'où? Eh oui, elle est de. T'es d'où toi? T'es d'où? En Corrèze. La région Rhône-Alpes. Ouais, mais t'es en quelle ville? Grenoble. T'es sur Grenoble, c'est ça? Ouais, vers Grenoble. Ah bah comme Stéphanie, elle est aussi à Grenoble, ouais. Hein, 17 ans comme toi. Alors vas-y Yannick. Ouais, comment tu t'appelles? Stéphanie. Je viens de te le dire, Stéphanie, tu vois, t'as déjà perdu du temps. Là. Ah, ouais. Bon, alors vas-y. Quoi? C'est quoi ta passion dans la vie? Oh putain, c'est dur. T'es sérieux là, t'as pas d'autres questions? Bah réponds toi, Stéphanini là! Bah vas-y, réponds. Oh là là! Bah non, mais je sais pas moi. Ah, tu ne sais pas. Avec toi exactement? À Grenoble, tout près de l'église. T'as des frères et sœurs? À droite. Ouais. T'as des frères et sœurs? Elle habite avenue Jean Jaurès. Bah bien ouais, elle a des frères et sœurs. T'as un réacteur ou pas? Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Oui, j'ai deux sœurs. Ah. Moi, j'ai une sœur aussi. Ah, génial. Ça change tout. Ah bah, nous voilà bien. J'ai une sœur qui a 8 ans, qui a 9 ans, bientôt 10 ans. D'accord. Ah ouais, donc elle a 8 ans, bientôt 9 ans, bientôt 10 ans. Non, elle a 9 ans, bientôt 10 ans. D'accord, ok. Non, bah, nous voilà rassurés encore une fois, très bien. Et sinon, physiquement, tu ressembles à quoi, Yannick? Physiquement, grand, je fais 1m75. Attends, Yannick? Oui. J'ai une autre meuf pour toi. Au standard, elle arrive. Attends, elle s'appelle Charline. Ouais. Attends, bouge pas. Charline, bonjour Charline, ça va? Oui, allô? Voilà, je te présente Yannick. Elle habite aussi à Grenoble, Charline, elle a 17 ans, Yannick. À gauche de l'église. Ouais, à gauche, pardon. Sur la avenue Jean Jaurès, au bout, là, au 63. Au 63 avenue Jean Jaurès, à Grenoble. Allô? Ouais. Voilà, je te la présente. C'est Ouais, Charline. Ouais. Allô Yannick? Ouais. Ouais. Ça va? Ouais. Dis donc. Tu dis rien d'autre? T'as des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Mais j'ai une grosse chatte. Comment? Non, je dis j'ai une grosse chatte. Elle s'appelle Nestor. Ah. Ouais. Dis donc, c'est bien. T'as quand même beaucoup de discussions, hein? Ouais. Ouais. Ouais. Bon, alors. Bon, tu préfères laquelle maintenant que t'as bien discuté avec les deux? La première. Ah, je préfère la première. Ah bah merde, désolé Charlie, hein. Charline, pardon. Oh, je suis déçu. Ah, parce que moi, j'étais très chaude. Hein. Bah oui, c'est ça. Ah, j'aurais pu lui apporter plein de choses. Bah oui, elle était chaude après toi, Yannick. Quoi? Elle était chaude après toi? Ouais, bah si elle veut. Ah, si elle veut? Bon, bah Charline, bon, bah si tu veux. Bah moi je veux. Ah bah très bien. Moi je veux bien qu'il me démonte. Voilà. Ça va, Yannick? Ça veut bien me faire un. Ça veut bien qu'on fasse un coup machin. Un coup machin, c'est-à-dire? Si elle a la veste spéciale, elle a fait son attrait. Quoi? Ça va faire un B. Non mais moi je voulais qu'il me démonte mon armoire Ikea. Ah, tu peux démonter l'armoire Ikea ou pas toi? Démonter quoi? L'armoire Ikea. Pourquoi? Pour démonter l'armoire Ikea. Pour? Bah pour Fab, bah voilà. Ouais. Ah, c'est possible? Est-ce que je veux changer? Je sais pas par contre. Ah tu sais pas, je merde. Une garde-robe plus grande. Ah ouais, bah écoute, on va pas pouvoir te garder Yannick alors du coup, hein, si tu peux pas démonter l'armoire Ikea. Juste là, un tournevis hein Yannick. Non mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Si, non, non, je peux pas là, je peux pas. Pour moi, si elle veut bien sortir avec moi. D'accord, bah elle a dit oui. Ah oui, moi je suis d'accord. Voilà. Et eh ben je vais te. Ok, faudrait qu'on travaille. Eh ben avec plaisir, Yannick. Tu pourras sortir qu'une fois que tu as démonté l'armoire. Voilà, pas de problème. Ok, bon, d'accord. Yannick, je vais te repasser Stéphanie au standard, comme ça vous discuterez entre en perso, hein Stéphanie. Oui, bien okay. sûr. Voilà, comme t'es aussi en plus à Grenoble et tout, donc c'est parfait quoi. Oui, voilà. C'est séduisant avec tes beaux yeux verts. Exactement, c'est... oui. Bon, ben salut Yannick, hein. Salut. Et tu te rends pas compte de la chance que t'as avec ça. Ah bah je te confirme. Ah bah ouais, non, là mec, là je peux te le dire. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Tu t'en rends compte ou pas, Yannick? Ouais, la chance, ouais. Ah bah parfait. Bon, salut Yannick, hein. Salut. Allez, à bientôt Yannick. Bon bah c'est parfait comme ça, tiens. Bon, bah, pour terminer, il y avait Fred et Sarah. Ouais. Ah, ouais. Fred donc qui nous avait appelé parce qu'il y avait un mec de son internat qui fait des trucs chelous dans le bahut. Et Sarah qui voulait réagir également. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, tranquille, hein. Tu veux pas parler à Yannick des fois que tu seras intéressé? Non, ça va, ça va. Bon. Bah t'es sûr, hein? Parce ah que... ouais, parce qu'il est encore il là. Est encore hein, là. Tu sais pas ce que tu rates, hein? Ah non, mais c'est bon, ça va. Ah bon, tu bah d'accord. Tu te rends pas compte de la chance que t'aurais pu avoir. Ouais, là, ouais, c'est vraiment, tu passes à côté. Hein. Écoutez, j'ai envie, hein. Bah non, mais tant pis, tant pis. Bon, alors Sarah, donc toi t'appelles de Wippenheim? Non. Ah, rien! Ya! Très bien, dans le Haut-Rhin. Et tu voulais dire quoi, Sarah? Alors, en fait, il y a une nouvelle fille qui est arrivée dans mon collège. Ouais. Donc, bon, elle a été remarquée par tout le monde. J'ai rien compris. Est-ce que tu peux parler plus fort ou enlever le kit main libre ou le haut-parleur? Je ne sais pas. Bon, en fait, il y a une fille qui est arrivée dans mon collège. Ouais. Et donc, dès le premier jour, elle s'est fait remarquer par tout le monde. Ouais. Bon, déjà, elle s'est battue avec toutes les autres filles. D'accord. Et direct le deuxième jour, donc elle est venue chez moi. Ouais. Et elle m'a fait un câlin. Non, un petit hug, bah c'est bien. En fait, à ce qui paraît, elle serait lesbienne. D'accord, et alors bah, c'est qu'elle en kiffe sur toi, très bien. Donc, non, pas bien, non. Bah dis-lui non, tout simplement, alors c'est tout, c'est pas grave. Donc en fait, maintenant... Et quand tu dis un câlin, allô, quand tu dis un câlin, c'est-à-dire... Bah, elle a mis sa langue dans ma bouche. Et elle a tourné. Voilà, c'était mais ça non, ou pas non. Non, elle m'a pris dans ses bras. Ah. Oh, mais c'est rien. Alors. Rien attends, mais ça arrive le nombre de fois où je vois Polo et Toff en train de s'enlacer. Non, je pense que tu dois te tromper. Ça. J'ai mis des baffes, mais jamais. Non, mais voilà, rien de grave, Sarah. Mais c'est pas ça le truc. C'est ah, que, c'est quoi? En fait, elle nous colle avec toutes mes copines. Bah oui, mais alors, c'est pas grave. Dites-leur. Il suffit simplement de lui dire que ça vous intéresse pas, point. Après, s'il veut dire quoi. J'arrive pas à lui dire. Je sais pas comment lui expliquer, en fait. Bah tu lui dis, moi je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas gay, ça ne m'intéresse pas, sauf si tu veux être ami, pas de problème, enfin, avec des mots quoi, simplement. Je sais pas si en fait. Mais si. C'est très simple. Le truc, on lui a déjà expliqué, mais en fait elle va continuer à nous coller, et ça allait au départ. Bah oui, mais il faut lui dire plus clairement, faut lui faire mieux comprendre, c'est que vous avez pas été clair, hein. La meuf elle est pas débile, si tu lui dis un truc clairement, je pense qu'elle peut comprendre, ou si vous avez fait des sous-entendus et qu'elle comprend pas, ça c'est un autre problème. Ah ah ouais. En fait, le premier jour, elle a dit ok, c'est bon. Et directement le lendemain, elle est revenue. Eh bah, tu lui répètes encore un coup alors. Ça marche pas. Ah, mais il faut. De toute façon, il n'y a pas de solution, Sarah. À part le venir le faire pour toi, ou tu viens à la radio avec elle et puis on va lui expliquer, c'est pas un problème. Mais sinon, il n'y a pas 36 solutions, Sarah. Bah, moi, je propose qu'on l'appelle. Oui, ça, on peut faire aussi, ouais. Mais t'as son numéro? Ah, bah non. Non, je préfère pas, non. Ah, tu veux pas en plus? Bah, donc tu veux pas trouver de solution? Bah, si, mais j'ai pas son numéro. Bah oui, bah alors essaye d'avoir son numéro et puis on essaiera de l'appeler demain ou après-demain ou dans la semaine. Ouais, on verra. Ah bah ça on peut faire. Attends, écoute, je te repasse Sandro, essaye de choper le numéro et puis on essaiera de l'appeler. Moi je vais lui expliquer, t'inquiète pas, Sarah, la cool. Ok, c'est bon. Bon, on fait comme ça, je te repasse Sandro, Sarah, je te fais des gros bisous. Fred, bah merci d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ouais, dis-moi, est-ce que moi que tu repasses le canular, tu sais, du mec qui avait croire qu'il avait chopé un lion? Ah bah non, on l'a déjà mis cette semaine. Par contre, justement, j'allais demander si vous vouliez écouter un autre sinon, en particulier. L'autre qui avait tué l'autre là, qui faisait croire à son pote là, qui avait bah, tué celui-là quelqu'un. Aussi, on l'a mis jeudi même parce qu'on a été planté avec l'autre canular là. Donc t'as pas écouté jeudi? Non, jeudi j'étais pas là. Alors, ouais. Bravo. Bah voilà, tiens, coup de pelle dans la gueule. Donc si vous voulez en écouter en particulier des canulars qu'on a déjà fait, là on en remettra un dans quelques minutes. Sinon faut refaire un. Hein. Oui non mais on va refaire. Ouh là là, t'inquiète pas, on va en faire. Hein. Y a pas de soucis, hashtag Mickaël sur le Twitter, continue à balancer tous vos messages avec le hashtag Mickaël. Y a Adeline qui dit t'es juste le meilleur, mais je sais pas qui elle parle, je prends ça pour moi. Ryan également qui dit vive les Portugais, Fun Radio, vous êtes les meilleurs. Mais oui Ryan, bien, c'est bon ça. Et Anna Essie qui dit incroyable, j'habite 45 rue Jean Jaurès également, je peux avoir l'iPhone. Que dalle Anna, t'as crié ou t'as même pas en rêve. Et Jason qui dit la phase de McDo, Alessandro, 3 Big Mac, ça devrait le faire. Et qui dit, moi je vais imposer mon régime à Sandro, légumes et viande et yaourt sans sucre. Mais c'est ce qu'elle fait, mais malheureusement, le problème c'est qu'elle fait un jour, deux jours, et puis les auditeurs débarquent avec des bonbons et c'est la merde. Ouais. Et non, c'est mais le sport. Oui, bah voilà, il nous faut faire ça, ouais. Bon, bah salut Fred. Ouais, et je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne. Foufouna de Lyon, à côté de Villeurbanne. Très bien, et bah message passé, pas de problème. Salut Fred. Allez, généralement, on dit l'inverse, hein, oui. De Villeurbanne à côté de Lyon. Mais c'est enfin, ça. Oui, enfin, bon. C'est pas grave. Bon, ça va. Bon, allez, salut allez, à toi. Bonne soirée à tous. Ciao Fred. Bon, dites-nous alors, moi j'ai deux possibilités là pour le canular. Alors, il y en avait un, souvenez-vous, on l'avait fait chez Jackie et Michel. Oh, un truc à base de, un truc à base de cul, évidemment. Bien et sûr. Puis, il y avait aussi Greg le Sado. On avait appelé sa copine pour essayer de la faire venir dans la soirée où on était dans une boîte sadomaso, enfin une soirée sadomaso plutôt. Donc voilà, donc soit vous voulez Jackie et Michel, vous envoyez le hashtag et Michel, Jackie et Michel sur le Twitter, soit vous mettez Greg le Sado. Voilà, et on écoutera l'un ou l'autre en fonction de ce que vous voulez réécouter. Hashtag et Michel sur le Twitter, allez-y, venez également nous ajouter sur Twitter hein, si vous n'êtes pas encore dessus. Sachez que si vous me suivez, je vous suivrai également. Donc pour m'ajouter, vous tapez Michel _, c'est le petit tiret en bas, Michel _ officiel tout simplement sur le Twitter de l'émission. Vous me suivez, je vous suivrai également. On a encore le tirage au sort tout à l'heure avant minuit pour l'iPhone 5C et l'iPhone 5S. Donc bah, on en parlera dans quelques minutes. Le temps d'écouter aussi et bah, le son de Eminem et Rihanna. Eminem et Rihanna dans quelques minutes sur Fun Radio, ce sera The Monster. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France, il est 21h46. Ouais. Bon, est-ce que ça parle encore là? Ouais, ça ouais, parle encore. Sur Fun Radio et toute la France. Ça va, ça parle encore. Ça parle encore, c'est parfait. Je rappelle qu'ils sont en train de tenter de battre le record. Continue à parler. De battre le record qu'un mec, un fric du Sud a fait là. Il a parlé pendant 50 heures non-stop avec son pote par téléphone. Juste une angoisse. Donc bah on essaie de faire pareil avec lui. Hein. On verra dans quelques minutes s'il y arrive ou pas. Enfin dans quelques minutes. D'ici à minuit, ils doivent parler non-stop dans le standard. C'est aussi simple que ça. Il y a Stéphanie qui dit moi je veux le canular de Jackie et Michel. Le prince qui dit moi ce serait top. Le Greg le Sado a voté les tweetos avec le hashtag et Michel. Jackie et Michel également pour je suis un licornet. Donc allez-y, hashtag Michael sur le Twitter, balancez tous vos messages et ajoutez-moi également hein, si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également à ma liste. Vous tapez Michael _ officiel, c'est le petit tiré en bas, Michael _ officiel sur Twitter. Eminem et Rihanna, c'est The Monster maintenant sur Fun Radio. Le son de The Monster à l'instant sur Fun, c'était Eminem et Rihanna. Bonne soirée avec Fun Radio, 21h51, nous est en direct avec tous vos messages qui arrivent. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup avec le hashtag et Michael. Il y a Yos qui dit je voudrais un message de bienvenue s'il vous plaît. Eh ben le message de bienvenue avec plaisir, j'ai envie de dire. Hop là. Est-ce que je vous demande si vous portez les parcouilles moi? Eh ben voilà, il y a également Romain qui dit tu pourrais faire des autres mix en live comme celui que tu avais fait avec Britney Spears. Ouais, je vais réfléchir à ça, t'inquiète. Sabrina qui dit comment il a fait pour s'endormir pendant 5, pour pas s'endormir pendant 50 heures le mec. Ouais, ça c'est un truc de dingue. Denis qui dit bonsoir Mickaël et toute l'équipe, peux-tu me mettre un petit coup de pipeau? Bah si Polo veut bien, ouais. Oui, bon, oui. Allez. 3, 4. Voilà. Et vous êtes nombreux aussi à demander le canular avec Jackie et Michel. C'est Julien notamment qui dit Jackie et Michel, merci qui? Merci Jackie et Michel. Nanou également qui dit un message de bienvenue pour Laurie et Henrik. C'est les potes. Bah écoute, avec plaisir. Bah, t'es enculé, gros connard. Ben voilà. Et alors Julien également qui dit elle arrive quand la photo de la coupe de cheveux Toff? Ben on va faire ça maintenant, tiens. Le temps de mettre le canular justement que vous avez demandé avec Jackie et Michel. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait fait ça au mois de septembre. Et d'ailleurs, on refait les canulars hein, tous les jeudis sur Fun Radio. Donc si vous voulez en faire un aussi de canular, vous n'hésitez pas, vous demandez, c'est aussi simple que ça, vous appelez maintenant Sandro par exemple, et si vous êtes bon, il y a des cadeaux à la clé, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, le 02 851 4x0, donc si vous voulez faire un canular hein, sur n'importe quel sujet, piéger votre copain, votre copine, les frères, les sœurs, les amis, les parents, tout est possible, il suffit de nous appeler et on fait ça avec plaisir. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et avant de faire le canular, Toff, on fait vite encore un ou deux appels. Ça me paraît pas mal ça, hein. Notamment l'achat de couilles. Mais allons-y. Oh, l'achat de couilles, j'ai beaucoup aimé celui-là. Oui, l'achat de couilles, c'est on proposait en fait. Enfin, c'est un mec qui a aux États-Unis qui avait décidé de vendre une couille. Combien 26 000 euros. 26 000 euros, exactement. Et donc, du coup, ben, on s'est posé la question de savoir si c'était pas bien d'appeler des gens pour leur proposer d'acheter leurs couilles. Ouais. Voilà. Toff faisait trader. Oui, je faisais voilà. Trader en couilles. Voilà. Donc, on y va, on appelle, c'est parti. On a toujours Stéphanie, il y a Bruno qui voulait parler de régime également. Allô? Oui, bonsoir monsieur.

Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Venez foutre le bordel le dimanche soir. Tu me dégoûtes. No limit. Fun Radio. Nickel, no limit. On Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Retour avec Mathieu, ça parle toujours. On est toujours là, ouais. Eh ben, ça avec parle toujours. Bah, continuez à discuter, hein, vous inquiétez là, pas. On parle de YouTube, là. Ah bah, YouTube, bah, très bien. Bah, vas-y, continuez à discuter. On est en train de tenter de, enfin, surtout vous, de battre le record du Sud-Africain qui a fait 50 heures au téléphone avec un pote à lui, non-stop. Voilà, donc, l'angoisse totale. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. On voit comment ça se passe jusqu'à minuit. On fera encore un tour du côté du Top Twittos avec le hashtag Mickaël pour voir un peu comment ça se passe dans quelques instants. Là, continuez. Hashtag M-I-K-L. N'hésitez pas. Retour avec Christophe qui a un problème de meuf, hein. Il sortait avec une meuf, il s'est tapé sa copine, enfin la copine de la meuf, et du coup elle en cloque. Donc forcément ça fout la merde. Et puis restez bien sûr Fun Radio, 22h11. On va faire la suite du canular avec Jacques et Michel dans quelques instants. Le temps de s'écouter le son d'Avicii, DJ Fun Radio. C'est Hey Brother maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est dimanche soir en direct. Hey Brother. Avicii sur Fun avec Hey Brother, la suite du canular avec plein de messages qui sont arrivés aussi, tiens, à l'instant. Megumi qui dit bonsoir toute l'équipe, la sublime Sandro, le pervers de Toff, le pervers numéro 2 Polo, comme ça je les mélange pas, et mon chou Mickaël. Merci Megumi. Colline qui dit je viens de voir la photo de Toff sur Facebook, et eh ben ça l'arrange bien. Oui Colline, c'est vrai. Allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel, la nouvelle coupe de Toff, un vrai drame. Cali Cruz qui dit c'est quoi cette orgie des gémissements des animaux, une mille en latex, lol. Oui c'est ça, c'était un peu ça. Et Swagman qui dit j'adore ta coupe. Ah bah, merci super. Swagman. Donc, et enfin, Viva Madrid qui dit à trop de puissance les canulars. Il y a le prince Téné qui dit vraiment trop bon le canular. Mais j'ai toujours un petit espoir que le canular SM sera rediffusé bientôt car je l'adore. Et Olivia qui dit Alexandre Roberto, je m'en remets pas, mort de rire. J'adore, on dirait Christina de Nouvelle Loupe pour une nouvelle vie. Bon, bah très bien. Bon, on met la suite du canular maintenant. Il y a le double fun qui va pas tarder à être diffusé. On fera un point du côté du Top Twittos dans quelques minutes. On verra quel est l'auditeur de la soirée, le meilleur auditeur de la soirée. Donc, si vous mettez un maximum de messages avec le hashtag M-I-K-L. Voilà, c'est aussi simple que ça. On fait un point dans quelques minutes. Et puis la suite du canular avec Jacques et Michel, c'est maintenant sur Fun Radio. Ouais, bah merci beaucoup. Ah, non, rien, c'est toujours avec plaisir. Eh putain, il est difficile à croire, persuadé, hein, ton pote. Hein. Oh là là. En fait, le problème, c'est... Ouais, mais il était avec... Le problème, c'est qu'il était avec toutes ses, tous ses potes. Ouais. Donc il pouvait pas faire style, j'y crois à 100%. Non, mais parce que, tu vois. En plus, si t'avais les potes derrière qui étaient en train de lui dire. Rêve. Ouais, c'est ton rêve, vas-y, nique pas ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, il est con, hein, putain, c'est une opportunité en or. Bah oui. Tous les jours, il nous en parle. Mais ouais, mais ouais. Attends, on va demander à Sandro, ça va être la secrétaire, mon assistante, qui va rappeler pour avoir l'adresse exacte. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'adresse exacte. Attends, je l'assistante de qui, hein? L'assistante de Michel. C'est, l'assistante de Michel. Moi, je suis l'assistante de Roberto, donc t'es l'assistante de l'assistant. L'assistante de l'assistant de voilà. Michel. Non. L'assistante de l'assistant de Roberto. Donc t'es mon assistante, mais moi, je suis son assistant à lui. Ouais, je suis une assistante, quoi. Non, mais t'es l'assistante de l'assistant. Je suis l'assistante de l'assistant. Voilà. De Michel. Non, de Roberto. Ah, de Roberto, pardon. Moi, je suis l'assistante de Roberto. Ah, c'est toi l'assistante de Roberto, voilà. Toi, t'es mon assistante. D'accord, okay, donc, t'es l'assistante de l'assistante de Roberto. Hein. D'accord. De quelle production c'est? C'est Michel C'est Jackie et Michel. Jacqueline. Oui, c'est Jackie et Michel. Les productions du Fion. Les productions du Fion. Voilà. Bon, on le rappelle, Jonathan, reste dans le coin. Hein, c'est l'assistante qui appelle, là, d'accord? Je suis là. Bon, parfait. Bah, bouge pas alors. C'est parti, on y va, on l'appelle. Bonjour. Veuillez ne pas quitter. Allô? Oui, Rémi? Attendez. Oui? Allô? Oui. Oui, Rémi? Oui. Oui, bonjour, je suis l'assistante de l'assistant de Roberto. Ouais. D'accord, vous êtes prêt à faire quoi pour le film? Vous êtes acteur dans le film, c'est ça, on m'a dit? Oui, c'est parce que j'ai besoin de remplir la fiche. Vous êtes prêt à faire quoi? Tout. C'est-à-dire? Il faut que je note, en fait. Ce sera avec une fille ou avec un homme? Avec une fille. Avec une fille. Vous êtes pour les animaux ou pas? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire avec une fille? Anal, vaginal. Anal? Ouais. Non, oui. Oui. Ensuite, vaginal? Ouais, voilà. Une préférence? Pardon? Une préférence? Non. Pas grave. L'amour à plusieurs? Plusieurs filles, oui.

C'est vrai. Bah non. Bah tu resteras victime jusqu'à la fin. Bon, arrangez-vous avec Sandro, hein. On va continuer à faire la guerre pour voir lequel d'entre vous, lequel des deux peut choper l'écran plat là. C'est bon. Bon, allez, bonne soirée tous les deux, hein. Et je voudrais juste une petite dédicace. Bah, vas-y, vas-y. T'es une grosse salope. À tout le Gazélec de Nice. Et même sur les Ajaccio, bah, c'est pas grave, mais Gazélec de Nice et la Brigade Sud. Très bien, eh ben, le message est passé. Bah, salut à vous deux, à bientôt. Merci. Salut, beaucoup. C'est ça. Merci les gars, ciao. Bon, et si vous voulez vous aussi faire un canular, n'hésitez pas, on remet le couvert jeudi soir entre 23h et 2h. Bah, vous appelez Sandro maintenant, il y a des cadeaux évidemment à la clé, hein, ça tombe sous le sens si vous êtes drôle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On a le temps de faire un petit point sur le Twittos? Non, on n'a pas le temps. Parce que ah, bah le top Twittos. Bon, il y a Kinkin qui dit aussi, il est à fond aussi, le gars, il y croyait même pas. Il y a Mec Crazy LOL qui dit orgie à l'affaire, mort de rire Michel et tout ça. Annelise qui dit ouais, j'avoue, ça lui va bien. Et Megumi qui dit j'aime la coupe de Toff, faut juste entretenir la barbe et ça te va bien. Le petit book, je trouve. Bon, bah, allez voir. Merci, merci. Allez voir la tête de Toff. Il y a Fanny qui dit coucou, Mickaël. Ça va, je voulais dire que je t'adore. Merci, Fanny. Gros bisous à toi et Stéphanie. Il n'y a pas de drame. Mon Toffinou est toujours trop chou. Oh, eh ben, merci, Stéphanie. Tu as toujours de la merde dans les yeux. Ouais, mais non, moi aussi, je t'aime, Stéphanie. Retour avec Christophe dans quelques minutes qui a un problème avec sa meuf. Il y a Bruno qui voulait donner son avis aussi par rapport au régime. Et puis la colle de Pierre également. On va donner la réponse dans quelques minutes. Pierre, répète un coup la colle, s'il te plaît, vas-y. Alors, nous sommes 12 dans la famille. Je suis le deuxième, mais le plus petit. Qui suis-je ? Très bien. Nous sommes 12 dans la famille. Je suis le deuxième, mais le plus petit. Si vous avez la bonne réponse, eh bien, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous repartirez peut-être avec votre Nintendo 3DS XL. Voilà, tout simplement. Et dans quelques minutes, on donne la réponse. Si vous avez la bonne réponse, Pierre perd et vous gagnez. Si vous n'avez pas la bonne réponse ou quand on vous appelle bah, et ça ne décroche pas, c'est Pierre qui gagne. Nous sommes 12 dans la famille. Je suis le deuxième et le plus petit. Qui suis-je ? Je rappelle que nous sommes au mois de... Novembre. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne chance également. 22h26. Et si on s'écoutait le son de Crewella maintenant, ça me paraît un bon plan ça. Crewella. Et je vous rappelle que si derrière vous entendez le son de Basto, vous appelez Sandro et Dexter le stagiaire au 3228 tout simplement pour choper vos places. Pour aller direction le Starfloor, ce sera le 23 novembre. Et pour la Belgique, vous envoyez Fun, F-U-N, forcément, au 6322. Mais ça, c'est uniquement si vous entendez Basto derrière le son de Crewella. Hein, avec Live for the Night. C'est jamais sur un malentendu. Ça pourrait arriver. Bon, je vous le mets, le son de Basto ou pas ? Mais oui. Allez, hop, c'est parti. Double Fun maintenant sur Fun Radio. Si vous voulez choper vos places pour Starfloor, vous appelez maintenant 3228 pour choper vos places le 23 novembre pour le Starfloor. L'événement Fun Radio du mois de novembre et de l'année d'ailleurs. Attention, et pour la Belgique, bah, vous envoyez FUN au 6322. Il y a eu Crewella et maintenant c'est le son de Basto, le Double Fun, Dance With Me. On vous appelle dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. À tout de suite et bonne chance. Why don't you dance with me? Heaven only knows. l'instant, comme promis, double fun de Crayola et Basto. Si vous entendez les deux sons enchaînés comme ça vient de se passer là, il faut appeler le 3228 pour choper vos places pour le Starfloor le 23 novembre. À vous de jouer maintenant. Et pour la Belgique, vous envoyez FUN au 6322. C'est pour aussi choper vos places pour le Starfloor. Il y a Rodrigue qui dit beau gosse le tof avec la nouvelle coupe. Bah dis donc, vous avez de la merde dans les yeux, hein. Facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Grégory qui dit tof est carrément plus beau que Mickaël. On salue la Ligue Braille également qui nous écoute ce soir, bien entendu. C'est avec, impossible de dire des bêtises pareilles, des imbécilités, des conneries comme et ça. Et alors il y a Yann qui dit on dirait Mickaël, nouvelle coupe de tof. Lol, bah attends, tu sais quoi mec, j'ai qu'un seul truc à te dire. Tu fermes ta gueule. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et Ryan qui dit il a vraiment une tête de martien, tof. Et Julien aussi qui dit si c'est le drame, la coupe de tof. Et Sébastien, je veux la même coupe que tof pour mon anniversaire. Bise à toute l'équipe. Et Sephora, tof est un ami, on ne dira donc rien sur sa coiffure. Un ami est un ami, mort de rire. Oui, bah voilà, au moins tout est dit. Merci, hein, merci. Voilà. Et Thomas, super la coupe de la coupe. C'est qui le coiffeur? Un mec chez qui faut pas aller visiblement. Hein, hein ouais. Non, franchement, il voilà. y a que toi qui aime pas. Moi, je vois les messages. Non, je déteste moi. Arrête, c'est arrête, une horreur. Il y en a plein, mais ils veulent des places pour Starfloor. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils aiment bien. Arrête ton cinéma. Et Stéphanie qui dit mon record au téléphone, c'est 6 heures avec Clem. Bon, alors justement. Je crois que c'est perdu. Hein. C'est trop bizarre. Non, c'est moi. Ah. Voilà, ça continue à discuter. Ils sont là, ils discutent, tout va bien, voilà, c'est la bonne vie. Tout se passe bien, voilà. Donc je rappelle que depuis début de l'émission, ils sont en train de discuter. Ils doivent tenir jusqu'à minuit pour gagner leur cadeau et tenter de battre l'Africain du Sud qui a fait 50 heures au téléphone non-stop en discussion. C'est pas mal. C'est pas mal. On fera pas les 50, mais 4, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, allez, gagnons du double fun maintenant. Vous partez vous éclater à Starfloor. Starfloor. Avec toutes les super Starfun Radio en live. C'est le double fun sur Fun Radio. Ouais, c'était le double fun et on appelle maintenant le gagnant, la gagnante. Allez, c'est parti, on appelle en direct en espérant pour lui qu'il ou elle décroche, hein, ce serait pas mal. Allez, c'est parti, on aura le gagnant de la colle dans quelques minutes également. Allez. Allô ? Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Audrey. Salut Audrey. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle pour tes deux places pour le 23 novembre. Tu fais un truc là, le 23 novembre, le soir ? Non, je suis disponible. Eh ben, tu vas pouvoir me voir, moi et Karima. Ouais. Oh ouais, merci. Franchement, c'est génial. Bon, après, il y a quelques stars autour, hein, mais bon, tu viens évidemment uniquement pour me voir, moi et Karima, bien sûr, au Starfloor. Bah, surtout oui, toi. Bien sûr. D'ailleurs, on va chanter sur scène avec Karima. Non. Si, on va faire un duo. Ça va être génial. Non, je plaisante. Hein. Enfin, quoi que, on sait jamais. Je lui ai pas encore demandé. Il faut mettre la gueule de Dove sur scène aussi. Ah oui. Pour que les gens vrai. Puissent rire un peu. Oui, c'est vrai. Se détendre. Voir. Bon, ben Audrey, on va te file tes deux places. Tu viens avec qui? Je sais pas, je vais voir, peut-être avec ma mère. D'accord, tu vas prendre une meuf un peu plus jeune. Ouais. Quel âge a ta mère? Plus jolie. Bah... Je sais pas, je vais voir ça. Ah, tu ne sais pas quel âge elle a ta mère? Elle est célibataire, maman. Non, mais d'accord, ok, alors très bien. Bon, Audrey, en tout cas, il n'y a pas de malaise. Tu viens avec qui tu veux, le 23 novembre, Starfloor, ce sera entre autres avec toi, justement. Salut, Audrey. Salut. Allez, gros bisous à toi. Et puis, restez bien à l'écoute de Fun encore pour vous aussi choper vos places pour le Starfloor, le 23 novembre. Eh, c'est dans 15 jours, hein, l'air de rien. Non, moins de 15 jours, même. Non. Gros dossier dans 13 jours, pour être précis. Il y a Robs qui dit également, là, quelle coupe de brosse à chien. C'est ça! Ça fait 3 heures que je gère, c'est ça! La brosse à chiottes! J'ai pas terminé. Donc Robs, il dit quelle coupe de brosse à chiottes! Putain, c'est grave! Pour cette horreur, il mérite un coup de pelle! Mais comment ça? Hop là, voilà! Il y a Kams qui dit belle coiffure, Tof, tu vas enfin pouvoir pécho avec ta coupe de beau gosse, tu parles. Merci Kams. Et alors Stéphanie, mon record. Ah oui, ça je l'avais déjà lu. Annelise qui dit tu gères trop. Grosse lèche à tout le monde du sud de la Belgique. On embrasse tout le monde. Merci Annelise pour le message. Et Enzo qui dit t'es le meilleur animateur que j'entends. Bravo. Bah merci Enzo, c'est gentil, ça fait plaisir. Bon allez, continuez avec vos messages. Le hashtag est Mickaël. Est-ce qu'il est prêt le top Twittos, la Tof, le cinéma avec ta coupe de oui, cheveux pourri là. Allez, la brosse à chiottes. Alors. Vous êtes un imbécile. Bon alors, numéro 5. Pour l'instant, il est 22h35. Le numéro. Les 5 premiers du top Twitter, ça peut évidemment changer avant minuit pour savoir quel sera l'auditeur le plus actif sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël dans tous vos messages. On écoute le numéro 5. La brosse à chiottes. Storm Dreamer. Storm Dreamer, numéro 4. Let's Be Freaks. Ouh, qui a perdu des plumes apparemment, donc hein. Ouais, mais elle peut remonter. Elle peut, mais enfin, elle est quatrième. Numéro 3. Max du 11 RNY. RNY, très bien. Fan de Dario de Radio New York, j'imagine. Numéro 2. Quinquin du 08. Très bien. C'est Kinkin, c'est Julien. Ouais, je bon, sais. Et numéro 1. Le prince Nadia. Le prince Nadia numéro 1, très bien. Ouais. Bah voilà, vous avez encore la possibilité. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, ils ont encore la possibilité d'attaquer ou c'est mort? Non, ouais, si, il y a grave moyen de revenir. Hein. Bon, bah très bien. Mais bon, allez-y. Même jusqu'au 6ème, il y a moyen de revenir. D'accord. Bon, bah allez-y. Hashtag MIKL. Vous balancez tous vos messages maintenant sur le Twitter. Et puis, bah avant minuit, on élira l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes évidemment les bienvenus. Christophe qui est de retour avec nous là. Christophe de oui. Metz, toujours là Chris? Oui. Bon, très bien. Alors Chris, toi tu nous avais appelé parce que t'avais une copine, tu t'es tapé sa meilleure amie, aujourd'hui elle est en cloque. Voilà. Voilà. Et tu connais pas les capotes, ça c'est non. Bah si, non. Mais en fait c'est pas ça, en fait j'étais torché quoi, j'étais bourré, elle aussi. C'est marrant parce qu'on l'a déjà faite celle-là. Ah, ouais, on l'a déjà faite la semaine dernière, figure-toi, ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'étais torché vraiment. D'accord, bon, t'étais torché et la copine était torchée ou elle avait vraiment envie de toi la mille? Bah je pense qu'elle avait envie de moi aussi. D'accord, bon, et donc du coup aujourd'hui comment ça s'est passé? Enfin, ta copine est au courant ou pas, non? Je pense, mais je suis pas sûr. Mais comment? Attends, parce que si. Non, parce que si ta copine est au courant, normalement t'es censé le savoir. Hein. C'est-à-dire qu'en théorie, elle te met juste ta tête à l'envers. Hein. Je pense pas parce qu'ils se connaissent pas. Et alors? Donc voilà. Non mais d'accord, mais c'est pas parce qu'elles se connaissent pas qu'elle te met pas ta tête à l'envers. Ouais, peut-être. Bah oui, attends, c'est juste évident. C'est-à-dire si ta meuf elle est au courant. Enfin, je prends l'exemple, si ma meuf sait que je la trompe, même si elle connaît pas la meuf avec qui je la trompe, je peux te dire qu'elle me retourne la tête, hein. Elle dit pas, ouais, ah ben je la connais pas, alors je dis rien. Ah bon? Parce que putain, ce serait open bar avec tous les mecs alors. Hein. Ouais, ah mais, bah oui. Mais si je trompe ma copine avec une meuf qu'elle connaît pas, c'est pas grave. Eh ben c'est pas trompé. Alors c'est pas grave. Non mais t'es sérieux? Bah. Christophe. C'est pas comme ça que ça marche? Non, c'est pas comme ça que ça marche, non. Ah merde, pardon. Bon, et donc tu veux lui avouer? Tu veux faire quoi? Parce que déjà, il y a aussi le problème avec l'autre qui a un gosse là. Enfin, qui va avoir un gosse en l'occurrence à cause de toi. Quel âge est-là? Elle a 16 ans. Oh là là! Mais oh vous êtes pas sérieux les mecs! Et elle connaît pas non plus la pilule, ça existe pas ça? Ouais, je pense pas, hein. Ah non, bah non, oui. Bah non, bah attends, attends, comment ça on... La pique quoi? Ah, c'est comme ça que ça marche des gosses! Ah, moi je croyais que c'était un gros oiseau qui arrivait. Ça faisait maigrir. Hein, qui vous ramenait un petit panier avec des moutards. Non mais sérieusement les mecs, vous êtes quand même graves, hein. Tu mets pas de capote parce que t'es bourré, l'autre elle prend pas de contraception. Et vous niquez. Hop là. Hop là. Allez, hop, c'est parti, open bar. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui là? Toi t'as pas envie de garder le gosse, j'imagine, du haut de tes 17 ans. Bah non, j'ai pas envie. Bah ouais, et elle, t'en as déjà parlé avec elle? Bah elle m'a dit ouais et tout, qu'elle voulait le garder, donc voilà, je sais pas quoi faire quoi. Ah bah t'es dans la merde. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein, t'es dans la merde. Hein. Bon, et vous avez copulé quand? Ça va faire 2 mois. Ça fait 2 mois, d'accord, ok. Avez-vous remarqué l'utilisation du terme copulé? Oui, très belle. C'est beau, moi j'aime beaucoup. Quadruple. Ouais. Ouais, enfin, en même temps, ils ont pas eu l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir, donc copulé c'est pas mal. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Donc c'était il y a 2 mois, et ouais, bah écoute, si après elle veut le garder, elle veut le garder. Hein. Elle l'a déjà dit à ses parents, elle? Non, je pense pas. D'accord, ok. Bon, écoute, on va en parler dans quelques minutes. Restez avec nous. Est-ce que vous êtes déjà passé par là, les garçons, les filles là? Venez donner des conseils à Christophe maintenant. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Qu'est-ce que devrait faire Christophe? Mec, t'es dans la merde. Hein. À partir de là, si elle veut le garder, elle veut le garder. Hein. De toute façon, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Ah ouais, ça, tu peux pas la forcer. Hein. Bon, il y a Bruno également qui est avec nous là. Salut Bruno de Grenoble. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Bruno? Bah ça va très bien, et vous l'équipe? Eh ben écoute, l'équipe va plutôt pas mal, hein. On est bien, ouais, on est tranquille Bruno. Tof. Bah oui, à part Tof avec sa nouvelle coupe de brosse à chiottes et Christophe qui est là, qui va bientôt être papa, malgré qu'il n'ait pas vraiment envie. Sinon, tout va bien, exactement. Bon Bruno, toi tu nous appelais pour le régime, on en parlait tout à l'heure, toi, en début d'émission. Oui, tout à fait, moi j'ai l'étude. Tout à fait. C'est pour Sandro, donc moi j'ai perdu 32 kilos en 2 mois. Non, 32 kilos en 2 mois? Mais t'as fait quoi? Oui, t'as fait quoi? En fait, je suis parti à la base 1 mois dans un centre d'amaigrissement. Ouais. Pour perdre du poids parce que j'étais à un stade où j'étais vraiment en obésité morbide. Ah putain, c'est le mot que je déteste, obésité morbide. Donc ouais, c'est ce moi je ne voulais pas entendre, c'est les deux mots, c'est obésité et morbide. Donc je suis parti dans ce centre de moi-même et j'ai perdu quasiment 15 kilos en 1 mois. D'accord. J'ai eu un régime pas drastique mais un régime sportif, ouais. Comme on l'appelle. Ouais, ouais. Et les conseils qu'elle m'avait donné la nutritionniste, je les ai appliqués après le centre d'amaigrissement. J'ai perdu 32 kilos en 2 mois et là, en tout et pour tout, à l'heure actuelle, j'ai perdu 54 kilos. Oh putain. Ah oui, quand même. Félicitations. Ouais. Hein. Putain, pas mal. Hein. Ouais. Et du coup, t'es à combien là? Là, je suis arrivé à 107 kilos. Ah oui, donc t'étais à 150 et les brouettes. Ah, j'étais arrivé au-delà. J'ai repris un petit peu parce que j'ai eu un accident de circulation. Ouais. J'avais repris un petit peu, mais dans ma tête, je me suis remis dans le trip de dire voilà, faut dans le droit chemin. Waouh, putain, bah ouais, chemin, mais ouais. Là c'est waouh, scandaleux. Ouais, hein, t'as ouais. 160 kilos, t'arrives à 107 là, c'est bien. Hein, bah, bravo, j'espère que ça va continuer. J'ai des conseils pour Sandro par rapport à son régime, si elle veut perdre du poids. Non, mais attends, mais en même temps, elle a 3-4 kilos à perdre, hein, elle n'est pas à 50. Oui, hein. C'est pas violent. Oui, non, mais c'est des petits... En fait, c'est... C'est les derniers les plus chiants. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas forcément la perte de poids. C'est juste, ça s'appelle un rééquilibrage alimentaire. Ouais, mais il n'y a pas que l'alimentaire qu'il faut rééquilibrer chez elle, il y a tout. Hein. Non, le cerveau, tout le bordel, il faut tout rééquilibrer. Ouais, là-haut, on est plusieurs. Hein. Ah ouais, il faut tout rééquilibrer, là, ça c'est évident. Moi je partais pareil dans cet esprit de dire ouais que ça va pas tenir. Les deux premiers jours c'était hyper difficile pour moi. Ouais. Parce que je n'avais pas cette habitude. C'est pas que je mangeais énormément dans la journée avant de rentrer dans son amaigrissement. C'est que je mangeais beaucoup pendant le repas. Ah oui, en grosse quantité, mais j'ai le même problème. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était en grosse quantité. Ouais. D'accord. Donc on a fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai deux petits conseils pour Sandro, pour ces trois derniers kilos en termes de nutrition et surtout en termes de sport. Bon, très bien, je vais te la repasser Bruno, tu lui expliques tout ça et puis on verra si ça porte ses fruits. Hein. En tout cas, merci beaucoup et puis bon courage à toi pour la suite. Ah ouais. Hein. Surtout bon courage à vous et je vous écoute parce que malgré que je travaille, je vous écoute toute la nuit, même en podcast. Super gentil Bruno, merci beaucoup en tout cas, passe une bonne soirée, merci beaucoup. On va revenir dans quelques minutes avec encore quelques appels avec Toff. Mais ça me fera plaisir. J'espère bien, j'imagine. Et puis on va s'écouter aussi dans quelques minutes le son de Fédé Legrand. Eh ouais, Fédé Legrand, la reprise de Prodigy, ce sera No Good sur Fun Radio. Et toujours l'iPhone 5S et 5C, enfin ou plutôt, hein, faut choisir l'un ou l'autre, à gagner en allant faire un like sur le Facebook de l'émission. Venez nous rejoindre facebook.com/mikaelofficiel. Vous faites un like ou un partage sur la photo où je suis avec les deux iPhones. Et puis si vous êtes tiré au sort, uniquement parmi ceux qui sont sur Facebook, eh bien vous repartirez avec l'iPhone 5S ou l'iPhone 5C au choix. Voilà, vous allez pouvoir choisir en direct à la radio dans une bonne heure maintenant. Je vous souhaite bonne chance. Un truc à dire. Mikaël, appelez Mikaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Nos limites. 20h minuit. Fun. C'est Mikaël, nos limites. Mikaël. On Fun Radio. Sur Fun Radio, en direct, 22h48. N'oubliez pas de m'ajouter également, hein, si vous voulez nous suivre sur le Twitter de l'émission. Eh bien, vous ajoutez @mikaël_officiel. C'est le petit tiret en bas, vous voyez, hein, le underscore. Donc, @mikaël_officiel, vous m'ajoutez sur le Twitter. Et puis, évidemment, je vous suivrai à mon tour. Donc, on se suivra mutuellement. Vous serez au courant de toutes les infos qui se passent un peu à gauche, à droite, dans l'émission, sans problème, H24. Il y a Kidzi qui dit, je tiens mon défi. Hein, j'ai toujours pas fait caca, j'attends minuit la fin de l'émission. Le défi en voie là, bravo pour le défi, super. Bon allez-y, continuez à balancer tous vos messages en masse avec le hashtag Mikaël sur le Twitter de l'émission. Continuez, n'hésitez pas. Et puis venez nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mikaël officiel, pour repartir avec l'iPhone 5S ou 5C. On donnera également la réponse à la colle de pierre. On est en retard comme d'habitude. Dans 5 minutes, le temps d'écouter le son de Fédé Legrand maintenant sur Fun Radio avec No Good. Et venez prendre le contrôle de Fun, hein, 01 42 48 5000. On est ensemble et en direct sur Fun Radio tous les dimanches soirs 20h minuit. Le son de Fédé Legrand sur Fun Radio avec No Good. Il y aura Backer Matt à suivre dans quelques minutes. Il y aura un très très bon vieux son là. Rihanna avec Umbrella. On va être bien avec ça, tiens. Ça va être pas mal du tout ça. Je vous le cale tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Il y a Arnaud qui dit Fun Radio c'est bien, avec Mickaël c'est mieux. Oh merci Arnaud. Mickaël encore qui dit Mickaël vous êtes de vrais amis. Oui écoute, on fait ce qu'on peut Mickaël. En tout cas on est là tous les soirs avec vous et grâce à vous, de 20h à minuit le dimanche, de 23h à 2h du mat du lundi au jeudi. Et je compte sur vous pour que ça se sache, hein. N'hésitez pas à prévenir vos potes également. Je vois d'ailleurs que vous le faites bien vu le nombre de gens qui viennent de plus en plus sur le Facebook de l'émission, presque 250 000. Et on est là depuis 3 mois. Donc merci à vous. en tout cas pour avoir fait passer le message à plein de gens. Et John également qui dit vous êtes les meilleurs, je vous adore, ne changez rien. Et Luna, je vous kiffe, Fun Radio, vive le Portugal, Tof, t'as une tête de martien. Bah voilà. Merci. Le message est passé. Boom Rap Radio qui dit Tof, il a une tête de cul, non pas par ses cheveux, mais par sa tête complète. On t'aime, Tof, t'inquiète pas. Ah, ça va, c'est gentil. Damien, attends, c'est quoi? Une belle coupe de tête de gland. Ah ah ah, Tof. Et Fares Williams qui dit Mickaël, c'est le plus beau. Bah merci, Fares Williams. Et Thibaut, grosse brosse à chiottes pour Tof. Et King King qui dit la brosse à chiottes, c'est Tof, mort de rire. Oui, bah en même temps, il a choisi sa nouvelle tête. Nouvelle coupe de cheveux. Allez voir sur le Facebook également. J'ai mis la tête de Tof, là, hein, de la brosse à chiottes. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Allez-y. Bon, on va récupérer Christophe qui est là. Christophe, t'es là? Oui, je suis là. Non, pas toi, Christophe dans le standard, 17 ans de Metz. Christophe? Oui. Voilà, qui a trompé sa meuf avec une autre meuf. Et du coup, l'autre meuf est enceinte et est dans la merde parce qu'elle veut garder le gosse et pas toi, forcément. Alors, il y a Stéphanie qui est avec nous de Pontoise qui avait un conseil à donner. Salut, Steph. Bonsoir. Bonsoir, Steph. Alors, sois la bienvenue. Passez un bon week-end. Oui. Nickel, merci. Bon, même si, oui, nickel, ouais, mais même s'il n'est pas terminé, hein. Ouais, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup, enfin, pour ne pas dire tout le monde, qui seront en pont demain. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Nous, on a aussi eu un pont, mais coupé. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il a cassé, quoi, tu vois. On l'a pris dans la gueule, nous. Ouais, on l'a pris violemment dans la gueule. Et, en même temps, ça se voit que tu t'es pris un pont dans la gueule. Ça c'est fait. C'est pas mal. C'est pas s'excuser, c'était très drôle. Oui, c'est ça. Et qui ne dit mot consent, Tof n'a rien dit. Il n'a rien dit. Je ne dis rien. Voilà. Il est outré. Exactement. Vous êtes un imbécile. Bah, complètement. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Bon, alors Stéphanie, t'avais un conseil à filer à Christophe? Ouais. Alors, pourquoi ça a l'air d'être un long conseil. Même quand on est bourré. Ah ouais, mais ça c'est un autre débat encore, hein. C'est-à-dire que c'est un débat que j'essaye d'expliquer à tout le monde depuis toujours. Eh ben, ça va pas. Mais quand on est bourré et qu'on ne pense pas à se protéger, je vois pas l'intérêt de le faire, c'est pour après se retrouver avec une meuf en cloque derrière. Surtout que c'est même pas la sienne en plus. Oui, en plus. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il va dire ouais, mais j'étais bourré. C'est genre, c'est une excuse, quoi. Ouais, non, mais j'étais bourré. Non, mais enfin, mais le fait d'être bourré, jeune. Il y a 17 ans. Ouais, bah ça m'étonne pas, quoi. Bah oui, mais bon, enfin voilà. Vous êtes inconscient, quoi. Franchement, on va tellement parler de maladie que. Bah ouais, après, on n'est pas là pour faire la morale non plus, même s'ils sont complètement cons. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a le moutard, Christophe. Et si ta meuf, elle veut pas. Enfin, si ta maîtresse. Enfin, ton plan d'un soir, enfin, tu l'appelles comme tu veux. Enfin, elle, quoi. Voilà, elle ne veut pas avorter et veut garder le petit, enfin, ou la petite, enfin, je sais pas, en tout cas, le bébé. Et elle, elle a quel âge? Elle a 16, donc en pire. Oh, putain. Elle va gâcher sa vie. Bah, pas forcément. Mais non, mais pas forcément. Après, il y a des gens qui sont des gosses très tôt et qui gâchent pas leur life. Mais non, mais avoir un gamin à 16 ans, elle est encore gamine elle-même. Mais oui, non, mais d'accord, mais ça dépend. Après, il y a des gens qui veulent absolument et pour eux leur vie c'est ça. Et puis il y en a, ils ont des enfants à 16 ans, ils sont très heureux, ils seront heureux. Mais la fille, elle travaille pas. Non, mais attends, mais il y en a qui ont des enfants à 16 ans et c'est une catastrophe. Il y en a qui ont des enfants à 30 ans, c'est une catastrophe. Il y en a qui sont heureux. Enfin, on peut pas, tu vois, je peux pas dire elle va gâcher sa vie, c'est pas automatique. Mais je suis désolée, elle travaille pas. Qui sait qui va subvenir aux besoins du gosse? Mais tu sais pas, tu la connais pas. Ça se trouve, les parents sont aisés, ils ont les moyens de donner de l'oseille jusqu'à ce qu'elle travaille. On sait pas, on est pas en train de juger en même temps. Mais Mickaël, que les parents soient aisés ou pas, c'est pas leur connerie, je suis désolée. Non, mais putain, Steph, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire le procès, on est là pour essayer de trouver, de filer un coup de main. On n'est pas là pour dire t'as mal fait, regarde, t'es dans la merde, eh ben attends, on va creuser un peu plus encore. Tu vois, non, mais pour se revenir à ses besoins. À un moment donné, faut réfléchir aussi, quoi. Bah oui, non, mais voilà, c'est juste. De toute façon, le mal est fait, le truc il est plié maintenant. Il y a Pascal qui dit les capotes ça existe, même bourré. Johan qui dit classe Tof, je te soutiens, c'est de chute inopinée. Merci. Il a pas eu une chute, il a été chez le coiffeur. Un mauvais coiffeur, mais il a été. Hein. Et Hugo qui dit je peux avoir mon message de bienvenue. Pas cher. Ouais, et 8 coups de pelle pour la gueule de Tof là pour sa coupe. Changez pas, vous êtes top. Bah oui, tiens, attends, premier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et un coup également, là, c'est moi, ça fait plaisir. C'est gratuit. Ouais, voilà, exactement. Et le petit message de bienvenue pour toi. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, Enzo qui dit Mickaël, t'es le meilleur, merci beaucoup. Et Megumi qui dit Mickaël a un record personnel aussi, celui de rester beau depuis toujours. Jamais personne l'a égalé. Oh, je te remercie, Megumi. Et Jules également, qui dit vous êtes en top tweet. Merci d'ailleurs pour tous vos messages que vous balancez sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël, comme chaque soir d'ailleurs. Bon, Christophe. Ouais. Bon, il y a Stéphanie qui voulait un peu plus t'enterrer, hein, comme t'as pu l'entendre. Voilà, j'ai compris. Non, mais après... Mais après quoi, Steph? Mais après, voilà, si maintenant elle veut pas avorter et que il faut qu'il en parle à sa meuf et la soutenir au maximum et être là pour elle, quoi. Ah oui, mais c'est clair. Attends, il y a Marc aussi qui est avec nous, là, 20 ans de Toulouse. Salut Marc. Salut, vous allez bien? Eh ben, très bien, et toi? La forme, tranquille. Bon. Hein. Eh ben tant mieux, alors sois le bienvenu. Marc, tu voulais donner un conseil aussi, toi, pour terminer à Christophe? Alors, c'est que moi, j'étais un peu dans la même situation que toi, en fait, il y a 3 ans. Ouais. J'avais une copine, je partais en vacances au Cap d'Agde, et ben j'ai déconné, j'ai niqué, je me suis pas protégé, ça m'a coûté un gamin. Et ça t'a coûté un gamin, j'aime bien. D'ailleurs, ça te coûte toujours, hein, puisque tu continues à payer. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, justement, non, je ne paye pas. Ah bon? Non, je ne paye pas, puisque en fait, la maman m'a clairement dit que voulait garder l'enfant et qu'elle ne voulait pas que je le voie, ni rien. Ah oui, d'accord, ok, moi, ça mérite d'être clair. Ah. Voilà, donc au moins c'est comme ça, mais après, honnêtement, c'est quelque chose que moi, c'est que j'aime voir, moi, ce gamin, donc après, je comprends que lui, la situation, c'est pas facile, quoi. Non, bah c'est sûr, c'est pas facile, hein, bah, évident. Mais maintenant, après, il faut assumer, hein, Christophe, hein. Bah oui, je l'assume totalement. Et il va falloir l'avouer à ta copine aussi, hein. Bah ouais, c'est sûr, mais après, plaisir. Ça va falloir dire à ta copine, et ça, c'est pas facile, hein. Ah non, mais il a dit que ça va pas être facile, hein. Mais en même temps, t'as eu facile à aller baiser l'autre, hein, donc tu vas avoir facile à lui avouer, hein. Ouais, je pense. Ah bah ouais, de toute façon, t'as pas le choix, hein, je te le dis. La pauvre, elle va perdre un mec et sa meilleure amie. Exactement, ouais. Ah bah elle va tout prendre d'un coup, là, ça va être la fête. Putain, la pauvre. Ça va être la folie totale. Ah, mais parce que la fille avec qui c'était sa meilleure amie. Ouais. Donc, oh, mais c'est dans la merde, mon pauvre. Complètement, ouais. Mais bon, c'est sa meilleure amie à lui, pas à elle, hein. Oui. Ouais. Bah ouais, mais il est dans la merde quand même, hein. Ah bah oui, non, mais ouais. Oui. Complètement. Bah Christophe, tiens-nous au courant, hein, quand tu l'auras avoué à ta copine pour voir ce qu'elle va dire. D'accord. Enfin, je peux déjà te le dire, elle va te mettre une claque, elle va t'insulter, te traiter de tous les noms, donc ça déjà c'est sûr. Mais ça, juste pour clair. Voir si j'ai bien misé, tu vois, si j'ai bien pressenti le truc. Donc, pour moi, elle te pampe les couilles. Tu m'étonnes, mais c'est ce qu'elle devrait faire d'ailleurs. Les couilles, elle va me les arracher. Eh bah elle a bien raison. Bon bah Christophe, tiens-nous au courant et rappelle-nous au plus vite, d'accord? D'accord. Ça roule. Salut Chris, à bientôt. Merci Marc, merci Stéphanie d'être passé tous les deux là. Oh, je peux pas rester avec vous? Si tu veux Stéphanie, en même temps il y a déjà une deuxième cool. Stéphanie qui est avec nous, hein, qui est donc beaucoup de Stéphanie dans le standard. Ouais, que des Stéphanie. T'es là l'autre Stéphanie? Je suis là. C'est les meilleures les Stéphanie. Très bien. Oui, ouais, t'en parles pas non plus, ne t'en parle pas. Bon, restez là les filles. Marc, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Bah de rien, bonne soirée à vous les amis. Hein. Merci Marc, à bientôt, tu reviens quand tu veux sur Fun. Amusez-vous bien. T'inquiète pas pour ça, on est là jusqu'à minuit, on va bien se marrer. Salut Marc, à bientôt. Et parti déjà, c'est très bien. Et Pierre également, là, pour terminer avec la colle. Allô, Pierre? Oui, je suis là. Oui, très bien. Alors, attention, Pierre, on va y aller maintenant, là, pour appeler le gagnant ou la gagnante éventuelle. Voilà, on va voir. Hein. Ça se trouve, personne n'a la réponse. J'en suis sûr à 100%, moi, qui va répondre, c'est sûr. Non, mais sache que c'est déjà arrivé souvent, hein, que les poseurs de colle gagnent. Non, c'est vrai? Oui, je sais, j'ai un ami qui a participé et qui a gagné. Eh ben voilà, bonjour. Eh ben, tu vois, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah non, c'est une erreur. C'est pour une obtenir erreur. Un numéro de Attends, pas attribué, ça veut dire que c'est une erreur. Si ça avait été le répondeur, c'est toi qui gagnais. Mais là, on va refaire le coup, puisque au standard, ils ont deux mains gauches, puisqu'ils ont mis un numéro qui n'était pas attribué. Donc, on va quand même rappeler au cas. Bah si. Bonjour. Attends, c'est nouveau le truc pas attribué. Attends, on va mettre un autre numéro de téléphone. Ah mais c'est pas grave, c'est bon. Pierre, je t'en supplie, arrête de crier dans ton téléphone parce que ça sature, mec, j'ai une tête comme un seau. Ah bah. Voilà, si tu pouvais sortir le téléphone de ta bouche et le mettre juste de. Je vais essayer. Ah bah voilà. Ça va beaucoup mieux là comme ça là, Pierre. Tu vois quand tu veux. Hein? Oui, je sais. Ah bah ouais, bah voilà, là c'est nickel. Bon, allez, hop, on y va. On appelle maintenant donc à gagnant. Je peux bon. Hop là, on y va. Allez, bonne chance Pierre. On va voir. J'espère pour Merci. Toi que ce sera bon. On verra. Bah oui. Ça sonne. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Très bien. Si ça sonne chez vous, décrochez. Ne quittez pas. Il va décrocher dans quelques secondes. Surtout si vous avez joué pour la colle. Allez. Eh ben, Pierre, ça sent le répondeur. Allô? Bon, c'est David, là, je ne suis pas là. Merci. Il est pour l'eau. Ah bah une fois votre message enregistré, on va lui laisser un message. Ou taper dièse pour le modifier. Eh oui. Salut Pierre, c'est Mickaël. C'est ça un Pierre hein, qui s'appelait hein. Oui Pierre. Oui. Ouais, salut Pierre. Ah, c'est Mickaël. Pierre est pour l'eau. T'es en direct sur Fun Radio, on t'appelait pour la colle. Voilà, on va quand même te poser la question parce que c'est la règle. Hein. On sait jamais que ton répondeur ait la réponse. Alors Pierre, est-ce que tu peux poser la colle à l'autre Pierre qui est dans le standard? Alors, j'y vais. Alors, nous sommes 12 dans la famille. Je suis le deuxième, mais le plus petit. Qui suis-je? Alors, est-ce que le répondeur a une réponse? On attend. Malheureusement, le répondeur n'a pas de réponse. Eh ben, bravo, Pierre. Eh ben voilà, c'est gagné mec. Pierre, la Nintendo 3DS XL, elle est pour toi Pierre, félicitations. Et donc la réponse était février hein. Attends, t'entends mal, Pierre? Pierre? Eh ben il est plus là, c'est parti. Bon, tout le monde a perdu. Je recommence. Eh ben voilà, pas de gagnant. Non, attends, Stéphanie, t'es là? Oui, laquelle? Ah très bien, non bah une des deux c'était pour voir si ça marchait encore ou pas. Bon ouais, on a plus Pierre, c'est pas grave. Bon bah Pierre, celui du répondeur, bah c'est perdu, t'avais qu'à t'en chercher. Est-ce qu'on m'entend? Ah bah voilà, ouais là on t'entend donc. Non mais c'est mon portable, c'est de la merde. Ah bah oui mais c'est pas important que t'as gagné, dommage. Bon bah tu repars avec la Nintendo 3DS XL, bravo Pierre, tu restes au standard. Vous êtes trop génial les gars. Eh ben, tu seras avec Génio la prochaine fois Pierre. Ah tu croyais pas. Eh ben voilà, tu vois, bah on a bien vu que tu croyais pas. Merci Mickaël, c'est ton équipe d'être génial. C'est gentil Pierre, bah merci beaucoup, je te renvoie chez Sandro au standard. Et puis comme quoi, le poseur de colle peut également gagner. Donc si vous voulez d'ailleurs poser une colle, hein, n'hésitez pas à vous inscrire chez Sandro, sandro@funradio.fr. Et ben on jouera demain, encore une fois, dès 23h, avec encore des Nintendo 3DS à gagner toute la semaine sur Fun Radio. Fais un tour du côté du défi, là. Ouais. Ben ça parle plus, hein. Tu me fumes malade. Mathieu là. Mathieu, vous essayez de m'enfumer là. Là on est sorti fumé là. Et comme par hasard, vous parliez plus là. Mais non, mais non, on a mal au crâne parce que depuis tout à l'heure on vous entend et on gueule pour s'entendre nous. Ouais. Ah bah oui, mais ça après moi j'ai pas. Ah oui, mais ça c'est le jeu, c'est le jeu les gars. C'est le jeu, non mais ce que je veux dire, est-ce que c'est dans le jeu? Est-ce que c'est dans le jeu que nous on vous entend? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah voilà, mais y a pas de problème. Ah bah oui. Ah bah voilà, on a entendu l'autre là qui est d'accord pour faire truc avec sa maman. Non, non, le mec, moi, celui qui m'a choqué, c'est le mec qui a trompé sa meuf quoi. Ah oui, non mais lui, bah oui mais ça c'est Christophe, hein, qu'est-ce que je te dise. Bah, enfin bon. Bon bah, les dieux là, continuez à discuter entre vous là, je vous reprends à tout moment. Alors attention, faut vraiment parler, même si on parle aussi, hein, d'accord? Ouais. Bon bah très bien, bah tout de suite alors. Bon, Aurélien avec nous également là de Blois dans le Loir-et-Cher. Salut Aurélien. Salut. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et vous? Bah très bien, on parle de quoi avec toi dans quelques minutes? Bah moi en fait j'ai un problème d'érection dès que je suis avec ma copine et dès que je suis avec une autre hors de ma copine, et bah j'arrive à bander et je comprends pas pourquoi. T'arrives pas à bander avec ta copine mais avec les autres oui. Oui voilà c'est ça. Parfait, bon on va en parler dans quelques minutes. Aurélien, bah reste avec nous. Si vous avez déjà eu le même problème les mecs, si vous avez eu des problèmes pour faire monter l'appareil, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et les filles aussi d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mecs que vous arriviez pas à faire bander? Ça doit être très frustrant ça pour une fille. Ah je sais pas, je suis pas. Elle doit se dire putain j'y arrive pas ou je sais pas, ça vous est déjà arrivé les filles ou pas? Moi j'ai pas eu ce problème, j'ai eu un autre problème. C'est quoi? D'un mec qui avait une bite tellement petite que qu'à bout de 10 minutes, je lui ai dit tu comptes rentrer un jour et il m'a dit mais ça fait 10 minutes que je suis dedans. Ah c'est bon ça. Bon bah, attends, mais reste avec nous, on va en parler. Et l'autre Stéphanie, ça t'est déjà arrivé ou pas? Attends, merde. Ouais. Oui, tu me disais l'autre Stéphanie? Non, mais je prendrais très très mal, je pense. Ah ouais, j'imagine, ouais. Bon bah allez-y les filles, appelez-nous 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Et puis on va accueillir aussi les auditeurs qui sont passés ce soir là. Comment ça va les gars? On a que des couilles qui sont venus. Bah, on est déçus, on est très déçus. Hein. Oh là là. Ah oui, très très très. Bon, très présentez-vous, déçu. On va commencer par la gauche là. Ton prénom c'est comment toi à gauche? Damien. Damien, en face. Nicolas. Nicolas et. Moi c'est Gaëtan. Gaëtan, très bien. Bon, et c'est Nicolas qui a ramené de la bouffe apparemment, local. Ouais, alors, d'Angers. C'est ça. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger d'Angers? Alors spécialité d'abord de. Attends, dans le micro. Pardon. Spécialité de chez Damien, des macarons de cormerie. Des macarons de cormerie, c'est quoi? Vas-y, fais péter. Ah vas-y, on va goûter, fais tourner. J'aime bien les macarons, mais de cormerie, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais bon, on verra. Bah, c'est hein. Pas mal, il y a des petits moines sur la boîte et tout, ça a l'air sympa. Ah, sympa. Et l'autre, c'est quoi? Et puis des canons d'ardoise, spécialité de l'Anjou, et Toff a déjà tapé dedans d'ailleurs. Non, c'est mais t'es sérieux, bon. Espèce d'enculé. C'est super bon. C'est bah, hyper oui. Bourratif, mais c'est super ah, bon. Oui, c'est et hyper d'ailleurs, bourratif, ouais. RIP au régime de Sandro, hein, parce qu'à Marie, là. Il va pas tenir longtemps son régime. Ah non, il y a de fortes chances que ça cède très rapidement là. Oh, c'est trop bon les macarons. Alors, c'est comment les macarons là? C'est bon ou pas? Bah attends, laisse-moi. Attends. Je goûte en live. Et ça vient d'où ce truc là? Cormerie, ça vient de chez Damien. À côté de chez Damien. Ah ouais, c'est pas mal. Non, c'est vachement bien. Ouais, on t'entend pas, tu parles pas dans le micro. Tu regardes, moi si je parle là, on m'entend pas non plus. Faut parler dans le micro, voilà. Il y en a 12, vous en avez 3 chacun. 12, 3 chacun, bah très bien. Écoute, et puis si vous voulez c'est horrible ce A. De C'est pas mauvais. On peut vous faire passer les carnons d'ardoise. Oui. Bah, jette l'ardoise là-bas. Là, dans la Eh bien, très bien. Tiens, de l'ardoise. Bah, mais c'est de la vraie ardoise. Ouais. C'est pas mauvais. Bon, bah, très bien. Bah, merci pour la bouffe. Je fais le tour dans quelques minutes. Et puis, on va se mettre. Bah, tout le temps que j'avale. Enfin, le. Macaron, bien sûr. On va se mettre Backer Matt dans quelques minutes sur Fun Radio. Backer Matt avec Van Dag et on revient juste après. Vous toutes et vous tous en direct, on va faire des appels de Toff dans quelques minutes. Donc restez bien là, on est là en top tweet tranquille jusqu'à minuit. Et les iPhones à gagner également. 5C ou 5S sur le Facebook exclusivement. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Tirage au sort dans moins d'une heure maintenant sur Fun Radio. Venez nous rejoindre. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Bonne chance. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. MIKAEL No Limit. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. On est sur Fun Radio tous les soirs, 23h10. Là, il reste 50 minutes d'émission seulement. Donc, si vous voulez venir, prendre le contrôle, bah oui, mais appelez-nous. Donc, vous soyez en France, hein, 01 42 48 5000. Et puis, ça marche aussi hein, sur le Facebook et le Twitter. Ajoutez-moi d'ailleurs hein, sur Twitter et sur Instagram également. Vous tapez MIKAEL_officiel. L'underscore, c'est le petit tiret en bas. Donc, MIKAEL_officiel. Vous m'ajoutez et je vous ajouterai également. Donc, on se suivra mutuellement. Donc, voilà, je compte sur vous. Faites passer le message. Ajoutez-moi. Je vous ajouterai également juste derrière. Donc, tapez MIKAEL_officiel sur le Twitter et sur l'Instagram. Il y a Kevin qui dit coup de bazooka sur la coupe de cheveux de Toff. Ce sera mieux, je vais le faire dans un instant. Et Sephora qui dit vous me donnez faim. Bah nous pas, hein, nous ça va. Hein. Nous on est bien, nous on est bien. Plutôt là. Pas mal, mais on pense à vous hein, qui est crevé la dalle de l'autre côté de la radio. Rassurez-vous. Non mais c'est vrai, on n'est pas des enculés, on pense à vous, il n'y a pas de problème. Il reste 50 minutes d'émission sur Fun Radio, on va encore faire quelques appels avec Toff dans quelques minutes. Et puis on va se faire le Hollandais de Backer Matt maintenant sur Fun Radio. C'est Van Dag, bonne soirée, bonne nuit tout le monde avec Fun. I have a dream. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mikael au 64-900. Sur Fun Radio. Exact, et tous les messages qui arrivent, Yann qui dit ça fait une semaine que je vous écoute, je peux avoir mon petit message de bienvenue s'il te plaît Mikael. Et un petit coup de pelle dans la gueule de Toff, ça lui fera du bien. Oui, ça c'est une certitude. Voilà dans sa gueule, et puis un petit message de bienvenue. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Eh ben voilà, écoute, le message est passé. Hein. Message aussi qui est arrivé de... où est-ce qu'il est ? Quentin qui dit on peut écouter la conversation des deux gars qui se parlent. Ben on l'a fait il y a quelques instants, mais ça va revenir. Faut juste que je les prévienne pas pour être sûr hein, qu'ils nous la fassent pas à l'envers. Alexandre également, c'est abusé comme vous gérez. J'adore la petite musique de téléphone tout à l'heure derrière. Et Dorian qui dit c'est qui les meilleurs ? C'est Mikael dans Fun Radio. Ah oui, car je suis dedans. Continue comme ça, tu gères. Bonjour à toute l'équipe, gros bisous. Merci Dorian et gros bisous à toi également. Bon, on va se faire un petit appel de Toff. Allons-y. Souvenez-vous, c'était la question sur les est-ce que vous regardez des films porno en couple? Ah oui. Voilà, donc on avait fait ça lundi dernier. Et comme tous les dimanches, on vous passe les meilleurs appels, puisqu'il y en a plein hein, de 23h à 2h qui peuvent pas forcément être à l'écoute toute la semaine parce que c'est un peu plus tard. Et du coup, le dimanche, on se remet les meilleurs hein, donc notamment là, on avait appelé des gens pour leur demander si ça leur arrivait de regarder des films porno en couple. Voilà, ça a donné ça tout simplement. Bah non. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, donc bon accueil, bonjour. Hein, ah ça, oui, c'était rapide, rapide. On a juste eu le halo et puis directement le raccrochage en pleine gueule. On l'avait rappelé. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui, mais qu'est-ce que tu m'appelles, connard? Je m'appelle Toff, monsieur. Et alors? En fait, je voulais savoir si vous aviez déjà regardé des films porno avec votre femme. Et ta mère à regarder des films porno avec ton père, connard? Non, monsieur. Mais va te faire, t'as vu l'heure qu'il est, putain, il y a des gens qui bossent. Bah, oui, mais enfin, ça vous empêche pas de répondre à une question, monsieur. Et alors, oui, j'ai baisé avec ma femme devant des films porno. Et alors? Et alors, c'est... Tu envoies la cassette à ta mère? Non, c'est pas la peine, monsieur, c'était juste pour savoir. Ah non, il a raccroché. Je sais pas ce qu'il avait avec ta mère, hein, mais... Ouais, mais je crois qu'il la kiffe, Il avait probablement un truc, hein, ça c'est une... Ouais, mais je crois qu'il kiffe ma mère. Ouais, ça c'est une certitude. Il y a aussi Yann qui dit, ça fait une semaine que je vous écoute, un petit message de bienvenue, s'il vous plaît. Oui, le message de bienvenue. Bah t'es enculé, gros connard. Voilà, Sabrina également, toujours pas eu mon message de bienvenue, ça doit faire 100 fois que je demande. Coup de pelle pour toi, Mikael. Non. Je ne demande pas de coup de pelle, c'est normal. Par contre, je peux te mettre ton message de bienvenue. Ne casse pas les couilles, m'emmerde pas. Voilà, avec ton coup de pelle. Et alors, Kevin qui dit coup de bazooka sur la coupe de cheveux de Toff, ça sera beaucoup mieux, effectivement. Ah oui. Voilà. Bah, ah, c'est pas fait, mieux. Non, ça change rien. Bon, bah, tant pis. Non, ça change rien. Bah, désolé, hein, déception totale d'ailleurs. C'est pas grave. Retour avec. Où est-ce qu'il est ? Aurélien qui est avec nous. Salut Aurélien. Salut. Ça va ? Ça va et vous ? Bah, écoute, tranquille. Hein, là, il y a les auditeurs qui nous ont ramené à bouffer, donc on est tranquille. Hein. Non, on est bien là. Le petit macaron à la cool. Là, on est bien. On est plutôt bien installé. J'aime là, bien sans... le macaron. Ouais, l'ardoise. Non, l'ardoise. Ouais. L'ardoise, ouais. Danger. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Sandro qui va se faire un Big Mac après. Donc, j'ai pas dit ça. En termes de régime, on est quand même plutôt bien placé là. J'ai demandé si c'était ouvert jusqu'à 2h. Pourquoi tu cherches un McDo ouvert jusqu'à 2h? Bah pour le stagiaire. Tu vas aller avec le stagiaire. Nous, on est au McDo, nous, carrément. De quoi, Aurélien? On est au McDo, nous, carrément, à cet instant-là. Ah ouais, mais toi, t'es à Blois alors, ça fait un peu loin par rapport à la radio. Ah, c'est vrai, mais je suis en train de manger un bon menu Maxi Best Of. Et Sandro qui est en train de baver. T'as pris du ketchup ou de la mayo? La meuf en galère. Ils s'en foutent. Oui. Ouais, ils sont fous. Complètement. Vas-y, enchaîne. Hein. Aurélien. Oui. Bon, très bien, en parlant de mayonnaise. Donc toi, tu nous disais que t'arrivais plus à voir la gaule quand tu couchais avec ta meuf. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Quand voilà, c'est ça. Copine, et ben, j'arrivais plus à vendre. T'es avec elle depuis combien de temps? Bah, 3 ans maintenant. Ah ouais, 3 ans. Et ça a marché un jour? Ouais, ça marchait. Bah quoi, et qu'est-ce qu'elle a changé de physique? Elle est devenue dégueulasse? Elle est devenue quoi? Bah, elle a mangé beaucoup cette fois-ci et elle est devenue un peu grosse à mon goût et voilà. Mais un peu grosse. Dit-il alors qu'il est en train de bouffer comme un porc chez McDo. Voilà, c'est ça. Ouais, mais elle a mangé trop à mon goût, elle est devenue un peu grosse quoi. Voilà, je m'engraisse si je veux, c'est elle, il faut qu'elle ne change pas. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais Aurélien, attends, t'es sérieux avec ça là? Non mais c'est pour rigoler, vous inquiétez pas. Ah bon, pas. Non bah on sait jamais, Mais il y a une raison, parce qu'il doit y avoir une raison, hein. C'est que si tu vas niquer avec une autre meuf et qu'avec l'autre meuf ça marche et qu'avec la tienne t'arrives pas à bander, c'est qu'il y a un truc. Bah ouais, il y a un truc, mais je sais pas c'est lequel, donc voilà, je voulais le résoudre avec vous. Attends, je vais poser la question. T'en as déjà parlé avec elle? Ah non. Non, pourquoi faire? Non. Ah bah voilà, tiens, bah, peut-être que la solution est là. Voilà, c'est là. C'est ah bah voilà, mais merci d'avoir appelé. Allez, hop. Voilà, hein. Attends, peut-être que les deux Stéphanie ont un conseil, éventuellement les filles. Je sais pas, peut-être, ouais, déjà qu'il en parle avec, ça serait déjà pas mal. Ouais, ça c'est sûr, hein, c'est clair. Et Stéphanie? Bah non, je sais pas. D'accord, ok, merci pour votre aide, hein, les filles. Hein, c'est rien. Non, vraiment, je savais que je pouvais compter sur vous et tout, que ça allait être bien. Je savais qu'en faisant appel aux filles, là, je savais que j'allais vraiment avoir de vraies réponses à mes questions. C'est un problème de mec, il lui faut un avis de mec. Oui, bah justement, on a Quentin qui est avec nous là. Salut Quentin. Salut les gars. Comment ça va dans le 04? Ça va, et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, tranquillement. Ça va tranquillement, Quentin. Bon, t'avais un conseil à filer à Aurélien, toi? Bah en fait, je voulais savoir s'il y avait eu un petit problème avec sa copine pour qu'il n'arrive plus à bander. Bah ouais, c'est qu'elle me donne plus beaucoup de... Enfin, comment te dire, de plaisir en fait, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, ça, en même temps, elle peut pas t'en donner du plaisir si t'arrives pas à bander un minimum, hein, mec. elle va pas branler un truc tout mou. Non, mais c'est que en fait, quand me fait une fellation, elle le fait tellement mal que... Mais oui, mais c'est pour ça, si tu lui dis pas. Mais oui, mais dis-lui. Ça, il faut lui apprendre. Attends, mais y a pas de mal. Ah bah ça dépend, tu vois. C'est-à-dire que si t'es avec ta meuf, qu'elle te taille une pipe et que tu lui dis, écoute, machin, ce sera bien que t'essayes comme ci, comme ça, elle va être contente, tu vois, tu vas lui l'expliquer. Si maintenant tu lui dis, écoute-moi bien, espèce de grognasse, tu suces comme de la merde, machin, bon, évidemment, elle va mal le prendre, c'est normal. Ouais, peut-être ouais, que tu dis d'arrêter les fellations, hein, peut-être. En fait, le problème, si tu veux, c'est que quand on fait une fellation à mort avec les dents, et ça fait très très mal. Ah bah oui, mais faut lui dire de pas le faire, c'est mais tout. Mais oui, voilà, c'est ça, dis-lui de pas le faire, point, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr, mais bon, j'ai peur qu'elle le prenne mal à la suite, tu vois. Non, mais d'accord, mais enfin, qu'est-ce qui est le plus chiant, que tu bandes pas ou que tu lui dis gentiment qu'il faut qu'elle arrête de mordre? Bah, je pense peut-être qu'il faut qu'elle arrête de mordre, quoi, parce que quand même, une fellation, ça fait du bien. Mais alléluia. Oui, mais voilà, mais dis-lui alors, elle est pas débile quand même ta copine. Enfin, je suppose, je la connais pas, mais si tu lui expliques, ça dépend comment tu lui dis. Il faut pas qu'elle se sente vexée. Il faut pas lui dire par exemple, ouais putain, en tout cas mon ex elle suçait mieux. Alors, évidemment, elle va mal le prendre, elle va se brider, c'est évident. Mais si tu lui expliques, bah je sais pas. Les filles, vous êtes là toutes les deux là, les deux Steph. Oui. Je fais comme si j'ai pas entendu la vanne de Toff pour l'aider. Déjà, il s'enfonce. Déjà, il a une coupe de merde. Bah, il a une brosse à chiottes, je le rappelle, sa coupe de cheveux. Bon, les filles. Oui. Bon, quand vous avez un mec, en imaginant que vous en ayez un, je sais pas si vous en avez un, mais peu importe, c'est pas le débat. Si le mec vous donne des conseils quand vous êtes en train de le sucer, par exemple, en disant bah, fais plutôt ci, fais plutôt ça, arrête ci, fais comme ça, vous allez pas mal le prendre. Bah non. Voilà, alors que s'il vous dit, bah tu suces vraiment comme de la merde, hein, mon ex elle suçait mieux que toi, vous allez mal le prendre. Moi il dit ça, franchement je le démonte. Ouais. Voilà, tu là, mords et tu lui bouffes la saucisse, c'est ça? Voilà, on est d'accord. Donc, tu mords encore plus. Voilà, donc je comprends pas, et explique-lui, c'est pas plus compliqué, tu lui expliques qu'elle le fait mal, point. Enfin qu'elle le mais fait mal. Michael, ouais. T'as pas vu sur Twitter, là, une photo qui circule de... En Russie, il y a une école pour apprendre à sucer. Oui, on en a il parlé. Il l'envoyer là-haut. On en a parlé il y a quelques semaines, hein, pour pas dire moi, d'ailleurs. Mais oui, d'ailleurs, j'avais appelé des gens pour voir s'ils voulaient participer à la mienne, mais ça a pas très bien marché. Bah, écoute, les non, gens... Mais toi, on a pas envie de venir avec toi, c'est ça que t'as pas compris. Ah non, mais c'est même pas pour... Mais si, arrêtez d'être méchant. Merci, non, mais moi aussi je t'aime. On l'aime bien. Moi aussi je t'aime. Mais oui, c'est ça. Mais quelle horreur, quelle horreur. Il y a Lola qui dit, elle va pas branler un truc tout mou, mort de rire, tu m'as tué. Non mais c'est vrai, en même temps, si lui il bande pas, il dit, oui, il me donne pas, elle me donne pas de plaisir. Bah oui, c'est normal. Mais c'est parce qu'il flippe, Ouais, c'est normal. Regardez un de bons films de boule avec des bonnes pipes qui finissent dans une bonne éjac faciale et merci, là vous serez bien. Tof. Karine ici. Ouais, vas-y. C'est pas ça le problème, c'est elle a rien pour m'exciter, donc comment tu veux que j'arrive à avoir une érection? Bon, avec écoute, attends. Femme, hein. Non mais attends, exactement, oui. C'est-à-dire que si à un moment tu nous dis elle a rien pour m'exciter, bah c'est qu'elle te plaît pas, donc bah ouais, mais ça fait quand même 3 ans que je suis avec. Ça fait 3 ans. Mais ça se trouve c'est avant il y avait pas de problème. Mais est-ce que c'est pas elle plutôt qui a plus envie justement et du coup qui fait plus d'efforts? Bienvenue dans Psychologie Inverse oui, Magazine. Voilà, bienvenue dans Psycho Radio. Non mais j'ai peut-être un problème avec ta mère. Tu sais, parle-nous de ton enfant. Oui, c'est ça. C'est un Oedipe. Exactement. Mais je ne vous permets pas, monsieur. Le problème vient de là. Il y a Karine qui dit aussi, je vous écoute à chaque fois que je bosse, vous me faites pisser de rire. Bah c'est le principal, Karine. Titita qui dit, je voulais faire une petite dédicace à mes deux bébés qui vous écoutent, c'est Laura et Aurore. Bon, comme tu dis bébé, je ne sais pas si elles sont bien vieilles, donc je ne mettrai pas de message de bienvenue. Coralie qui dit Mickaël en top tweet, youpi, mort de rire. Bah, merci à vous, en tout cas, comme d'habitude et comme chaque soir. Et puis, tous vos messages, allez-y, continuez à les balancer au maximum, hein, facebook.com/mickaël officiel. Et puis, pour être peut-être top tweetos dans une trentaine de minutes, hashtag Mickaël, vous mettez tous vos messages, n'hésitez pas. Quentin qui dit, bah, apprends-lui sur une banane. C'est une idée, ça. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Non mais voilà, Aurélien, écoute, de toute façon, il y a pas un débat de 1000 ans à faire. Si elle te plaît plus, base-la et puis trouve une autre meuf. Ouais, tu veux pas qu'on l'appelle? On peut l'appeler. Ouais, c'est vrai. Pour lui expliquer comment faire une bonne pipe. De toute façon, j'avais pensé d'aller en boîte ce soir pour un peu me lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas aller en boîte pour la tromper? Bah, je pense que y a que ça à faire. Non, mais toi, t'es complètement con alors. Bah si tu fais ça, à la limite, vaut mieux la quitter, quoi. Mais enfin, oui. Vous me conseillez ça, plutôt? Non, mais Aurélien, t'es juste venu te pavaner, c'est genre, je suis avec une meuf, mais ouais, je vais aller en bois, je crois que je vais aller me vider un peu. Déjà, il faudrait que t'en trouves une, hein, ça c'est la première chose. C'est ça, parce que le nombre de fois où j'ai dit ça et que je suis rentré avec bredouille, la queue entre les jambes et que j'ai pu mastiquer tout seul le soir. Voilà, ouais. Non, mais même, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu te dis, ouais, bah je vais aller en bois, je vais me trouver une autre meuf à baiser, mais vire ta meuf, qu'est-ce que tu fous encore avec elle? Tu lui fais perdre son temps, la pauvre. Vous me conseillez, ça fait 3 ans. Mais on te conseille de virer ta meuf, tu lui expliques pourquoi, et basta, c'est terminé. Lui fais pas perdre son temps, la pauvre. Et bah allez, c'est parti alors, les mecs, je vous écoute parce que Fun Radio, vous êtes des bons. Vas-y, viens. Bah, c'est gentil, vas-y, moi, on l'appelle, Aurélien. Moi je dis, tu donnes le numéro à Sandro et tu la quittes là, en direct. Voilà, mais classe, hein, Aurélien, pas comme un enculé. Hein. Non mais c'est pas bien de quitter quelqu'un par téléphone. Oh tais-toi toi. Bah, ben, c'est bien. Oh comment ça tais-toi? Hey, Stéphanie il va le faire par SMS donc au final on est mieux par téléphone, hein. Ah bah non, oui, par téléphone c'est mieux que par SMS. Ah, tu vois, c'est mieux de lui dire en face. Bon, Aurélien. Oui. Tu donnes le numéro de téléphone ou pas? Bah attendez, je vous l'envoie par... Enfin, je vous le donne carrément là maintenant tout de suite. Oui, donne-le à Sandro, t'emballe pas. Bon bah merci Quentin d'être passé là. Quentin, hein. Oui. Je disais merci d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ça va, y'a pas de problème. Bon, merci ça roule. L'équipe. Salut Quentin, à bientôt. Ciao à toi. Et tous les soirs on est en direct sur Fun Radio avec vos messages comme d'habitude. Et petite vérification, effectivement, chez Mathieu. Chez Mathieu, les copains, là, ça continue à discuter, c'est très bien, pour tenter de battre ce record qui n'est absolument pas un record du monde. Mais puisque c'est un Sud-Africain qui a fait 50 heures de discussion au téléphone. Et donc bah du coup, on avait proposé à des auditeurs de venir tenter de battre cette espèce de pseudo-défi et de discuter de 20h à minuit, 23h27, ça marche encore. Plein de messages qui arrivent par rapport au conseil. Eh ben on va l'appeler dans quelques minutes. La copine, il y a Elodie qui voulait donner son avis aussi par rapport à Aurélien avant de l'appeler là. Ah, et ben voilà, Rihanna et Umbrella. Maintenant, là, c'est pas mal ça. Et puis l'iPhone 5S également à gagner dans 30 minutes, même pas, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. On fait un tirage au sort parmi ceux qui auront liké et partagé la photo où je suis avec les deux iPhones 5C ou 5S. C'est vous qui choisirez en direct à l'antenne. On fait ça dans quelques minutes. Venez nous rejoindre, facebook.com/mikaelofficiel. Si vous n'êtes pas encore fan de la page, et ben venez, prévenez vos amis également que ça se passe sur Fun Radio tous les soirs. Il y a enfin quelque chose à écouter à la radio, notamment maintenant le son de Rihanna qu'on écoute tout de suite, c'est Umbrella sur Fun. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde avec Fun Radio. Ah qu'il est bon le son de Rihanna avec Umbrella à l'instant sur Fun. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 20h minuit. Ouais, dimanche soir, 20h minuit. Tous les jours de la semaine également, de 23h à 2h du mat. Marceline aussi qui dit: je vous écoute tous les soirs, vous êtes super. Merci beaucoup, Marceline. Je te fais des bisous. Le prince Nidaki, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas écouté Umbrella de Rihanna. Trop bon le son, merci Mika. Bah, y a pas de problème, avec plaisir. Stacy également qui dit: Aurélien, si tu fais ça, que tu la trompes, sérieux, t'es qu'une grosse merde. À mon avis, c'est toi qui as un problème et c'est elle qui te repousse. Ouais, pas faux, hein, on n'est pas à vrai que ce soit ça. Et Titi aussi qui dit: moi, je lui conseille direct de lui en parler, il faut surtout pas le faire sur Fun, ils doivent en parler ensemble face à face. Ouais mais Titi, c'est-à-dire que si on le fait pas là maintenant, il va voir une autre meuf ce soir et en plus ça va être par texto, donc au final c'est encore mieux par téléphone. Et Madison qui dit: n'importe lequel, mais je souhaiterais avoir un message de bienvenue pour Madison. Bah écoute, tu sais n'importe lequel, alors pas de problème. Elle vous fait enculer. Eh bah voilà Madison. Et Reina également qui dit: vous êtes mortel, un petit coucou de Carcassonne dans le 11. Et bah on embrasse tous ceux qui sont le 11 à Carcassonne et tous ceux qui sont partout dans l'absolu. Et Léo qui dit: moi, vous me fait chier de rire. Ah bah c'est le principal. Bah continue à chier alors surtout. Hein, et vas-y, hein, fais-toi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Fais-toi plaisir. C'est exactement ça avec un petit coup de. Voilà. Bon, alors Stéphanie, les deux Stéphanie, vous êtes toujours là? Oui. Il y a Elodie également qui voulait donner son avis par rapport à Aurélien là. Salut Elodie. Salut. Comment ça va, Elo? Bah ma foi ça va bien. Bon, on va encore se faire un appel avec Tof dans quelques minutes hein, donc restez bien là. Qu'est-ce que tu voulais donner comme conseil avant d'appeler la copine, enfin la future ex-copine d'Aurélien, Elodie? Bah tout simplement que moi ça m'est arrivé avec mon mari. Oui. Ouais. Qu'il a essayé de me dire fais ci, fais ça, parce que je lui faisais pas trop grand chose. Ouais. Et je lui ai expédié en 30 secondes ce que j'ai fini. J'ai fini mon boulot en 30 secondes quoi. Et je lui ai expliqué qu'en fait, s'il m'excitait pas, j'avais aucune envie de faire quoi que ce soit avec lui, donc automatiquement... Est-ce qu'on peut vérifier si t'es excitante, Elodie? Combien mesures-tu? Oula, je suis pas excitante au niveau physique. Ah, très bien. Mais c'est-à-dire en chiffres? Eh ben, je fais à peu près 1m73. Oui. Pour plus de 90 kilos. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Oui, oui, donc oui, continue ton histoire, donc. Oui, donc je lui ai expédié le truc en 30 secondes. Il m'a dit: oh, comment ça se fait? Non, mais enfin, là, tu me faisais rien, puis là, d'un seul coup, tu arrives, machin. Je lui ai expliqué tout simplement qu'une femme excitée a beaucoup plus de facilité à exciter son homme. Ah, ça, c'est une certitude, évidemment. Mais par contre, si voilà, je puis me permettre, Elodie. Oui. Elodie, je t'interromps parce que Tof a tenté de faire un chiffre et lettre qu'il a avorté. Je vois pas du tout à quoi tu parles. Rapport à ton poids, mais Elodie, n'hésite pas. Non, mais c'est vrai. Attends, faut dire les choses. Alors que vu sa sale gueule, il faut quand même. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Non. C'est-à-dire que le mec se permet. C'est la brosse à chiottes. Oui, la brosse à chiottes qui se permet de critiquer. C'est quand même. Je n'ai rien dit. Non, mais t'as rien dit. Je n'ai rien dit. Mais le fait d'arrêter, ça veut dire encore plus. Oh là là, sans déconner, quoi. Moi personnellement, la brosse à chiottes qui se moque du caca. De quoi, Elodie? Il peut dire ce qu'il veut, moi je m'en fiche, je suis mariée avec le plus beau mec qui était avec moi au lycée. Oh, donc... la classe. Donc déjà c'est pas Tof. Non mais c'est vrai, il faut remettre les choses au clair, quoi, voilà, c'est ça. Bon bah c'est très bien. C'est très bien. Bon et vas-y Elodie, donc du coup tu disais quoi, continue? Donc vraiment, je disais juste que voilà, il faudrait peut-être qu'il pense à exciter sa copine avant d'espérer avoir quelque chose en retour, quoi. Bah c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Mais attends, mais tu t'essayes de l'exciter comment aussi? Parce que c'est ce que je fais, c'est facile à dire, hein, mais j'aimerais avoir plus d'informations. Ouais. Mais moi je leur fais les grosses préliminaires, moi, carrément. C'est-à-dire les grosses préliminaires. Ouais, parce que qu'est-ce que tu appelles des gros préliminaires? Parce que il y a des mecs qui s'imaginent qu'ils sont dans les films de cul et qui s'imaginent que ça excite à mort les meufs, alors qu'en fait pas du tout. Donc est-ce que tu penses l'exciter comme il faut, ou est-ce que tu penses que tu es dans un film de cul? Ah non, je l'explique, enfin, je le fais comme vraiment, enfin... à deux, quoi, vraiment réel, quoi. C'est-à-dire ? Ouais, vas-y. Est-ce que tu la caresses ? Ben, elle respire fort, elle écrit beaucoup. Quand je lui... Ouais. Quand je lui lèche, là... Enfin, on va dire... C'est qui le mec à côté, là, qui te souffle ce qu'il faut dire ? La réponse. Il a un souffleur comme au théâtre. Ah. La chatte. C'est écrit dans le texte, la chatte. Là, d'accord, je lui lèche la chatte. Eh, hey, mais vous êtes des dingues, les gars. Non, mais allez, c'est qui, alors, le mec à côté, là ? Le souffleur. Et c'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Oh. Quelle horreur. Attends, et c'est ton frère qui te dit ce qu'il faut dire. Non, c'est qu'en fait lui il avait. C'est lui qui a le texte dans les mains. Non. C'est lui qui sa meuf en fait. Oui, non, bah alors oui ou non, alors c'est quoi, qu'est-ce que c'est l'histoire? Appelez ma copine, on va régler ça ensemble. Non mais pourquoi est-ce que c'est ton frère qui frère qui te souffle ce qu'il faut dire? C'est pas toi qui est concerné, c'est ton pote en fait. C'est ça, et le soir passe à l'antenne. Voilà, c'est ça. Les bâtards. Parce que c'est une petite bite. Voilà. Tu mérites d'avoir une coupe en branche de chiotte. Bon, coup de pelle, très bien. Hein. Faudra qu'on me mette le bruit de chiotte dans la machine, et évidemment. Hein. Bah oui, forcément. Bah oui. Et tu peux dire à ton pote Aurélien que c'est bon, on a entendu sa voix pendant tout le sujet, donc il peut prendre le téléphone maintenant. Allez, sois un homme, Allez, passe-nous. Pince-toi les couilles et viens nous voir. Allez. Allô. Comment ça va, petite bite? Quand même. Comment tu t'appelles? Benoît, très bien. Ouais, parce qu'il y a un moment, si on allait appeler la copine, elle se serait rendue compte que la voix ne correspondait pas. Hein. C'est ça. Ouais, faut appeler ma copine. Ouais. Bon, alors, en deux mots, là, pourquoi t'arrives pas à bander avec elle? Ah, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait vraiment 3 ans que je suis avec et vraiment, ça n'est jamais. Ça a coupé. Allô? Allô? Le hasard comme par hasard. Ah, nous avons été mis un double appel. C'est double appel. Ouais, exactement, c'est le double appel. C'est la copine qui est en train d'appeler génial. Là. Qu'on les appelle tous. Ouais, mais ce serait bien qu'ils nous remettent là, ce serait pas mal ça. Sinon appelle la copine en attendant pour voir. Ouais, on peut. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, je vais pas l'appeler après si c'est pas elle, t'imagines. Mec, il fout la merde. Il aurait pu dire quand même qu'il allait décrocher. Bah oui, qu'il est con, ou alors ça a décroché automatiquement. Comment il s'appelle le mec, le copain là? Benoît. Je sais pas. Ah, Benoît, ouais. Attends, on appelle la copine, rien à foutre. Bah ouais. Il est capable de nous mettre en attente. Non, pour voir si elle est en double appel ou ouais, en... Ouais, mais non, moi j'en ai la faute, moi je vais la... Vas-y. Balance, il est raccroché. Il est parti. Ouais, mais il est raccroché, mais c'est pas grave, on va appeler la copine, on va foutre la merde. Non, on va l'aider. Oui. Nous allons sauver cet enfant. Allô. Oui, bonsoir. Gaëlle. Oui. Ça va, Gaëlle? C'est qui? C'est le mec, je voulais parler à celui qui est à côté de toi, là. Y'a personne à côté de moi. Si, regarde, y'a Benoît là. T'as une voix quand même féminine et masculine, hein. Hein, Tof? Essaye un peu, Charline. Oui, allô? Ça va, Gaëlle? C'est quoi ce délire? Moi, je voulais juste te dire que j'avais vécu la même chose que toi et c'est pareil. J'arrive pas à exciter les mecs, mais c'est parce que je prenais des hétéros. Oh là là là là. Dès que j'ai pris des gays, ça s'est beaucoup mieux passé. Non, mais c'est quoi ce délire? Mais arrêtez, c'est pas drôle, arrêtez. Oh mon dieu. Bon allez Gaël, Aurélien, bientôt, bonne soirée. Merci de nous avoir fait rire quand même, minimum, c'était sympa. Elodie, encore un truc à ajouter? Ouais, juste une chose. Ouais. J'adore vos messages de bienvenue, mais j'en voudrais un au féminin, quoi. T'en veux? Bah avec plaisir. Va te faire enculer. Voilà. Mais non. Bah va te faire enculer. C'est un homme. Et alors, hein, tu veux que soit une femme? Va te faire enculer. Tu veux que soit une femme qui te parle? Elle veut un petit salon. Bien sûr. Ah bah si tu veux, ouais, attends une seconde, attends, faut que je le retrouve aussi. Hein. Ah bah voilà, parce que vous avez que des mecs quasiment. Non, oui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, qui parlent. Souvent les mecs qui sont plus clairs. On a la chinoise, on a la fille du Nord, tout ça. Ouais. Vas-y, va te faire enculer, connard. Voilà, tu vois, c'est une fille ça. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Ou alors... ferme ta gueule, gros bâtard. On a du mal à l'imaginer, mais c'est une fille. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas clair et comme ça, la première premier abord, mais c'est une fille. Bon bah Elodie, je te fais des bisous. Ok, merci, bonne soirée. Allez, salut, bientôt. Bonne soirée à toi aussi, Elodie. Et ça parle encore. Hein. C'est horrible. Ça discute encore chez Mathieu, c'est parfait. Pour tenter de battre justement ce record, ce défi. Il y a Julie qui dit déjà pour dire grosse préliminaire, faut pas s'y connaître des masses, mon pote. C'est vrai, Julie. Lina également qui dit Tof est trop beau gosse, il a un corps de rêve. Ah, merci. Polo va rigoler à l'idée. Ah oui, ça c'est tu. La vanne du dimanche. Et alors il y a Sephora qui dit Sandro et la brosse à chiottes et le caca. Il y a Titi aussi qui dit ah putain c'est trop bizarre que vous me répondez via la radio. Or que je vous parle sur Facebook, c'est la première fois que je vous écoute et mort de rire, je vous adore. À partir de maintenant, je ne vais pas vous lâcher. Ah bah c'est gentil Titi. Par contre Titita là, j'aimerais savoir, t'es une fille ou un garçon? Parce que je sais pas très bien avec le fille, Titi, je crois, c'est un garçon ou une fille. En tout cas, quoi qu'il en soit, soit le ou la bienvenue. Il y a Sarah qui dit vous me faites trop rire, ma radio favorite, je vous love. Merci Sarah. Et Lina qui dit coucou Diatov que c'est le. Attends, Polo? Oui, oui. Dis à Tof que c'est le plus beau gosse du monde. Je fais mon message de bienvenue. Ah, vous êtes drôle ce soir, les auditeurs. Non, franchement, bien. Petit faites message. Un spectacle. Ah bah oui, oui, oui. Petit message de, d'accueil que tu voulais. Un petit message de bienvenue. Alors, je vais t'en mettre un. Me cassez pas les couilles, hein. Bah voilà, et un petit dernier encore. Bah, frère enculé. Eh oui, oh, oh PD, c'est ce qu'il y avait à faire. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend très bien, oui. Dernier appel, dernier appel avec Tof. Allons, allons. Dans quelques minutes, juste après la pub. D'accord. Voilà, très bien, juste après la pub. Et puis on donnera également le gagnant ou la gagnante de l'iPhone 5S ou 5C qui est encore à gagner en venant nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et puis on va se mettre le son de Z dans un instant, enfin Z plutôt avec Stay the Night. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limit, tous les dimanches, 20h minuit et tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec Party Fun spécial Lady Gaga dans quelques minutes. Ce sera dans un quart d'heure avec Adrien. Et ouais, Party Fun spécial Lady Gaga, donc de minuit à 1h du mat. Donc bah soyez bien à l'écoute de Fun Radio. Et puis bah si vous avez des sons à proposer, n'hésitez pas évidemment avec Adrien qui se fera un plaisir de vous mixer 1 heure de Lady Gaga non-stop sur Fun Radio et en exclu total. Dis donc, ça te dérange pas qu'on parle là pendant que t'es en train de cracher, Steph? Pardon, excuse-moi. Ah bah dis donc, quand même. Bon, bah allez, alors. Puis dernière ligne droite aussi pour venir choper l'iPhone 5S ou 5C. Tirage au sort dans moins de 15 minutes maintenant. Attention, c'est très très proche. L'iPhone 5S ou 5C a gagné exclusivement sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. On tire au sort dans quelques minutes. Ce sera peut-être vous, allez savoir. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Et puis on va se faire également le son de Z avec Hayley Williams maintenant. Stay the night sur Fun Radio, 23h48. On est à la cool avec Party Fun dans quelques minutes. Et puis avec également le retour de, des deux filles avec Adrien apparemment que faire le générique de fin là. Bon, on fera ça dans quelques minutes et puis on va également appeler encore des gens avec Tof dans un instant sur Fun. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. No limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio tous les soirs. On est là 20h minuit le dimanche et oui. 23h 2h du lundi au jeudi. Et là qui demandait comme demain c'est férié si on était là. Bah évidemment qu'on sera là. Demain soir en direct 23h 2h bien sûr. Audrey qui dit j'aimerais mon message de bienvenue moi aussi. Vous êtes un imbécile. Bah voilà Audrey. Sephora qui dit c'est pas drôle, ne rejetez pas les gens. Tof, t'inquiète pas, la vie est longue, on est 7 milliards sur Terre, tu trouveras bien une meuf. Bah le plus dur c'est surtout c'est le message à la meuf. J'espère que tu le trouveras pas trop vite. Ouais, c'est surtout l'inverse que je voulais dire. Elodie qui dit super soirée, mon premier mois avec vous, j'adore. Tof, super coupe de cheveux, belle grimace, bisous à d'équipe, c'est Elodie. Merci, merci Elodie. Et Sandra qui dit c'est ma première ce soir, passez une bonne fin de nuit, bisous à l'équipe, c'est Sandra. Et ben bienvenue, que des nouveaux auditeurs ce soir, vous êtes les bienvenus tout le monde. Hein. Et on, bien évidemment aux anciens aussi. Joshua qui dit je peux avoir un message de bienvenue et je fais une dédicace à mon meilleur pote qui me manque. Ce qui est bien, c'est qu'on ne connaît pas le prénom du meilleur pote, donc on n'est pas plus avancé. Mais petit message évidemment avec grand plaisir. Alors ferme ta gueule gros bâtard. Voilà, je l'ai mis tout à l'heure donc je vais remettre un petit nouveau là. Hop là. T'as rien à faire ce connard. Eh ben voilà, le message est passé, comme ça au moins c'est fait. Bon, dans quelques minutes le top tweetos, dans quelques minutes également le tirage au sort pour l'iPhone 5S ou 5C et puis les derniers appels avec Tof avant d'en faire de nouveau demain tout neuf tout frais. Et là c'était ménage et domination. Ah oui, oh là là, j'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Oui, grand moment de ménage. Pouvoir et domination. Fouetter des femmes. Voilà, c'est ça. Donc on avait appelé des gens pour leur demander si effectivement c'était possible. Donc voici en règle générale leur réponse. Et vous allez voir que comme d'habitude. Allô. Oui, bonsoir insulter. Monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir comment vous faisiez le ménage chez vous. Ben, je le fais moi-même. Ah, mais parce qu'en fait, voilà, je me présente domination à domicile et donc je pourrais venir vous aider à vous motiver pour faire le ménage. C'est quoi, pardon? C'est domination à domicile, monsieur. Domination à domicile, oui, c'est quoi? Eh ben, en fait, je viens avec mon fouet et ma cravache et je vous aide à faire le ménage. Ok. Voilà, un coup de fouet et de cravache. Hein, si vous D'accord. êtes un peu lent, si je sens un petit coup de mou, hop, un petit coup de cravache sur les fesses et vous reprenez le okay, poil de la bête. Super. Ça marche. C'est vrai? Bah écoutez, alors quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Mais vous êtes sérieux là? Oui monsieur, je suis sérieux. D'accord, ok. Ça m'intéresse pas. Bah vous venez de me dire que ça vous intéressait monsieur. Ok. Ah oui, donc là forcément ça l'intéressait pas, hein. Il avait dit bah il, si, était ça l'intéresse. Il a été clair, donc on renvoie un message. Enfin, on renvoie un message, on l'a rappelé plutôt. Je suis coincé dans les Facebook. Allô? Oui, excusez-moi, vous avez coupé un peu vite monsieur, vous me dites que vous êtes intéressé et puis vous l'êtes plus. Bah non, ouais, je suis plus intéressé, ouais. Bah pourquoi monsieur? Mais foutez de ma gueule ou quoi? Mais pas du tout. Moi je pensais qu'un petit coup de fouet ou un petit coup de cravache sur les fesses, ça vous revigorerait, ça vous donnerait l'envie de faire le ménage plus vite chez vous. Ouais, ok. Bah voilà. Bah vous êtes planté alors. Bah pourquoi je me suis planté monsieur? Vous êtes planté. Bah non, vous m'avez dit que vous étiez intéressé. Oh putain, ta gueule. Ah ça l'a saoulé là, ça l'a saoulé et évidemment et on l'a rappelé. On l'a pas laissé comme ça, on l'avait rappelé encore une lourde fois. Oui, excusez-moi monsieur, mais c'est pas la peine d'être vulgaire. Non, c'est pas la peine d'être vulgaire, mais vous êtes pas obligé de me faire chier au téléphone là. C'est quoi votre problème là? Bah j'ai pas de problème monsieur, moi c'est juste que vous m'avez dit que vous étiez intéressé, donc je voulais qu'on prenne rendez-vous pour que je vienne vous mettre une petite fessée. D'accord, ok, super. Bah voilà. Vous êtes complètement con ou bien? Mais pas du tout monsieur. Si, j'ai l'impression que vous êtes un peu con quand même. Bah pas du tout, moi je vous propose un service pour vous aider à faire le ménage plus vite. Ok, ouais. Voilà. Donc quand est-ce qu'on prend rendez-vous monsieur? On prend pas rendez-vous là, mon grand, qu'est-ce qui vous arrive là? Bah vous m'avez dit que vous étiez intéressé monsieur. Non, je suis pas intéressé, qu'est-ce que c'est quoi? Vous êtes un peu demeuré ou c'est quoi? Vous essayez de faire de la vente forcée? C'est quoi votre connerie là? Non, c'est pas de la vente forcée monsieur, c'est juste un petit coup de fouet par-ci par-là, un petit coup de cravache quand je sens que vous avez un petit coup de mou pour lustrer un truc. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Ah vous voyez, votre femme est intéressée monsieur. Ouais, c'est clair. Hein, peut-être que ce serait mieux que je prenne rendez-vous avec votre femme. Ouais, peut-être, ouais. Ah, vous voyez? Bon, passez-moi votre femme, ça ira plus vite. Vous avez des chiens, des animaux? Parce que nous, on aime les animaux. Hein. Ah, vous aimez les animaux. Écoutez, je n'ai pas de chien, mais si vous voulez, je peux trouver un berger allemand pour le mordre de temps en temps. Oui, Gunther, de préférence. Gunther, eh bien écoutez, je vais chercher ça. Bon, quand est-ce qu'on prend rendez-vous, alors? Ça marche, on fait comme ça, hein. Oui, mais quel jour, alors, monsieur? On va dire le... Comment dire? On va dire ce soir. Ouais, en fait, ouais. Eh ben écoutez, j'arrive. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Et ben voilà, c'était terminé, on avait trouvé enfin une solution là. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui acceptait que vienne mettre des claques, des fessées. Mais oui, c'était magnifique. Un petit coup de fouet par-ci par-là. C'était magnifique. Bon, avant de prendre le gagnant pour l'iPhone 5S ou 5C, on va se faire le top Twittos. T'es prêt ou je prends d'abord le gagnant? Alors, est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Oui, bah très bien. Alors attention, mesdames et messieurs, number 5. Je tiens à vous annoncer que Lesbi Freak c'est 10e. Non! Oh, elle fait son cinéma. Ah oui, non, mais elle fait son cinéma parce que je sais pas quoi sur Twitter. Elle décide de pas tweeter ce soir, elle est en grève. Numéro 4. Elle aussi. Non, elle... Alors, numéro 5 d'abord. Alors, Kidzy DJ. Numéro 4. Oula, putain. Alors, Kill Bill Dumani. Bon, c'est pas compliqué à dire. Non, j'ai l'impression que c'est un mot super long là. Oui, d'accord, mais quand c'est écrit, c'est un peu compliqué. Oh, oh, numéro 3, branche à chiottes là. Il va pas nous saouler là. La brosse à chiottes. Oui, alors, bon, Kent... numéro 3. Elle va pas nous en chier une pendule. Donc Kent Drouich. Numéro 2. Le prince Nadia. Ah, qui a perdu sa place, dommage pour elle. Dommage. Et numéro 1. Quinquin du 08. Non, c'est Kinkin. Non, c'est Quinquin. Non, c'est Kinkin alias Julien. Il m'a déjà tapé scandale parce que tu prononçais mal son nom. Eh bien, je continuerai à dire Quinquin. Eh ben, je mettrai un coup de pelle dans sa gueule encore une fois. Voilà. Et Sephora aussi qui va envoyer un message qui dit mort de rire, vous êtes énorme, j'en peux plus de vous. Ah bah, dis donc. C'est gentil, alors, Sephora. C'est... Hein? C'est faux. Bah oui, j'en peux plus. Comme si c'était négatif, hein? Sephora. Non, je pense que c'est positif. Kinwai Noi. Je parle, excuse-moi pour le prénom, hein, j'ai certainement dû faire la foutre de la merde. Vous êtes trop fun, je vous écoute et je rigole tout seul. Merci. Et Ariel qui dit ne pas oublier de s'essuyer dans les cheveux, hein, polo style. Voilà. Et It's My Birthday qui dit je peux avoir mon message d'anniversaire. Bah, pas message, mais en tout cas, tu peux avoir ta musique si tu veux. Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Bon anniversaire. Voilà. Message passé. Joyeux anniversaire. Mais oui. Voilà. Bon anniversaire à toi, it's bon my birthday. Bon, et puis Mathieu. Bon, ah bah voilà, non, ça continue à parler, c'est parfait. Bon anniversaire, tu sais. Oh les gars, c'est bon, il est minuit là. Oh, il est minuit. Ouais, bah il est minuit, vous pouvez enfin la fermer. Nickel. Voilà, puisque depuis 20h ils sont en train de discuter entre eux pour en fait, tenter de battre le mec qui avait fait ça aussi, record du monde de 50 heures de conversation téléphonique. C'était en Afrique du Sud. Bon, alors on a fait que 4, mais enfin c'est pas mal quand même. Bon, ouais. Chose promis, chose due, je vous renvoie. C'est vrai. La PlayStation 4, ouais. C'est pas réfléchir. Pas du tout. Quoi non. Bon, je te renvoie chez Sandro au standard. Tu vas gérer ça avec elle pour les cadeaux. Je sais que notamment il est DJ aussi, donc tu vas gérer ça là-bas. D'accord ? Ouais. Nickel, merci beaucoup. Salut à vous, merci d'avoir participé. Vous revenez quand vous voulez sur Fun. Merci les filles, les deux Stéphanie, d'être restées là aussi. Merci. Oh, avec plaisir, je peux revenir demain ? Non. 5 comme euros. 5 euros. Ouais. Voilà. J'aurais payé en nature. C'est donné. Ouais, non, mais non, ça m'intéresse pas. Ouais. Non. Bah non. Comment ? Stéphanie, j'ai déjà une meuf. Bon, je sais que t'en as une, mais moi je suis pas jalouse, je m'en fous. Ah oui, non, mais toi, t'es pas, mais... C'est Stéphanie, t'en as une. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est Stéphanie. Non, c'est Stéphanie tout court. C'est Stéphanie Stéphanie tout court, ouais. Bon, les filles, gros bisous, il y a demain si vous voulez, pas de problème. À demain. Salut, à vous, bisous, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Et puis, gagnant de l'iPhone maintenant, allez, c'est parti. iPhone 5C ou iPhone 5S, j'avais dit minuit et 20 secondes, on est au top. Bravo, non, félicitations. C'est bien le seul moment où je suis à l'heure dans cette émission. Ouais. Allez, c'est parti. Coupine. Allô. Bonjour. Allô. Comment tu t'appelles? Nelson. Salut Nelson, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Salut Mickaël. Est-ce que t'as fait ton like et ton partage sur la page de l'émission là? Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Eh ben c'est très bien. Bon Nelson, tu veux l'iPhone 5S ou l'iPhone 5? Alors l'iPhone 5S il est en version dorée, donc gold. Et l'iPhone 5C c'est un blanc, tu veux quoi? Je pense que je vais prendre le 5S. Le 5S. Tu pars du nez là, très bien. Bon, t'as bien failli, il vaut plus cher en même temps, mais bon. Ouais. Bon, bah très bien, bah, bravo Nelson, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, on va te filer ça, pas de problème. Merci, Michel. Salut. Merci. Allez, salut. Ciao à toi, et ben voilà une bonne chose de faite. Et puis avant de... Bah, on va se faire le générique de fin, s'il y avait Adrien qui est avec nous là. Salut Adrien. Salut. Comment ça va? Salut. Ouais. Je crois que t'étais Adrien de Party Fun. Je me suis dit, putain, il est con quoi. Très bien. Ouais, bon, c'est Adrien de la semaine dernière. Bah oui, très bien. Tu t'es entraîné depuis la semaine dernière? C'est ton nom de famille la semaine dernière. Là, j'étais en train de m'échauffer la voix. Ah, donc, tu fais bien de t'échauffer la voix. Attends, alors attention. Attends, je prends ma voix. Vas-y. C'est bon. Moi aussi. Ouais. Parfait. Alors j'ai envie de te dire, on va y aller. Hein. Est-ce que t'es sûr que tu veux pas te mettre un petit peu de menthol d'abord? Vas-y. Voilà. Voilà, avec ça t'es bon. Et au fait, est-ce que je peux avoir allez vos fautes? Non. Oh. Non. Non mais je l'ai pas sous la main là, c'est pour ça que je te dis non. Ah que... ouais, ok. Mais c'est-à-dire qu'il y a une centaine de sons, je ne sais pas où il est, si tous les écouter. Wow. Mais si je le trouve en attendant, t'inquiète pas. Ah, peut-être. Allez vous faire foutre. Ah bah non, c'est pas celui-là, non. Non, c'est pas celui-là. Bon bah c'est pas grave. Si je le trouve, je te le mettrai. Et content, il rigole. Ouais. Oh, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est le pourri de bâtard. Voilà. Allez, on y va, la chanson, c'est parti, générique de fin, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu prouves des bites à c'est toi, l'enculé. Quelle voix de merde. Oh là là. C'est une grosse salope. Et moi je vais baiser ta mère, non? Je vais être gratté, gros con. Qu'est-ce qui se passe ici? Fais pas chier parce que ça va être vite fait. Je vais te mettre sur écoute et tu vas voir pour changer ton numéro. Cette salope qui va. Tu fais chier, que espèce de con. Toi l'enculé. Toi l'enculé, toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Toi l'enculé. Eh ben voilà, merci Lilou. Eh ben bravo Adrien, t'as été très mauvais. Non. Ah, tu as très mal chanté et c'est ce qu'il faut, tu me diras dans l'absolu. Bon ben merci Adrien d'être passé, je te renvoie chez Sandro au standard. Ouais, ok. Salut Adrien, à bientôt et tu vas rester dans la petite dédicace. Allez vas-y. Alors, dédicace à Aurélien, mon meilleur ami, qui vous écoute depuis votre début. Depuis vos débuts, quoi. Oh, bah, c'est gentil, voilà. Bah, tu l'embrasses de notre part. Ça marche. Ok, salut les gars. Salut à vous, salut à toi, à bientôt, merci beaucoup. Et merci aux auditeurs qui sont passés également soir avec la bouffe, etc. Tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais faire un petit dédicace à Kidzy DJ qui nous écoute. Non, déjà, tu n'arrives pas à donner son nom, donc votre avis. Il va être content. Kidzy. Ah, Kidzy, d'accord, ok, ouais. Et puis je voulais aussi balancer mon Twitter à l'antenne. 5 euros. Pardon, c'est pas bon. Il a ramené les tuiles là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les tuiles, c'est vrai qu'il y a les ardoises, oui, c'est vrai. Les ardoises, pardon. Bon, allez, vas-y, vas-y. Mon Twitter, c'est un tardeur. INTARDER. INTARDER. C'est ça, ou vous avez pour si vous tapez juste le pseudo. D'accord, et on a quoi comme. Qu'est-ce qu'on a comme info avec ça? Un tour en camion. C'est juste mon Twitter. Non, j'ai compris, mais tu partages quoi? Bah, ouais, c'est tout régulièrement sur l'émission. Ah bah très bien, bah voilà, très bien. Voilà, ça, c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison. Bah voilà, il suffisait de commencer par là. Bon, merci également à tous ceux qui ont beaucoup tweeté, liké et envoyé des messages sur le Facebook dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Julien, il y avait Quentin, il y a Dylan, il y a Williams, il y a Marion et M également. Il y avait Théo, Rémi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rémi Vaudoir, Estelle également, Amri Ramzi, Sandra, Alicia, Gaëtan, etc., etc. Vous avez été nombreux à débarquer ce soir sur le Facebook, le Twitter, quasiment 250 000 sur le Facebook, en même pas 3 mois d'émission. Merci beaucoup, continuez à passer le message autour de vous, bien entendu. Et puis bah, nous, on se retrouve demain à partir de 23h pour une nouvelle et une dernière de la semaine, n'importe quoi. Ah, ce sera une bonne semaine, ça. Ouais, c'est clair, ouais. Pour une nouvelle édition demain dès 23h avec encore des cadeaux. Le chéri, je peux te faire cocu avec le skateboard électronique, enfin électrique plutôt, à gagner. Et puis encore avec les consoles Nintendo 3DS XL dès demain soir à partir de 23h. Profitez bien du jour de congé si vous êtes en congé demain. Et puis bah, rencard demain 23h sur Fun Radio. Salut tout le monde. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, c'est pour ça. Hop là. No Limit. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio.